Et ça, c'est beau. Tu voulais qu'on écrive quoi? Où? Nos blases? Eh Vos oui. blases éventuellement et mettre le nom de vos personnages en bas, vous savez, là où il y a vos noms affichés aussi. Ça pourra Donc m'aider. ça dépend, ça dérange pas si je passe sur un personnage masculin du coup? Ah, pas du tout, hein, change de Merci. gueule, y a pas de souci. Ok. Je vais trouver ça au passage. Je vous laisse faire ça pendant que je vous fais le petit briefing. Vous êtes du coup dans la ville de Cooperstorm, ville ultra technologique. Vous habitez dans les quartiers a priori plutôt moyens, voire délabrés en fonction de ce que vous voulez. Et vous êtes envoyé par la personne que vous voyez. Du coup, la personne que vous voyez, c'est qui s'appelle Joe Nobo, qui est le patron de votre agence en fait. Ça fait plusieurs semaines, mois, que vous aviez plus trop d'affaires, que vous glandiez un peu, vous voyez dans les espaces en bas, à chercher des jobs, à proposer vos services, etc. Ça n'a pas été trop fructueux, ou alors des petits jobs sans envergure. Et le son est encore un peu fort. Parfait, le son. Et donc, vous venez de vous, vous recevez un appel sur vos comlinks. Ouais. Allô, les gars? Oui. Ouais, c'est Joey à l'appareil. Comment tu vas, mon chéri? Si, bah écoute, plutôt pas trop mal. J'ai du boulot pour vous. Si vous voulez bien vous ramener, si vous voulez vous, bien vous ramener au bureau. Je vous dis tout de suite, ça risque d'être assez juteux, donc traînez pas trop. Bah, on arrive, ça fait plaisir à entendre. J'ai des détails plongés. Ouais. Bon, une fois que vous êtes tous arrivés, il a sorti le grand jeu. Il y a tous un petit verre d'alcool. Ça arrive jamais, sauf pour un peu les grandes occasions. Un verre d'alcool de qualité, bon, évidemment synthétique, mais un verre d'alcool quand même. Il vous dit installez-vous, les gars. Je vous brief. Donc, il vous balance un espèce d'holo d'un mec plutôt bien habillé, plutôt bien fringué, etc. Et il vous dit bon. Cette semaine, vous allez devoir sortir vos talents d'enquêteur, les gars. Il y a un membre de la haute qui a besoin de nous, en fait. Il a été victime d'un meurtre. Oh. Mais la police a conclu à un suicide. Cependant, lui, il est sûr que ça n'en était pas un. Et du coup, il nous demande d'enquêter là-dessus. Vous êtes partant ou pas? Et ah oui. Petit détail, j'ai oublié de vous dire, mais il y a quand même 10 000 crédits à la clé par tête de pipe. Oh. Ah, ça devient tout de suite plus intéressant là. Donc autant vous dire qu'en fait, que vous soyez partant ou pas, bah, vous voyez qu'il fume son. Balance sa fumée. Bah, je m'en bats les couilles et vous allez vous bouger le cul, quoi. C'est qui? Il s'appelle Alban Melvent. C'est pas un nom de hardeur dans les années 80, là? Je sais pas. Tu remets ça loin Les là. références. J'ai pas la référence, Je suis un peu porté sur la chose en effet. Ok. Il y a possible d'utiliser la console, une console de Netrunner là pour avoir des infos? Bien sûr. Vas-y, tu vas me faire ton premier jet. Yeah! Vous êtes au taquet, les gars. Allez, Attendez. échec critique, c'est parti, bagarre. Comment vous appelez? On se connaît, comment ça se passe? Un des 8. Alors ça va être un dé d'esprit et corpo. Étant donné qu'il est dans Ah, le monde de la rue. corpo, d'accord, ok. Donc, vu que tu n'en as pas, si je dis pas de bêtises, Yep. tu ne jettes que ton Juste un D8. D6, ouais. Difficulté 3. Sans ces D6. Ah oui, alors normalement, pardon, dans les macros, dans l'onglet macro, vous avez tous les dés possibles et imaginables que vous pouvez activer. Ouais. D4, D6, D8, vous aurez juste à cliquer là-dessus. Et ce que je vous conseille, c'est de faire dans l'ordre D4, puis D6, puis D8, pour qu'ils soient dans l'ordre croissant. Ouais, dans ce cas. Oh, c'est bien les Ouais. macros. Mais c'était pas un D8 que tu étais censé lancer, toi? Non, sans c'est D6. C'est hacker qui est D8. Mais je crois que je t'avais dit esprit, mais c'est pas grave. Tu Ah veux le merde, relancer ou pas? j'ai C'est pas compris grave, sans. c'est pas Bah grave. oui, je le relance, ouais. Bah, vas-y. J'ai fait une Prends un D20. bêtise. Bah oui, c'est sûr, mais la base. Un petit 10. Bah effectivement, tu le connais et tu le connais plutôt bien en fait. Peut-être que tu as déjà eu affaire à lui en tant que biosynthe. C'est un mec qui travaille dans l'industrie de tout ce qui est COS, donc tous les corps artificiels, tout ce qui va être. Il crée soit des corps, soit il les répare, des pièces de rechange, etc. Et c'est un mec qui est plutôt en vogue avec sa nana. En fait, il travaille dans le même labo d'une grosse boîte. Et dans le labo de cette grosse boîte, ben en fait, ils font des morphes et des corps de très bonne qualité, assez originaux. Et du coup, eh bien, ils sont en vogue et ils sont méga riches. Et D'accord. d'ailleurs, effectivement, tu as vu passer dans les news qu'il s'était suicidé et que ça avait été les conclusions, la conclusion officielle de l'affaire. Peut-être que c'est pas très important finalement parce que comme un peu tous les riches, et il avait une espèce de pile corticale, une espèce de sauvegarde de lui-même, et il a pu en fait on va dire se réincarner dans un autre corps tranquillement, sans que ça ait plus d'impact que ça, quoi. Donc ouais les gars, c'est quand même un ponte, hein. Je sais pas si je peux vous transférer toutes ces infos, mais essayez de voir ça, c'est quand même très intéressant. Puis il y a peut-être moyen d'aller gratter du côté de ses proches, on sait jamais. Donc, Ouais, moi et vous, je comprends pas l'intérêt de buter un mec qui peut revivre la seconde d'après. Ah, c'est peut-être pour Ah, marquer le coup, on sait jamais. ça, les gars, c'est vous qui allez devoir le découvrir, ça. Est-ce Est-ce que qu'on peut c'est le bien un rencontrer, suicide? Alban? Ah bah bien sûr, il vous attend d'ailleurs. Il va falloir que je vous accompagne parce que c'est quand même ça fait partie des quartiers un peu sécurisés ou auxquels on n'a pas accès d'habitude. Mais vous me dites quand vous voulez y aller et on y va. Ah, ça dépend de vous, les gars. Vous êtes chaud ou pas? Ouais, Ah oui, moi ok. je me suis habillé en bonasse, je suis partant là. Ok, Dash. Et ta Attends, mère, tu c'était Dash t'appelles 2 comment? en 1 ou pas? Oh! Pas mal. On en est là. Tu peux mettre, si vous pouvez mettre chacun votre nom dans la barre en bas, Ah, ce serait yep. parfait. Ah merde, mais je l'ai fait ça. Bah, Ah t'as non, pas ça dû l'a pas regardé. valider, t'as pas dû enregistrer. Y a pas de souci. Du coup, est-ce que vous voulez faire quelque chose avant d'aller dans le quartier de la Haute? Non. Non, Je ok. pense que C'est c'est pas bien obligatoire. pour démarrer, pour qu'on rencontre déjà notre cher Alban pour la tête qu'il a. Ouais, tout à fait. Hop, eh bien, vous voyagez dans la ville, vous montez en fait dans les strates jusqu'à arriver dans ce quartier-là. En fait, finissez par devoir prendre un aéronef parce Ah que, comme merde, vous le voyez, comme je vous le peux pas voyez. prendre mon van. Ah, après, je sais que la personne qui a un Android des pilotes d'exception peut avoir un véhicule à sa convenance. Sans Mais ça, deuil. on en discutera quand on y arrivera, quoi. Normalement, c'est voiture ou moto, mais pas de souci si tu veux un espèce de petit aéro truc, un peu comme un aérovan, un truc amphibie, tu sais, genre biclassé. Et donc, vous voilà arrivé donc dans ce magnifique quartier. L'air est pur, vous voyez la lumière du jour en bas. Vous étiez quasiment à la même heure, mais vous voyez pas la lumière du soleil, vous voyez pas les nuages, vous voyez pas cet air pur. Et bon, vous arrivez dans ce quartier, donc eh bien là où vous étiez à Cooperstorm, en fait vous êtes un peu dans le quartier de Skystorm, quoi. C'est le quartier de la Haute. Ah, les pires représentants de l'humanité, ça va être génial de les rencontrer, tiens. Nobo vous guide en fait, et il vous dit on a eu un peu de chance, c'est un mec, c'est l'ami d'un ami en fait, donc c'est pour ça qu'il nous a filé la mission. Du coup, je compte sur vous pour pas faire n'importe quoi, n'est-ce pas, Igor, hein? Pas de bêtises. Et toi aussi, James, hein? Tu me fais pas n'importe quoi. Pourquoi tu me Ah, dis ça à toujours moi? les mêmes. Hein? Bon, juste J'ai peut-être l'habitude de me tenir. des petits soucis de discipline et d'impulsivité peut-être. Non, mais ça va aller. Tant que ça C'est approche pas toujours trop. justifié. Bon, donc Je vais t'excuser, vous merde. finissez par arriver, vous voyez devant une super baraque avec la façade. Enfin, la maison est déjà gigantesque en fait. À votre niveau, il n'y a jamais des trucs très grands parce que l'espace est très cher et surtout qu'il y a énormément de monde. Mais là, vous voyez que les gens ont de l'espace, quoi. Et vous arrivez dans le quartier Melvaux en fait. Vous entrez dans un truc avec une grille, il y a un parc, des petites maisons, et vous arrivez devant une espèce de maison hyper technologique avec une façade qui change au fur et à mesure de la journée. Et vous avez un robot de service qui vous accueille. Bonjour messieurs, que puis-je faire pour vous? Ah, il y a un copain à Dash. Moi je parle pas, c'est trop. Moi je parle correctement. Bonjour, petite chose. Je peux parler correctement, mais mon maître a choisi de me doter de cet accent désuet. C'est toi qui as choisi de respecter ton maître. Oui, tout à fait. Le respect du maître est important. Mais bien sûr. Et donc, vous êtes là pour Pour rencontrer votre maître, justement. Ah, je crois qu'il nous attend. On a rendez-vous. Oui. Très bien. Vous êtes Joey prend la parole et lui dit d'où il vient. Il montre sa carte. Très bien. Eh bien, veuillez me suivre. Attention où vous marchez, s'il vous plaît. Les fleurs sont véritables et viennent d'éclore. Merci. Ah merde. Ah, ça se refuserait ici. Il y a une porte depuis éclore quoi. Tu vois qu'il te regarde et puis il décide d'avancer tranquillement. Ok, c'est boîte de conserve. Bah, je mets un petit coup de coude à la personne qui est la plus proche de moi. Oh ouais, écoute, franchement, il se refuserait hein, 10 000 crédits uniquement. Avec tout ce qu'il a, il pourrait quand même lâcher un peu plus. Hein. Ça se vraiment des fleurs, radins. Je me demande si je m'en foutrais pas de trois dans les poches. Bah écoute, en partant, on peut s'arranger. On prend quelques fleurs. Cela vous est fortement déconseillé. L'ensemble de la propriété est sous vidéosurveillance. Alors on peut même plus rigoler. Une blague. Bon allez. Et allons. Donc vous voyez devant vous en fait arriver au perron, vous voyez donc cet homme Alban Melvaux, enfin plutôt sa sauvegarde qui vous reçoit. Et pour l'instant a priori vous voyez pas sa femme. Allez. Bonjour messieurs. Comment allez-vous? Seigneurie. Ouais, mieux que vous. Enchanté. Écoutez, moi, ça va plutôt bien, finalement. Venez, entrez, suivez-moi. Ne restons pas sur le pas de la porte. Bah, nous lui emboîtons le pas. Bon. Ça se voit, comment tu dis que c'est visible que c'est sa sauvegarde ou il est en tout point... Non, il est en tout point similaire. C'est un truc de haut de gamme, il n'est pas dans une vieille... c'est un double parfait, a priori. James, toi, tu sais qu'il a la même gueule que sur les tabloïds que tu avais vus, quoi. Ouais. Enfin, les tabloïds ou pas, hein, les différents journaux. Ouais. Mais il a pas fait sa fortune dans le porno, on est d'accord. Hein. Non. Non, mince. Et Alban, oui, c'est sûr. C'est lui, là. Non, attends. Eh bien, vous voyez Joey qui repart et vous dit, bah, écoutez, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là, messieurs? Il a un air un peu plus grave. Oui, mais par contre, attends, tu nous lâches là, mais tu vas prendre une part ou comment ça se passe? Et Joey s'en va? Ouais, Joey est parti, oui. Et il dit, bah, bien sûr. Ok. Ah. Bah, merci pour l'aide. Ouais. Ouais, c'était sympa de nous amener jusque-là. On en reparlera plus tard, quoi. Une fois. Donc, sans moi, vous n'arriviez pas à rentrer ici, donc calmez-vous direct, les gars. Bah, on prendra une voiture 4 places, quoi. Ouais, bon, on passera un ticket pour la sortie, au pire. Bon, allez. au boulot, les cassos, là. Et ça mérite une part de. Ouais, c'est ce que je lui demande. Une part de nos crédits, quoi. Ouais, il aura une part de gâteau, et puis voilà. Heureusement qu'on bosse un peu plus, hein, sinon. La boîte ferait faillite, hein. Bon, messieurs. Vous voyez qu'il vous invite à vous installer. En fait, vous voyez depuis les murs, il y a une table assez grande qui se met en place avec des chaises qui sortent du sol et tout. Bah en tout cas, pour quelqu'un qui s'est suicidé ou qui s'est fait assassiner, vous avez l'air en bonne santé, dites-moi. N'est-ce pas? Mais l'affaire qui pour laquelle je vous ai fait venir me semble plutôt grave. Comme vous le voyez. Je ne manque de rien, tout me réussit, je ne vois pas pourquoi je me serais suicidé. Et du coup, je pense que c'est un coup monté. Ah, vous pensez? Vous n'êtes pas sûr de vous être suicidé, en fait? On peut demander au petit robot, il y a des vidéos qui surveillent les fleurs, ils ont peut-être vu quelque chose. Pas bête. Malheureusement, je vous présente le cas et je vous mettrai toutes les... donner à disposition et vous en tirer les Il y a eu une censure qui s'impose. Ok. On a découpé là. Ok, il se passe vraiment quelque chose. Il a des ratés. Bon, que je vous explique, donc c'était il y a environ 4 jours. L'équipe de sécurité Medusa Shield, qui est une des sociétés privées qui est liée à cette propriété, m'a retrouvé dans mon salon, la tête explosée et ma pile corticale de ce fait désintégrée. Le problème, c'est que même si j'ai une option de sauvegarde chez Skintetic, c'est la société pour laquelle je travaille. Vous voyez qu'il vous fait des petites apartés au fur et à mesure. Et bien, le problème, c'est que. Des placements produits, quoi. C'est ça. La sauvegarde, elle remonte quand même à. La sauvegarde remonte à 6 semaines. Parce que. Ah, donc vous vous rappelez pas que vous nous deviez de l'argent. Et bien. Ça fait 3 fois que vous nous embauchez. Malheureusement, je sais que je ne traite d'habitude pas avec des gens comme vous. Oh, ça y est, ça commence, on tacle. Et donc, comme je vous disais, eh bien, c'était il y a 6 semaines, et la sauvegarde dans laquelle je suis n'avait pas du tout l'envie suffisante, tout allait bien au travail, et dans mon couple, évidemment. Bah justement, dans une si belle maison, vous n'êtes pas tout seul. Non, ma femme habite avec moi. Elle est... On pourrait la rencontrer ? Bien sûr, un peu plus tard, elle est au travail en ce moment, mais oui, sans problème. Elle travaille, arrêtez. Oui, elle travaille pas, là. Elle se détend. Non, non, elle travaille comme moi sur la confection de COS et d'Android. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas plutôt avec son amant ? Oh, ça attaque d'entrée. Eh bien, je ne pense pas, comme notre vie se passe, notre vie amoureuse se passe très bien, la passion est toujours présente comme au premier jour, mais vous serez libre d'aller lui poser la question si vous le jugez nécessaire. Il est comment le bon, il ressemble à quoi? Vous le voyez normalement. Ah oui, okay. C'est le mec à gauche avec une canne et une gueule augmentée en fait. Ok. Okay. Plutôt très bien habillé, très soigné, assez bel homme en soi si t'aimes le côté le côté augmenté, mais normalement oui quoi, enfin tout le monde est un peu augmenté donc mais du coup parce que ça commence à remonter un peu loin votre sauvegarde, ça serait bien qu'on puisse discuter avec les personnes qui vous entourent, peut-être même vos servants entre guillemets. J'espère bien, c'est un peu pour ça que je vous paye, donc... Non, ouais, enfin, si vous voulez, vous pouvez nous payer tout de suite, comme ça on s'en occupe, et puis on verra après pour une augmentation. Vous payez pour discuter avec les servants, ou vous nous payez pour résoudre l'affaire? Je vous paye pour résoudre l'affaire, mais j'imagine que ça en fait partie. Ah. D'accord. Est-ce que vous avez des doutes par rapport à ce qui vous est arrivé? C'est-à-dire des doutes? Je sais pas, vous avez peut-être une idée de quelqu'un, que vous avez peut-être des ennemis. Malheureusement, pas. En tout cas, dans mon état actuel, je me rappelle pas avoir d'ennemis. Comme je vous dis, on est très riche, très en vue, plutôt bien vu par la ville. Donc non, j'ai pas de gens avec qui j'ai des problèmes. Mais vous avez des enfants ou pas? Non, aucun enfant. On a choisi de ne pas encore en avoir. Vous êtes mort où? Dans le salon ici. Du coup, il y a un trou de 6 semaines. Donc vous ne vous souvenez pas, mais vous avez repris possession de votre sauvegarde quand? Vous êtes réactif depuis quand? Depuis 4 jours, en fait, quelques minutes après que ma pile corticale ait explosé. D'accord. Je vous explique du coup un peu comment ça s'est passé. En fait, voilà, donc je vais parler de mon prétendu suicide. J'étais tranquille un soir aux alentours de minuit à la maison a priori et donc je me serais suicidé et quelques minutes après la destruction de ma pile corticale j'étais déjà en train de me réactiver et en plus une équipe de sécurité du Medusa Shield était en train d'arriver sur place. Quand ils sont arrivés, évidemment, ce sont de vrais professionnels avec beaucoup de matériel, donc ils ont enregistré une RA de leur arrivée et du coup de leurs impressions et de, des faits en fait que je pourrais mettre à votre disposition si ça vous intéresse. Mm-hmm. Est-ce qu'il est possible pendant qu'ils parlent d'interférer sur la vidéo surveillance, voir si on peut voir, je sais pas, ou s'il faut forcément que je sois proche d'un module ou d'une citation, je sais pas, je peux pas le faire à distance. Bah écoute, tu vas me faire un petit jet d'esprit et hacker. Okay. Difficulté 5. Ok, ok. Sur la macro, pour faire 2 dés en même temps, ça se passe comment? Oh, tu cliques deux fois. Ouais, ok. Donc tu m'as dit... Et donc il vous dit, bah voilà, donc voilà comment ça s'est passé, je me serais suicidé et réenveloppé très vite derrière. Donc j'ai la RA à mettre à votre disposition, je vois pas exactement, j'ai, comme je vous dis, je suis plutôt très riche, donc j'ai pas de dettes, je suis en excellente santé et j'aurai les moyens. Par contre, votre travail consiste en quoi? Vous êtes riche par Alors, rapport à quoi? Deux secondes, tu m'avais dit quoi déjà? T'appuies deux fois sur D8. Esprit... J'ai dit Esprit Hacking. Esprit Hacking, merci beaucoup, désolé. Enfin, Esprit Hacker, du coup. Mon travail consiste en fait à l'élaboration, le design, si vous voulez, et la gestion de commandes de différents corps, on va dire, de location, mais aussi d'Android et de pièces, de pièces détachées, en fait. D'accord. Et vous êtes tout seul bénéficiaire de cette société ou vous travaillez à plusieurs? Alors non, je suis employé du mec qui possède la société, mais j'ai un poste hiérarchique plutôt élevé et je possède mon propre laboratoire et mes propres secteurs qui me sont dédiés, en fait. On va dire que je travaille plutôt sur le haut de gamme des causes de plaisir, des causes de travail. D'accord, mais ça c'est votre labo qui fait ça, mais vous oui. Travaillez avec une société, vous êtes employé dans la société en fait, elle n'est pas c'est vous ça, la société. Tout à fait. Et elle appartient à qui? Elle appartient à monsieur Hellman. Hellman, ok. Si tu veux le nom. Bien sûr, oui. Et que à lui en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Et dernièrement, écoutez, on a eu affaire face à une grosse vague de commandes, mais je m'en suis plutôt bien sorti, étant donné que j'ai regardé les chiffres hier et tout était en route, tout était bien en place en fait. Et vous n'avez rien vu de particulier sur les 6 semaines qui sont passées, des activités un peu suspect ou quoi, rien de particulier? Non, rien de particulier, hormis un nombre de commandes de morph en très nette augmentation, mais c'était plutôt du coup un bon signe en fait pour nous et pour Skintetic. Donc rien d'inquiétant. Je pense que ma collègue serait peut-être intéressée par voir vos modèles, pour les étudier bien sûr. Tout à fait. Bien vu. De toute façon, on pourra aller au laboratoire un peu plus tard. La seule différence, la seule nouveauté dans mon travail, c'est que là, très récemment, dès que je me suis fait réenvelopper, j'ai dû recruter un directeur de projet pour me seconder, en fait, mais c'est tout, quoi. Et a priori... C'est quoi son petit nom, ce monsieur ? A priori, j'avais déjà interviewé plusieurs personnes, mais que j'avais pas retenu. Il s'appelle... comment il s'appelle le nouveau? Il s'appelle Luca Hernandez. Donc ce Luca Hernandez, il a été casté pendant votre trou de mémoire, quoi. Non, je viens de le caster en fait. À l'instant. Ah ok. Mais sur la base d'un choix préalable. Tout à fait. En fait, les RH ont fait un premier tri et. Ah ok, pas vous. Okay. Les RH. Et après j'ai décidé de voir chacun des postulants moi-même et puis j'ai dû faire ce choix parce que je commençais à avoir tellement de commandes que j'arrivais plus trop à m'en sortir, quoi. Ça aurait un truc à boire par contre parce que là ça y est, ouais, ça va me prendre la tête. Alors. Qu'est-ce que je vous sers? Un truc fort, je sais pas. Un whisky, ça vous dirait? Très bien. mettez un truc plutôt tranquille pour lui. Hein. Il a le sang chaud. Ah, ouais, justement, il faut que je... Alors, il y a une personne qui va me faire un jet, vous mettez d'accord, de sens fixeur, s'il vous plaît. C'est pas moi. Moi, j'ai rien pu faire. D8 D6, en fait. Fixeur, c'est quoi déjà? Fixeur, c'est le blabla. C'est le blabla, mais plutôt... Le roublard. Genre empathie. Plutôt roublard, ouais. Bah, D8, D6, pour moi, t'es devant. Oui. Je vais y aller. Et difficulté 4, pardon. Et du coup, moi, sur les tests que j'ai faits Toi, t'as raté, vu que c'était okay. Difficulté à 5. Donc, hormis si tu veux dépenser des points d'énergie. Non, c'était pour moi. Ok. Est-ce que tu veux relancer ton 6? Étant donné que tu as un 5 de sûr pour ton 4. Bah oui. Ok. Non, c'est moi qui ai répondu à ta place. Bagarre. Pardon. Ouais, bah ouais, vas-y. Vas-y, enfonce. Fais péter. Oh, ouais, tu peux t'arrêter là, t'auras pas grand-chose. Waouh. Waouh. C'est petit joueur d'arrêter là. Tu notes... Casino. Ouais, j'ai pas bu. Tu notes un tic nerveux, en fait, quand il s'adresse à vous. De temps en temps, enfin même plutôt assez souvent. Il renifle souvent en se frottant les narines avec le plat de l'index. Ouais, reste tranquille. C'est propre à... Ça nous interpelle sur quoi ? Ça vous interpelle éventuellement sur une potentielle consommation de stupéfiants. Oui. Enfin, il n'y a que Igor que ça... Ouais, c'est lui, il n'y a que lui que ça interpelle. Okay. Limite, on a l'impression qu'on pue pour lui. Quoi, c'est... D'ailleurs, en bonus, si tu penses qu'il prendrait très mal que tu lui parles de ça. Voilà. Vu la personne. Oh bah non, fallait pas lui dire ça. Et alors du coup, la coque, ça va ? Mettez ça beau. Il y a un peu de poivre, c'est un peu blanc. T'as là, une flaque, saute les deux pieds dedans, allez hop. J'attends qu'il me serre. Bah il te sert. Et ce que tu vois, c'est qu'il te sert un vrai whisky, quoi. Pas un whisky synthétique, pas de l'alcool synthétique. Par contre, c'est rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de boire, donc ça risque d'être un peu fort. Hein. Ok. Oh, putain, lui, oh, il me chauffe. Attends. Du coup, il me sert, j'imagine. C'est lui qui m'a servi, il s'est approché de moi. Ah non, c'est pas lui qui t'a servi. J'allais lui saisir le poignet. C'est un de ces droïdes. Merde. Pour monsieur. Ok. Et ouais, non, vas-y, pas tout de suite. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à demander avant que. Vas-y, vous avez. Si t'arrives, Igor. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs ? Bah, non. Bah, moi, tout ce que je voudrais, c'est l'adresse de votre compagne pour aller la questionner. Bah, elle habite ici, mais là, elle est au travail et elle ne doit pas être dérangée au travail. Non, on va pas la déranger. Hein ? On peut peut-être aller voir votre lieu de travail. Juste, Elle travaille dans la même boîte que vous ? Oui, bien sûr. On est partenaire et associé. Partenaire particulier. Et toute la journée, votre femme, c'est compliqué ça. Quasiment. Après, on a des bureaux. Elle a fini par le buter, donc tu m'étonnes. On a des bureaux séparés, mais. Ah, voilà, un peu d'espace quand même. Ah oui, bah, bien sûr. Se détendre. Mais c'est surtout pour avoir de la place de travailler sur nos créations. Hein. C'est ça. Mais vous ne souhaitez pas voir l'enregistrement RA avant de partir ? Bien sûr, on attendait quoi ça ? On comptait partir avec, en fait. Non, en fait, alors... Si, on comptait partir avec. Bah, en fait, non, parce que c'est un enregistrement qui est lié à la pièce, si vous voulez. Ils ont lancé l'enregistrement et vous allez revivre... Bon, j'imagine que vous n'êtes pas habitué à ça, d'où vous venez, mais vous allez revivre ce qui s'est passé avec... une foule de détails ultra immersifs, vous allez avoir une vue, un odorat, une ouïe, un toucher, vos cinq sens augmentés pour vous permettre de focaliser sur tout et n'importe quoi en fait. Ah ouais. Les gars, si on reste trop longtemps, il va nous apprendre à manger aussi donc. Je veux bien moi. Excusez-moi, mais quand vous me dites que vous voulez embarquer l'enregistrement RA, ça aurait peu d'intérêt dans un lieu qui n'est pas le lieu du crime. Allez-y, mon cher Alban, alors allez-y. Je m'approche de lui, je me tourne un peu autour de lui quand même. je monte mon cul, quoi. Eva, je pense que je t'ai signifié que j'avais capté qui sniffait en mimant un peu. Un truc hyper discret. En faisant pareil. Ouais. Non, mais de manière assez discrète, quoi. Si possible. Eh bien, je vais vous laisser avec l'enregistrement, je vous le lance. Hein, et vous voyez qu'il. Il s'en va ailleurs dans sa maison. Bah, vous serez peut-être mieux si je vous dérange pas. Et puis, vous savez, revivre la découverte de mon corps, c'est pas mon genre de d'ego trip, quoi. Et votre petit copain droïde, là, il peut me servir un petit perrier rondelle ou ? Oh bah, il peut vous servir à peu près tout ce que vous voulez, oui. Allez. Un perrier. Ouais, un perrier rondelle, c'est parfait. Bah, t'as son droïde qui t'apporte ça. Durant le visionnage de la séquence, il y a possibilité de prendre des comme des screens, des photos, des trucs comme ça. Bien sûr. Bah, j'en ferai assez souvent entre guillemets pour pouvoir nous les remater, voir si on n'a pas raté quelque chose. Ok. Eh bien, du coup, il dit bah, venez près de la porte d'entrée. Du coup, ça aura peut-être plus de sens pour voir un peu comment se dépasser la découverte. Et à tout à l'heure, messieurs. Donc, bonne séance. Il dit IA, lance l'enregistrement RA, s'il vous plaît. Et ramène les popcorn aussi. Glace de caramel. Et du coup, eh bien, vous, la scène, vous découvrez une scène. Faites-moi tous un petit jet de sens, sens tech, s'il vous plaît. Difficulté 4. Sens tech. Ouais. Réussi. J'ai fait 6 sur les 6 et 4 sur les 4. J'ai un bug ce soir, je fais que les D-max. Je peux le relancer. Il n'y a pas besoin sur... Moi, je relance 6. Il n'y a pas besoin, c'était pour savoir si vous n'étiez pas trop perturbé par le passage en R1, en fait. Parce qu'effectivement, c'est un truc un peu vraiment particulier, quoi. Genre... On a vraiment l'impression de revivre la scène, quoi. Vous revivez la scène et même plus, quoi. Genre, tous les sons... là, si vous mettiez à parler ou quand ils ouvrent la porte, vous entendez tous les détails de la clanche, de ce qui se passe dans la porte, et ce genre de choses, quoi. Ah oui. Vous voyez, vous pouvez zoomer quand vous regardez le truc, etc. Ah, mais en fait, c'est comme si on incarnait la maison et qu'on vivait tout ce qui s'est passé. C'est ça, mais en plus... Okay. En très précis, vous pouvez vous focaliser sur des trucs qui vous feront envie, quoi. Non mais James, toi, peut-être tu pannes un truc à cœur comme ça, moi ça me... T'es qui, je vais m'en occuper. Tu dis que tu peux... Bref, vas-y. Moi j'essaie de chatouiller le nez d'un des agents qui rentre. Et donc, du coup, devant vous, la scène se rejoue, vous voyez le corps de Alban Melvaux qui est assis dans son fauteuil, la tête complètement explosée et avec des projections partout sur les murs, le sol et le plafond. Si vous regardez, effectivement, vous voyez que la pile ne peut pas avoir résisté et est complètement détruite. Vous voyez... Et c'est quoi, genre il est mort d'une balle ? Alors, je te fais la description, tu me poses tes questions après, ça te va ? Okay. La description générale, comme ça vous voyez l'arme du crime par terre qui est près du corps qui semble encore chaude. Vous voyez effectivement presque le volume de fumée, mais surtout la signature thermique encore assez élevée. C'est un pistolet moyen et l'affichage RA vous indique que l'arme est enregistrée au nom de Monsieur Melvaux. La pièce vous signale aussi que rien n'a été touché ni volé. Qu'il n'y a pas de traces visibles d'effraction, aucun appareil allumé, pas de robot dans la pièce, et juste la lumière allumée. Et petit détail que noteront ceux qui avaient le plus d'intérêt pour l'ILMA Melvaux, vous voyez des sous-vêtements sexy qui sont étiquetés comme appartenant à madame, en fait. Retenez-vous, vite les sous-vêtements sont sur le canapé, du coup. Et du coup, vous pouvez me poser des questions. Du coup, Dash, quelle était ta question Ben, s'il semblait être mort d'une balle. A priori, oui, il n'y a qu'un impact, entre guillemets, un impact, vu que le truc est complètement explosé, mais il n'y a pas d'impact secondaire dans les murs, dans les trucs comme ça, quoi. Point d'entrée, il a plus de tronche ou c'est genre. Il y a. La bouche, la tempe. Ou... C'est pas mal abîmé, quoi. Mais a priori, c'est plutôt la partie haute. La partie haute du crâne, quoi. Il y a un morceau, globalement, t'as un morceau de mâchoire, éventuellement une oreille, un morceau d'oreille qui traîne. Oh, c'était spectacle un peu, quoi. Ça ouais. Paraît gros pour juste une arme de poing moyenne, non? C'est important, mais qui est le solo du groupe? Faire un peu de c'est moi, c'est ça. Eh bien, tu vas me faire un jet de solo et esprit, du coup. Difficulté 4, difficulté 3. Et juste pour savoir, lors du visionnage, est-ce qu'on peut tenter de prendre le contrôle? Alors, du coup, pour toi, non, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, Dash. Non, pas Dash, Eva. Ou EVA, je sais pas comment tu veux qu'on t'appelle. C'est pas étonnant du tout. Ça va avec le type de balle qu'il y a dans l'arme, en tout cas. C'est une belle munition, on va dire, à tête creuse pour rejoindre quelque chose qui existe dans notre monde, mais c'est un peu le même principe, quoi. Ça fait des gros dégâts. Et concernant donc, attends, il y avait juste James qui m'a posé une question, vas-y. C'est là, on est en train de revisionner une phase du passé, mais est-ce que, par exemple, on peut prendre le contrôle des caméras de la maison à ce moment-là pour aller voir d'autres pièces ou d'autres endroits? Tu pourrais éventuellement, mais tu serais pas en RA du coup, parce qu'en fait la RA elle a été déclenchée par les enquêteurs qui sont arrivés sur place, quoi. Ok, genre, ouais, je tente quand même d'avoir le visuel sur les autres pièces. Okay. Parce que vu qu'il y a les sous-vêtements, je me demande où elle est, elle, en fait. C'est ça, bien vu. Okay. Bah, tu peux... histoire de gonzesse. Tu peux me faire un jet, pareil, de hack et esprit. Ok. Quoique non, c'est hack et sens, vu que c'est quelque chose que tu non, veux... Non, c'était bien. Merde. Hack et sens, c'est mieux. Difficulté 4. Oh, c'est beau, ça. Ok. Et bah, au passage, est-ce que je peux forcer, si je la trouve, vu qu'elle est censée être en petite tenue, juste pour foutre la merde, est-ce que je peux forcer le visionnage à Eva, qu'elle voit la scène de la demoiselle dénudée. Bah, voir si elle a la meilleure queue que moi. Bah, en fait, tu mates toutes les caméras et tu vois aucune trace de la femme nulle part sur les caméras. Donc non, mais par la force des choses quoi. On a un objet qui nous permet de communiquer sans être entendu de l'extérieur entre nous. J'imagine que oui, vous pouvez passer sur un canal privé ou des messages textes sans trop de problèmes vu le niveau de sophistication du monde. Petit détail que tu as noté en... Là, t'es pas en train de forcer le système, c'est des accès normaux. Ouais. Mais tu sais, là, en tripatouillant un peu, t'as tripatouillé 2-3 trucs, tu sais que le niveau de sécurité est très élevé, quoi. C'est ouais. pas du... C'est de la sécurité plus, quoi. Donc là, si j'y arrive, c'est parce qu'on me laisse faire. Là, oui. Ouais, complètement. Ok, d'accord. Et donc, du coup, tu voulais envoyer quoi à qui discrètement? Les gars, petite info, on a les sous-vêtements, mais il y a personne dans la maison, il y a aucune trace de la dame. Y a c'est pas plutôt moyen bizarre de... quand même. Ouais, je pense que toi, tu peux peut-être te rendre compte si elle a pas été effacée numériquement, tu vois. Ouais, je sais pas, on peut voir ça, mais je vais pas te mentir, le niveau de sécurité de cette baraque est complètement folle. Hein. Là, pour le moment, j'ai limite l'impression que la maison m'autorise, mais c'est complètement fou le niveau de sécurité. Je crois que j'ai jamais vu ça en fait. Effectivement, t'as jamais vu ça. Après, si elle vit là, peut-être un peu pousser tes talents. C'est ouf que s'il y ait des sous-vêtements elle. Ouais, je suis d'accord, mais le mec vient de se faire flinguer, c'est bizarre quand même. Ouais, c'est ça. Ah, du coup, si tu veux le tenter, ce sera un jet d'esprit hack et difficulté 6. Voilà, tente. Le suicide, il a eu lieu, le suicide potentiel, il a eu lieu à quelle heure ? C'était à quelle heure ? Vers minuit et demi. Donc en pleine nuit, donc ouais, elle est pas au taf. Alors en fait, t'as même l'heure exacte, c'est minuit 34, et le suicide aurait eu lieu 4 minutes avant, vu qu'ils ont l'heure exacte de désactivation. Pile poil. C'est ça, pile poil. T'as raté en fait. Du coup j'ai raté ? Et oui, t'as fait 7 et 4, t'as dû 8. Ça, non. Ah putain. Difficulté combien ? 8, t'as dit non ? Moi j'ai entendu 6. J'avais dit 6. Donc, il a réussi alors. 7. Tu galères et tout, tu vois les couches de sécurité, mais tu finis par détecter qu'a priori elle a été effacée de nulle part et que soit elle n'est pas là, soit elle est dans les angles morts des caméras. Mais en tout cas, elle n'a pas été effacée. Donc j'ai réussi à rentrer les gars, mais il n'y a rien, c'est bizarre, il n'y a rien. Tout semble normal, pas de traces de retouches numériques. Elle est nulle part, elle apparaît nulle part. La maison a l'air vide. Pas de souci. En tant que un détective un peu à l'ancienne, moi, les sous-vêtements là, dont tu parles, ils sont étiquetés à son nom. Mais c'est genre la RA qui nous stipule qu'ils lui appartiennent ou c'est vraiment c'est ils sont blases sur le. Non, c'est la RA en fait, c'est dans sa garde-robe. On va dire que c'est des. Okay. Tu peux imaginer que c'est une garde-robe intelligente. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, il n'y a pas son blaze comme à la colo. Quoi. Je me disais, c'est un peu sur le string. L'Ilma, les beaux. Elle a plutôt son patronyme sur les vêtements. Quoi. C'est stylé, ça. Putain, la violence. Tu sais, marquer ses sous-vêtements. Terre rouge sur son. Non, plutôt les initiales. Tu sais, les riches, ils savent plus quoi faire. Ou une photo, peut-être. De ses sous-vêtements, c'est chaud. Non, d'elle sur les sous-vêtements. D'elle sur les sous-vêtements. Ah. Logique. Non. Est-ce que vous avez d'autres questions liées à cet enregistrement RA? Est-ce qu'il est possible de remonter dans le temps? Ouais, de 4 minutes. Non, mais sur le visionnage, quoi. On commence à l'entrée. Vous commencez à l'entrée des gens, en fait, donc non. Enfin, à l'entrée des inspecteurs. Ah ouais, il n'y a pas d'autres vidéos avant. Il n'y a rien. Il n'y a que des vidéos normales et a priori ça a été coupé. Comment ça? Ouais, ben voilà, ça c'est intéressant ça. Quand même. Non, il n'y a rien, juste qu'il y a un trou. Ah bah quand même. Donc en fait, c'est quelqu'un qui aurait eu accès à la maison. Ou... Mais vous n'avez pas plus de détails. Est-ce que, alors du coup, je fais un tour des questions liées à l'ARA. EVA, est-ce que tu as d'autres trucs que tu veux voir? Non, le flingue il me dit rien, donc les affaires par terre c'est normal, mais bon, moi je trouve tout à fait anormal qu'elle soit pas là, quoi. Donc voilà, je pense que ça tourne autour de ça. Est-ce que on y a pas dans les reflets, parce qu'on peut pas voir dans les reflets qu'elle apparaîtrait quelque part. On n'a rien vu, la réduction des. Donc ok. Bah vous regardez, mais vous voyez rien, quoi. Ouais. Ça vous choque des sauvements qui traînent par terre pendant deux jours? Moi perso non, mais alors, pourquoi toutes ces questions? Chez des riches, ouais. Bah ils ont leur travers comme tout le monde, hein. Bah ouais, mais non, parce que logiquement il doit avoir les droïdes d'entretien ou je sais pas quoi, tu vois. Ils ont peut-être pas touché, hein. Oh, peut-être c'est un kiff, hein, écoute. Non, mais alors vous nettoyez tout sauf les sous-vêtements. C'est sûr que la meilleure personne. Elle est riche. Hein. La meilleure Dash. Personne pour le tuer, c'est sa femme, quoi. Dash, est-ce que tu as une question vis-à-vis de l'air? Rien de pertinent. Ok. Igor? Bah ouais, moi je voulais regarder s'il y a une quelconque trace sur le corps, quand même, autre au niveau de la main, qu'aurait tenu le flingue, ou quelque chose qui pourrait déceler un appareillage qui pourrait forcer à quelqu'un à se tirer une balle ou un truc. A priori, en tout cas, t'as pas de traces visibles. Ouais. T'as rien de. Enfin, en tout cas, non. Okay. Ah si, je demande à Eva, est-ce que c'est le genre de gun qui ne peut être activé que par la main de son propriétaire? Tout à fait. EVA, tu peux dire que oui. De toute façon, a priori, dans la maison, tout est activable via des empreintes palmaires ou génétiques, quoi. Voilà, c'est un suicide, affaire conclue, 10 000 crédits. Est-ce qu'on a... bien sûr, on doit avoir une analyse sanguine ou... Oui. Toxico, et est-ce qu'il y a des traces de corps? Alors, vous avez pas ça avec la RA. James, est-ce que tu as... Je te dis ça, je te clôture, tu vas comprendre assez vite pourquoi. James, est-ce que tu as une question vis-à-vis de la RA? Ouais, étant donné qu'on est censé ressentir tout ce que, entre guillemets, a ressenti la maison, je voudrais savoir ce qu'a ressenti le fauteuil. Si la personne est tombée d'un coup sur le fauteuil, ou alors si elle était déjà dessus, si la projection de sang est parfaitement logique, ou s'il y a eu déplacement. Comme je te dis, la RA a commencé quand l'équipe est rentrée, à partir de ce moment-là, eh bien, le mec était dans le fauteuil posé. Et bah alors la chaleur du fauteuil, savoir si la chaleur a varié entre le moment où ils sont rentrés et 5 minutes après. Bah ça s'est refroidi au fur et à mesure que le cadavre était en train de refroidir, quoi. Ouais, rien d'inhabituel ou quoi. Okay. Alors, je me moque du perso, pas du joueur, mais le fauteuil était-il triste? C'est l'interrogatoire qui est utile. Bravo, belle mentalité. Non, mais je vois rien d'autre. C'est bon. Eh bien, je vous propose. Bon, vous finissez par couper la RA. Vous voyez. Si l'odeur des sous-vêtements. deux jours ou pas deux jours alors? Non mais vraiment l'odeur, parce que si un jour on la croise, savoir si c'est la même odeur. Non mais bon, bah tu parce sens à tous les coups, c'était l'odeur de sa maîtresse. Tu sens l'odeur d'une femme et a priori ils ont été portés, quoi. C'est pas ils sortent pas de la machine. Non mais ça je dois non d'accord. Ok. Pas de soucis. Gros dégueulasse va. Moi je suis sentir attends. Est-ce qu'il avait la gueule? Ah ben d'un coup oui et d'un coup non. Non mais donc du coup la RA se coupe. Alban revient vers vous. Eh bien, monsieur, j'espère que vous aurez vu des trucs intéressants. Est-ce que vous avez d'autres questions? 10 000 crédits, c'est le max. Mais alors, des questions liées à l'enquête, s'il vous plaît. Ouais, ah bah, c'est lié à l'enquête. Coup, hein. Non, James, toi, t'as noté qu'il n'y avait plus d'enregistrement dans cette pièce au moment du drame. Ouais. Du coup, est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas d'enregistrement habituellement dans cette pièce ou... Bien, c'est une très bonne question. Je sais que les caméras ont été arrêtées vers 22 ou 23 heures et qu'elles ont reprises vers 1 heure, quoi, à peu près. Il y a une question de justification à ça. Une justification, non, compliqué à dire. Non, même les caméras ont repris avant, elles ont repris vers minuit, je crois. Je crois pas. Ah donc, savez, rien, quoi. Pas très. Oui, non, je m'en occupe pas en vrai. Mais qui c'est qui s'en occupe? Bah écoutez, je vais. Me dites pas un droïde. Non, c'est mon équipe de sécurité qui s'en occupe. D'ailleurs, normalement, l'inspecteur Oko devrait pas tarder à arriver. Ah, mais quoi qu'il en soit, on voit et on sait pourquoi vous les payez. Hein. Sacrément compétents, les bougres. Bah écoutez, ils arrivent en 4 minutes après un incident, moi ma foi, ça me paraît pas trop mal. Ouais, en effet. Il n'y a plus de place sur la cassette, donc ils arrêtent d'enregistrer les caméras, quoi. Après, il y a peut-être eu un incident technique. Moi, je vous. Attends, comme je la dis, mairie de Bordeaux, quoi. Comme je vous dis, je suis partisan de la thèse du meurtre, donc ça va plutôt dans mon sens. Mais l'inspecteur Rocco vous expliquera ça mieux que moi, et puis il vous dira pourquoi ils ont conclu au suicide. Hein. Il n'y a pas à chier. Attends, Allemand et Rocco. Pour de vrai. Rocco. Ah, Rocco, d'accord. L'inspecteur. Ah ouais, non, mais là, on me cherche. L'inspecteur Rocco, c'est les forces de l'ordre ou c'est son équipe de sécurité? C'est alors en fait t'as plus vraiment de police, c'est filé à des méga corpos et lui fait partie de son service de sécurité entre guillemets perso, Medusan Shield. Ok. Et donc sur ces entrefaites bien. Juste une dernière question, Alban, le pistolet. Oui. D'une manière générale, vous le mettez où? Bah, ça m'arrive de l'avoir sur moi, sinon j'ai un coffre évidemment quand je dors. Sinon, ouais, non, soit sur moi, soit dans le coffre de manière générale. Et vous le rangiez où ces dernières semaines? Ben, j'en sais rien en fait. La bonne blague. Mais ce genre de flingue, ça n'a pas une sécurité pour éviter le suicide justement? Ça a une sécurité pour éviter que quelqu'un d'autre s'en serve, mais. Faudrait qu'on essaye, non? Prenez-le et essayez pour voir. Mais non, il n'y a pas de sécurité pour éviter le suicide. Si je dois m'en servir, imaginez que je doive dire je ne veux pas me suicider à chaque fois que je vais m'en servir, ce serait un peu... Il y a peut-être un business à faire, non? Vous pensez pas? Ça me paraît peu porteur, en vrai. Mais puis tous les gens comme moi, si on veut se suicider... On peut juste voir le pistolet de... Bien sûr. Ça vous dérangerait pas? Non, bien sûr. Il te le sort, bah, il te le donne, il l'avait sur lui, du coup. Ok. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y a les mêmes balles qu'il a utilisées, des oui, balles tout à fait. Il y a tout à... Il a l'air d'être à peu près dans le même état. D'accord, ok. Vous avez refait une sauvegarde depuis. Ouais, mais en plus, t'as pas d'énergie à regagner, Dachon, donc. excuse-moi, pardon, Igor. Je demande s'il a refait une sauvegarde. Bon non, elle date d'il y a du coup 4 jours quoi. Oh non, c'est de l'argent et pas un problème, mais c'est vrai que ça prend du temps et que j'y... Oh, des fois, parfois, j'ai pas très envie de perdre ce temps-là quoi. Okay. Mais du non, coup, ben, ah bah, coup, écoute, on attend l'inspecteur. Ouais, l'inspecteur est en train d'arriver, ça vient de sonner, vous entendez un doux carillon. Et suivi d'un droïde qui vient chercher son maître quoi. Bien, bon, les gars, présente. C'est le moment où je recule. Hein. C'est pour parler aux flics, y'a pas que ça à foutre. Hop, je vous présente. Yop, tac, couche. L'inspecteur Oko vient d'apparaître. C'est moi qui discute ou c'est qui d'habitude qui est en... De quoi? Non, bah, avec la police, ça va être ni James ni moi. Ouais, ça va être compliqué pour nous. Hein. Du coup, il est là. Allez, Eva. Vous voyez normalement, un peu plus bas, vous le voyez normalement, il est apparu devant vous, il est sous le truc d'Alban machin. Il s'appelle comment lui? Inspecteur Oko. Oko, ça aurait été mieux. Hein. Non. T'appelais l'autre, tu l'appelais Brigitte Melvaux. Aïe, aïe, aïe, il y aurait eu un lore de dingue. J'ai pas encore googlé, mais j'attends la fin de partie. Non, y a rien de normalement, y a rien de sexuel, c'est que du hasard en plus. J'avais pas besoin de ça et on. Non, ouais, on commence Brigitte, à mieux dans sa jeunesse en plus. Oui, non, mais surtout on commence à mieux cerner le MJ, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est le mec pas doué qui a pas de chance. C'est... Tout est sexuel. Bah, y a l'inspecteur Oko arrive. Bonjour messieurs. Medusan Shield, il vous serre la main à tous. Au moment où je me serrais la main, je tousse. Désolé, je suis malade. Il est beau garçon ou il ressemble à rien? Bah, il est comme vous voyez, quoi. Un physique assez lambda. Désolé s'il y a des moches parmi nous. Assez lambda. Vous voulez dire quoi? Waouh! Waouh! Plutôt svelte, quoi. Il s'entretient. Il a l'air d'avoir un cosse plutôt, une cosse plutôt normale, quoi. Plutôt humanoïde de base. C'est un loser quoi. Non, vous êtes là, vous êtes les employés de Joey, c'est ça? Employés de rien du tout. C'est un ami à moi, c'est pour ça que. C'est ton SRAB. C'est pour ça que vous êtes là en fait. C'est pour ça qu'on a le contrat. Ouais, tout à fait. C'est pas pour nos compétences. Si, évidemment, j'aurais pas fait appel à n'importe qui. Pourquoi c'est ton petit copain, Zoé? Zoé? Comment il s'appelle déjà notre indicateur là? Joey. Joey. Joey. Ton copain, Joey ou? Bah, c'est un pote à moi, oui. Ah, d'accord. Ouais, en tout cas, je suis pas vraiment là pour ça. Mais gros ça... clin d'œil, gros clin d'œil. Vous voyez qu'il sort. Il vous on a sort niqué le scénar. Il vous sort un espèce d'holopad dessus et il vous dit bah voilà, j'ai le rapport de l'équipe de sécurité. Mais voilà, moi, je pense honnêtement, je suis assez d'accord avec Alban. Je pense pas que ce soit un suicide. Vous aurez peut-être remarqué, mais je pense, j'ai trouvé que l'arme était un peu située un peu loin. Du corps pour un suicide, un peu plus loin que si elle était retombée un peu naturellement. Et au passage, vous aurez peut-être remarqué que si on est là, c'est que vous faites pas super bien votre boulot. Non mais attends, je... j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C'est le perso. Je m'intercale. Il se crispe un peu. Il dit ben écoutez, quand vous aurez fait mieux, on en reparlera. En tout cas, il y a donc l'histoire de l'arme un peu loin. Il y a le fait que un des robots a nettoyé deux verres après le, il met des guillemets, suicide. Ce qui me laisse penser qu'il y avait quand même deux personnes. On avait vu tout ça. Est-ce que vos robots, ils nettoient les scènes de crime maintenant? Non, c'est les robots domestiques. Allez-y, c'est intéressant, tout ce que vous racontez. Il y a donc, il y avait deux verres. Le truc, c'est qu'on a retrouvé que les traces d'ADN et enfin les traces palmaires et les traces résiduelles des Elvo, hein, y a pas à chier. Et il y a le dernier point qui me titille et qui a surtout titillé Alban, c'est que il a des sauvegardes, quoi. C'est pas une vraie mort. Et du coup, l'intérêt éventuel que j'y vois, moi, c'est qu'il y aurait eu un événement qui s'est passé durant les 6 semaines à effacer. Mais bon, pas du fait d'Alban, étant donné que la psychochirurgie, ça existe et que c'est plus facile et moins coûteux, quoi, que de voir ressortir un corps, etc. Ouais, super. Du coup, vous représentez un petit peu son service de sécurité, entre guillemets, vous? Bah, plutôt... non, je suis là plutôt de manière officielle, étant donné que notre service a conclu à un suicide. Pardon, excusez-moi. Ah ouais, bah si vous avez conclu un suicide, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, c'est nous justement qu'on bosse. C'est pour... justement, on va dire, une espèce de contre-expertise. Non, mais c'est bien si vous vous remettez vous-même en question. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indice qui indique un meurtre, et il y a peu d'indices qui indiqueraient une intervention extérieure, et il y a surtout un coût de perte et de conséquences plutôt faible, donc il n'y a pas d'intérêt à gâcher des agents et de l'argent sur cette affaire. D'où la position officielle de... Medusa Shield. Et ils en pensent quoi, vos boss, de notre présence sur l'enquête? Bah écoutez, ils sont pas nécessairement au courant. Ah oui. Bon. Et d'ailleurs, parce que vous dites, il n'y a aucune preuve de suicide, de mort ou quoi que ce soit, et c'est pourtant étrange quand même, la perte de données sur les caméras de surveillance au moment où étrangement il se passe quelque chose. On est d'accord. D'ailleurs, là-dessus, si vous lisez le rapport, vous verrez une chronologie plutôt très, très précise. Et non, elles sont de votre entreprise, de votre corpo dans les caméras, je suppose, c'est vous qui avez installé? C'était un système inhérent à la maison qui était déjà là avant. On n'a pas eu la nécessité de les mettre à jour et de les upgrader. Elles étaient très, très performantes déjà, étant donné l'investissement fait par monsieur Melvo. Donc Coco, il nous fournit le rapport là d'investigation? Tout à fait. Qui veut me faire un petit jet de esprit fixeur? C'est mort. Ça, c'est encore moi, ça. Toujours le même. C'est plutôt éventuellement le réplicant. Voilà. Je balance ton réplicant. Ton esprit. Difficulté 4. Hein. Et attends, fixeur. Mais de toute façon, si quelqu'un lit le rapport ou pas, bah du coup Igor peut-être. Moi aussi je le lis, ouais. Okay. Ils se prennent la paperasse. Allez, c'est bon, il est aveugle. Alors, oh mon dieu, comment on lit? Pour 4 points d'énergie, tu peux relancer tes critiques. Waouh, ouais. 4, ah quand même. Ça se relance pas un critique, ça se garde. Mais calme-toi. Ça fait avancer la fiction. Oui, oui. Alors attends, c'est quoi qu'il faut jeter comme dé? On va peut-être l'aider. Non, il y en a qu'un seul. Esprit et fixeur, il l'a fait, ouais. Donc je claque 4 points. Il y en a qu'un qui jette. Tu claques 4 points d'énergie, du coup. Tu te laisses juste. Waouh. Et je... Allez, attends. Bon, c'est vrai, t'en avais 10. Comme par hasard. Tu lances et tu fais un 1. C'était combien la difficulté? 4. 4. Mais après, tu peux relancer les deux quand tu fais ça. Quand tu fais ça, tu peux relancer les deux. Ok. Je relance l'autre. Ouais. Ok. Bah voilà. Et 6 et 4. 6. Est-ce que tu relances ton 6? Non, ouais. 9. T'as déjà 4, relance ton 6. Eh, si tu refais un 6, mon gars, pouf, t'as déjà réussi. À tes questions. T'as déjà réussi. Ils m'ont trigger, les. Oui, mais si non, tu fais 1, t'as... Non, mais là, t'as 6 et t'as 4. Oui, donc, si tu fais 1, t'auras 4. 4 et 6, c'est pareil, c'est... y a pas de marge. Donc, relance ton 6, t'as rien à perdre. Enfin, il a pas tort. Oh, mais t'es lui pas la pression. Moi, j'aime bien. Tort. Je mets un coup de boule au flic. Quoi? Ah, bonsoir. Voilà, bon, allez. Ah, tu as 9. Là, t'as 9 du coup. T'as une marge. Très bien. Bon, du coup, pendant que vous lisez le rapport, il y a un avantage. Ouais. On revient juste à l'avantage après. Je vous fais la lecture du rapport, on va dire un peu basique. Vous avez le fait que les empreintes palmaires et génétiques qui sont présentes au domicile, il n'y a que celle des Melvaux, donc ça, je vous l'ai déjà dit. Vous avez toute la chronologie. En fait, il vous dit qu'il a travaillé seul au boulot, donc au labo, à partir de 17h. Il a quitté le travail vers 23h. Les caméras. Alors, ils ont noté que les caméras du labo et du domicile ont été coupées en fait à partir de 22h56. Le labo de son bureau. C'est très précis. Ouais, le labo de son bureau. De toute façon, il. Ok. Voilà. Donc, le même phénomène s'est produit simultanément au domicile. Okay. Donc, pendant plus d'une heure, il y a du coup pas des images des Melvaux. De Melvaux, okay. De Melvaux. Le système est... Ouais, le système est... Oui, mais bon, a priori, elle n'était pas au domicile du tout, quoi. Le système, il est redémarré donc vers minuit et demi passé, minuit 34, bah, quand les mecs arrivent sur la scène. Et a priori, Alban, bah, il est chez lui à ce moment-là et il est plutôt pas très bien en point. Il n'y a pas de fausse explication sur l'arrêt de la vidéo. Il n'y a pas une fausse opération de maintenance, un truc. Bah, il n'y a juste rien. Il n'y a juste rien, ouais. Okay. Il y a juste rien. Ils n'ont pas été plus loin, en fait, surtout à cause de l'absence d'empreintes palmaires génétiques différentes. Question toute bête. Alors, deux petites secondes. On sait qu'il a emprunté un terminal, un élévateur, en fait, pour monter, descendre à son appartement à 23h15. Mais a priori, il n'y a aucune image non plus dans ce truc-là. Et donc à partir de minuit 38, le laboratoire reçoit l'ordre automatique de charger la sauvegarde d'Alban Melvaux dans un de ses clones suite à la perte du signal de sa pile corticale. Et donc à ce moment-là, donc il y a la sécurité qui est déjà sur place. Enfin non, du coup à minuit 30, à minuit 34, pardon, pas minuit 38. Et justement, les mecs de la sécurité, est-ce qu'ils sont reconnus judiciairement? C'est des mecs qui ont vraiment un casier vierge ou pas? Il y a moyen de savoir ça. Tu pourras le savoir peut-être pas maintenant. Il faudra aller dans des bases de données. Mais oui, qui d'autre avait une question? Moi, sur l'autopsie. Vas-y. Rapport toxico du corps avant qu'il meure. Enfin, du corps précédent. Quoi. Est-ce qu'il avait un passé de tox ou pas? Il y avait de l'alcool et des traces résiduelles, effectivement, de poudre. Même si ça a été plutôt occulté, tu vois. Ça n'a pas été noté plus avant dans le dossier. Ah, l'argent. C'est bizarre parce que l'addiction c'est physique. Oui. Pourquoi est-ce qu'il est encore drogué lui? Alors je vais faire mon monsieur je sais tout, mais l'addiction c'est pas que physique en fait. Ça peut être une addiction aussi, ouais. Physique et psychosociale. C'est pour ça que les addictions c'est un peu difficile de s'en. Dis ça à un droïde. Oui, un droïde après. Bah il a besoin de se foutre un plug toutes les nuits pour se recharger. Bah voilà. Bah super, monsieur parle de plug à nos, c'est bravo, bravo. Pas du tout. Ah. La prise n'est pas du tout là. Bah oui. C'est oui. Quoi ça? D'où le Perrier Rondel. Du coup, c'est Igor, t'avais bien réussi ton jet avec une réussite, ouais. On est d'accord? Oui, oui. Quand t'as. Eh bien, en fait, t'as la conclusion officielle, mais. T'as une conclusion un peu officieuse qui transparaît de ci de là. Il pense que, notamment lié à la coupure des caméras, il pense qu'un hacker de haut niveau a sans doute bloqué ses systèmes de sécurité du logement et donc du labo pour que quelqu'un puisse s'y introduire et tuer Melvaux. Ok, c'est les Russes. Pourquoi pas? Il y a d'autres analyses un peu plus poussées qui ont été faites, mais qui ont été faites surtout par la maison. En fait, il y a une consommation d'air dans la pièce par rapport à la masse du mort qui était un peu trop importante. Le détecteur de mouvement a détecté peut-être a été découpé, la connexion d'un plan réseau à la toile aussi. En fait, tout a été coupé, quoi. Vraiment. Et est-ce tout, que sa femme genre, elle a été interrogée? La femme a été interrogée, mais a priori elle avait un alibi, elle n'était pas présente du tout sur place. Et en fait, du coup, comme je disais, en fait, tout a été coupé. Tous les systèmes de la maison étaient coupés. Donc ça veut dire que c'est quand même quelqu'un. Toi, tu te rends compte. Ouais, que le mec est balèze, quoi. Que le mec est balèze, James, parce que c'est quand même pas n'importe quoi. Et donc la conclusion officielle, c'est que les systèmes ont été coupés pour une raison de pudeur vis-à-vis de son suicide, quoi. Genre, il voulait être tranquille. Maintenant, parce que tu fais. Bien joué. Mais... Oui. Ah, il y a s'il y a une consommation d'oxygène supérieure à un cadavre, à un corps. Alors non, ça c'est. Pardon, en fait, c'est. Je me suis mal exprimé. C'est que la consommation, en fait, tout ce qui pouvait avoir lieu trait à cette consommation d'oxygène, ça, tous les détecteurs ont été coupés, ça y compris. Ah, d'accord. Et donc du coup, en fait, le fait que ça a été coupé, donc officieusement ils se disent il y a peut-être un mec qui a hacké et permis à quelqu'un de le tuer. Et officiellement, la conclusion donc à la fin, c'est les systèmes coupés pour une raison de pudeur quant à son suicide, quoi. Il voulait pas que ce soit. C'est qui le crétin qui a écrit le rapport? Je demande à Rocco. Ah, Oko. C'est l'ensemble de l'équipe. En fait, chacun a bossé sur une partie. On a regroupé le tout et ça a été synthétisé Je repasse par le canal privé là sur lequel on discute. Juste pour vous dire, les gars, soit c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, soit c'est une idée sacrément intelligente pour maquiller un suicide. Hein. Parce que sincèrement, pour hacker tout ça, c'est vraiment pas simple. Soit c'est lui qui nous raconte une espèce de blague et je sais pas, il veut peut-être toucher l'argent d'une assurance ou j'en sais rien. Mais c'est quand même vachement perché, les gars. Donc soit on a affaire à une tête de série et je vous avoue que je suis pas chaud. Soit il essaye de nous avoir. Il y a un challenge. Il y a un challenge, je me casse. Attends, y a du staff, on rentre. Puis, c'était bien. En fait, il s'est déjà tapé une autre nana que Lima, peut-être. C'est probable, hein. D'où le fait que j'ai fait ce que je faisais, hein. C'est pas une question donc, de. Donc ouais, c'est Lima la coupable, on peut prendre les 10 000 crédits, c'est fini. De toute façon, on pourra pas vérifier. Il nous faut un mobile. Si on a raison. Et bon, bah, on a déjà des comlinks, ça va suffire. On la voit, cette nana Guardia, le cul qu'elle a. T'as la meilleure cul que moi ou pas? Mais du coup, faut voir avec Alban. Eh, hey, monsieur Alban! Faudrait. James, non, attends. Faudrait qu'on ait accès à votre bureau pour l'affaire, si possible. Au labo, pas de souci, oui. Ouais, bah voilà, parfait. Alors du coup, je fais un tour des questions concernant Oko et où le rapport et où autre chose. N'hésitez pas globalement sur la scène actuelle. EVA, est-ce que tu as une question d'autres, enfin une ou plusieurs d'ailleurs. Hein, je suis pas. Non. Pas à la pièce. Non. Ok. Non, non. Dash, est-ce que tu as une question supplémentaire hormis des blagues sur les mobiles et les comlinks ou rien de pertinent. Igor, est-ce que tu penses à quelque chose qui pourrait Non, là, je pense qu'il faut qu'on aille voir d'autres sources de. Ok. Si jamais vous avez une idée supplémentaire qui arrive plus tard, n'hésitez pas, on fera un mini sur la main, quoi, le dossier. Voilà. Est-ce qu'on a ses coordonnées si on veut le contacter? Oh bah il te laisse son idée sur un réseau quoi au pif ouais. Et James du coup est-ce que tu as autre chose en tête? Négatif chef. Au pif quoi. Ok. Bien écoutez qu'est-ce que vous souhaitez faire du coup après? On va au labo non? Ok. Faut voir labo et puis rencontrer Lilma quoi. Mmh. T'as un truc avec Lilma, t'as une petite obsession j'ai l'impression. Mmh. C'est toujours la femme dans ces astéros-là, dans ces histoires-là. Ok, très bien. Hop, au labo. On va passer au labo. Toc. Alors attendez, je vérifie un truc et je vous amène au labo juste après. D'accord, elle a les oreilles pointues. Hein. Vous venez avec nous, détective ou pas? C'est un morph alpha. Non, moi je vais aller vaquer à mes occupations, vous savez, je suis un peu occupé quand même. Attends, ouais. Putain, son aftershave, c'est un truc de ouf. Il a des affaires à régler. C'est ça. je dois conclure au suicide de Jean. Ouais. Un magasin de piscine. Ah, il vient avec nous, l'autre, là ? Bah, il va... Oui, bah, vous allez pas... Oh, putain. Après, il peut vous... Bon, vous verrez sur place. Oui, bien voilà, messieurs, l'endroit où je travaille. Vous voyez que c'est quand même très grand. Wow. Ça, c'est les zones qui lui sont réservées. Donc, on est d'accord, on est dans l'espace... c'est à proximité, quoi, de son lieu d'habitation. C'est dans le... C'est, ouais, c'est très, très... C'est vraiment pas loin, ouais. Et puis, il vous fait emmener... vous pouvez le suivre, mais il vous fait emmener... Il vous propose de vous emmener dans un espèce d'air. Putain, Dash, il a même pas pu faire un petit looping. Un looping. Salto. Qu'est-ce que vous faites au labo, du coup? C'est propre, hein. N'est-ce pas? Tout blanc, tout propre. Il travaille avec d'autres humains, ou il n'y a que des droïdes avec lui? Alors non, il a peu d'humains, il a un ou deux humains, mais vraiment, sinon il travaille avec une IA qui gère un peu les commandes en fonction de ce qu'il lui demande, et un androïde. Et c'est pas le labo de sa femme, ça? Non, sa femme a un autre labo à côté. Putain, ils sont beaucoup trop riches, c'est pas possible. Bah après, là, c'est le labo de leur boîte, quoi. Ouais, mais quand même. C'est leur lieu de travail. Ils travaillent dans des labos tout blancs, les salauds. On pourrait loger un paquet de monde dans ce labo, hein, vous savez. Mmh. Ouais. Ouais. Heureusement, j'ai la place pour travailler. Oh, gros chou. Puis il y a des gens qui paieraient pour vos baignoires. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on cherche, les gars, là? Bah, des infos, tout ce qui traîne. Est-ce que notre cher hacker, il peut pas se connecter et voir, avoir un peu plus d'infos, peut-être, si ça a été coupé ou pas, se rendre compte de quelque chose de particulier? Bah, l'info, je t'avouerai qu'on l'a eu, hein, ça a été coupé, mais je vais pas te mentir. Je suis un peu inquiet pour hacker cette plateforme. Je t'avouerai que déjà à la maison, ça m'a mis un petit coup de pression. Et tu sais si on peut hacker de dedans ou de... Enfin, si c'est hacker de dedans ou de dehors? Bonne question. A priori, ici, tu sais... Si le circuit ne connaît rien en hack. C'est un circuit fermé, donc tu penses qu'il faut... Forcément être de l'intérieur. De l'intérieur. Ah, voilà. Bah, dans ce cas, j'essaye d'avoir un bref résumé sur 30 minutes avant et 30 minutes après qui est rentré et sorti du bâtiment. Il doit y avoir un système de passe pour rentrer sortir. Ouais, évidemment. Fais-moi un jet du coup de hack esprit. Hack esprit, ok. Ouais, difficulté... En plus, il a une bonne console, lui. Difficulté 6, ouais. Ah, bah j'en ai un qui passe. Ok. Très bien. Ouais. Eh bien, oui, il a une bonne console. Bah écoute, t'as peu de mouvements. T'as quand même des mouvements de livreurs, on va dire, qui vont chercher les coffres pour les emmener sur les quais de livraison, ces trucs comme ça, et qui circulent à l'intérieur du truc. Mais t'as surtout l'entrée. Enfin, t'as la sortie du coup de. T'as la sortie de Alban, quoi, et c'est tout. T'as à pas quelle heure chose de notable. Avant ou après? À l'heure où je vous ai dit tout à l'heure, je t'avoue que je vérifie parce 56. Que j'ai un doute. 22h56. Ça a permis à 56. Toc, attends, je te dis ça. Toc, toc. C'est MJ qui a pas assez préparé ça. Si, mais attends, 2 secondes. J'attendais surtout pas qu'on soit chiant. C'est ça, vers 23h. Non, mais c'est juste pour que je vous dise pas de bêtises, quoi. Donc, ouais, 23h, ensuite le temps qu'il arrive chez lui et qu'il se prenne une balle. C'est à peu près ça, ouais. Mais il n'y a pas du tout d'autres entrées, genre sa femme ou le flic ou... Nope, nada, que dalle, que chi. Okay. Attends, d'autres entrées dans le labo ou d'autres entrées dans la baraque? Non, dans le labo, j'essaie de savoir s'il y a quelqu'un qui est rentré ou sorti 30 minutes avant ou après. Vu qu'il a fallu que ce soit avec de l'intérieur. C'est deux circuits différents, le labo et la baraque? Ah oui, bah c'est pas les mêmes. Deux réseaux différents, pardon. Ouais, ça, c'est son lieu de travail, donc en fait, c'est c'est la sécurité de son employeur, on va dire. Attends, mais ça veut dire qu'ils ont hacké la baraque et le labo, ouais. Et ils ont tout coupé en même temps. Moment, alors qu'il faut être dans les deux pour couper les deux. Bon, c'est soit lui, soit sa femme et lui. Hein, deux équipes. Alors, les gars, je suis désolé, je peux pas avoir plus d'informations, il n'y a rien de particulier. Là-dessus, pour la maison, après, il a pu la hacker sans être connecté sur une console de la maison. À la maison, c'est pas un circuit fermé, il n'y a que le labo. Ouais. D'accord. Bah, a priori, étant donné que James a pu y accéder un peu pas trop difficilement. Non, mais James est exceptionnel. Oh, c'est beau, putain. Ok. Il nous le prouvera d'ailleurs bientôt. Dans une morgue pitoyable. J'appuie un peu sur des boutons au pif. Beau gosse. Il t'empêche, ça, c'est du détective, ça. Il vous demande de toucher à rien. J'écrase mon mégot sur le truc. Le non, bon, ok. Bah, moi, je suis pas à mon aise. Inspecteur Gadget. Vivant. Là, on est un peu coincé, là. On appelle Fido. Après, du coup, est-ce que tu peux me... Est-ce que tu voulais chercher d'autres choses dans ce labo? Je crois que quelqu'un m'avait parlé de dossier éventuellement, ce genre de truc ou pas? Ah, tu vois. Non, il me semble que c'est... Il me semble que c'est James qui avait évoqué ça, si je dis pas de bêtises. Ah bon? Bah j'étais pas là à ce moment-là. Ceci dit, oui. Oui. Ah bah oui, mais c'était parce que Igor m'en avait parlé. Ah là, c'est ça. Dans notre circuit privé. Oh putain, de la vraie vie. Si, à fond, on avait dit ça, on avait dit. Bah oui. On cherchait exactement ce sur quoi il travaillait. Bah ouais, mais c'est ça. À ce moment-là. Exactement. Puis voir s'il n'y a pas des dossiers qui ont disparu ou quoi. Des tests. Je réécouterai, je suis sûr que je trouverai quelqu'un qui a parlé de dossier. Ouais, bah oui, c'est Igor c'est et moi. C'est... Je voulais savoir comment on sentait le dossier, je sais pas quoi. Bah, du coup, tu vas me faire. Attends, c'est la partie de James en fait. Tu me fais un petit test de esprit à cœur, difficulté 5, s'il te plaît. Oh. Est-ce qu'il a remontré des signes de consommation Oh. Là ouais, il a gardé un on va garder 8. On va garder 8. Ah, t'es à un point d'une tranche. Hein. Ouais, bah on va garder 8, c'est bien 8. J'aime bien 8. <C'est un drainer. rire> Tu veux pas le tenter, on reste à 8. Non, on reste à 8. Allez. Du coup. Pour une tranche de réussite. Oui, bah oui, et puis si j'échoue, c'est la baisse. Donc, Mais sinon, si tu échoues, on fera rien, c'est pas grave. Bah oui, mais là, on a une réponse à une question. Souviens-toi que tu es exceptionnel. Souviens-toi que c'est faux. Donc, 8, c'est bien. Ah, content, réussi. Donc. Ok, et eh bien du coup tu arrives avec l'IAG en fait, avec l'IA qui est là, tu arrives à aller dans les dossiers, il te laisse faire Alban, et tu remarques que tu as des données qui ont été modifiées et effacées dans le secteur 22 notamment. Voilà les flics. C'est plus ça que j'allais le dire. Et tu... Pardon. Notamment, tu notes un truc, l'effacement d'un clone qui a été utilisé, l'effacement de l'utilisation d'un clone dans les registres du laboratoire. Oh. Tu as que 2 clones au lieu de 3. Donc, je sais pas ce que c'est le secteur 22, mais éventuellement, peut-être que. Est-ce qu'il est possible que je fasse une copie de cette information? Oh, bien sûr. Bon, bah, je fais une copie de cette information. À mon avis, on sait ce que c'est le secteur 22, non? Bah, pas, non. Je regarde sur le plan qui se trouve à ma droite. Oui, un plan quand même. Là, c'est un truc avec marqué des... vous êtes ici. C'est un truc où t'as des. C'est un stockage un stockage de cosses et de clones, quoi, mais. Peut-être falloir poser d'autres questions. Aïe. Et l'IA va nous répondre. C'est quoi, mon cher ami, le numéro 22? Ouais, bah, c'est Alban qui te. Bah, c'est mon stockage personnel, enfin, mon stockage à ma femme et moi, concernant. On sort non mais mon clone et propre autres. Clone. Tout à fait. D'accord. Les embrouilles. Okay. Pourquoi cette question? Pour rien. On avance sur notre enquête, Alban. Mais je peux vous poser une question? Bien sûr. Vous êtes bien vous? C'est-à-dire, je suis... oui, je suis bien moi, oui. Ah, vous êtes sûr d'être vous? Ah, certain, tout concorde. L'analyse psychosociale a été formelle, mes empreintes palmaires sont les mêmes, vous pouvez les vérifier si vous voulez, dans ses mains, et mes empreintes génétiques aussi. Mais est-ce qu'on aurait pu mettre la pile de quelqu'un d'autre dans votre corps? C'est con de le dire en face en fait. Et là on serait pas en train de vous parler, mais on parlerait à quelqu'un d'autre. Non, c'est pas possible, c'est une chose de vérifier, c'est une sauvegarde en fait, de moi-même. Ok. Et vous avez une idée de la consommation de clones que vous utilisez dans l'année? Ben, en fait, j'en utilise pas. 32. C'est-à-dire que j'en utilise que quand j'ai un problème de défaillance technique et ou ben, de mort inopinée. Et ça arrive souvent. Ça arrive pas, non. Ça vous est déjà arrivé par le passé? Non, jamais. Après, j'en ai changé quand j'ai atteint un certain âge. Mais... Est-ce qu'ils ont un numéro de série qui permet de les dissocier les uns des autres ou pas? Il te fait te rapprocher, il te dit oui, on a un numéro de série qui est placé. Non, je veux pas non, ça. Mais... Il te montre en fait au niveau de sa hanche, il te parle dessus ses vêtements évidemment, mais il te montre. Moi j'ai choisi de mettre mon tatouage ici quoi. Bon, ah mais faut noter le numéro. Assez facilement on peut du coup. Enfin non, je sais pas si. Bah du coup je cherche à savoir si James a réussi à avoir le numéro de série de celui qui manque. Mais du coup, je reprends en fait les photos que j'ai prises lors de l'enregistrement qu'on a eu, voir si on peut pas choper le numéro de série du corps. Non. Voir si c'est la version. Il est habillé. Oui, comme par hasard. Foiré. Putain, est-ce que c'était le clone qui est mort? C'est ça que t'es en train non, de dire? Non, parce que dans le local 22, il y avait les clones de lui et de sa femme. Celui qui manque, c'est un clone de qui? Ah oui, c'est vrai que c'était pas spécifié. Mais du coup. Non, je demande à James. Ah putain, mais oui! Attends, mais ça pouvait très bien être le clone de sa femme. Ouais, vas-y, de toute façon, faut y aller. De toute façon, c'est pas lui dans le corps, on peut en parler. A priori, il vous donne son numéro de série, on va dire, globalement, pour être grossier. Et a priori, c'est un numéro de série attenant, donc ce serait peut-être plus à lui. Mais il vous dit, mais pourquoi vous me demandez ça? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous avez trouvé quelque chose? Il en manque un, oui. On vous a piqué un clone. Il en manque un. Comment ça il doit. Bah là, regarde, c'est marqué là. Emmenez-nous dans le labo 22, on va aller voir. Attends, lâche ça, toi. Mais dites-moi, quel est le numéro de série qui. Moi, c'est. Bah, je lui donne le numéro de série qui manque, du coup. Effectivement, c'est un de mes clones. Donc là, il y a la question qui tourne pas rond. Est-ce que c'est celui qui est mort ou est-ce que c'est celui que vous avez actuellement? Aucun des deux. Donc on vous a volé un clone, en fait. Ça coûte cher, un clone? Mais ça sert à quoi? Ça n'a pas d'intérêt, hormis pour moi. Et je c'est comme la question, une coquille vide. Ça coûte cher, oui, mais. Mais on peut mettre une pile dedans de n'importe qui. Sauf que vous avez peut-être utilisé un clone pendant les 6 semaines où vous rappelez plus rien. C'est possible, c'est une possibilité. Tu sais, James, quand est-ce qu'il a été viré? Enfin, quand est-ce qu'on l'a volé? Je vérifie. Est-ce que j'ai la date? Non, t'as pas la date, ça a été effacé. Non, c'est effacé. Comme par hasard. Mmh. Mais en fait, est-ce que par contre, est-ce que sur les piles, il y a un numéro de série? Non, parce que en effet, il y a une phrase toute bête, mais peut-être qu'en fait, on est en train de parler à sa femme depuis tout à l'heure. c'est tout con, mais oui, c'est vrai que la réflexion était pas bête. Ben, a priori, te dit que oui, il y a de quoi les identifier, quoi. Ah, il y a possibilité qu'on. Mais c'est pas un numéro de série. C'est comme je vous ai dit, c'est une analyse psychosociale, comportementale hyper poussée, quoi. Ah ouais, ça fait combien de temps vous êtes avec votre femme? Plus de 15 ans. C'est tout? Beaucoup plus de 15 ans. Mais genre beaucoup plus 150 ans ou beaucoup plus 25 ans? Beaucoup plus. Ah oui. Ah, donc elle vous connaît bien, quoi. Ah, on se connaît très bien, oui. Donc ça pourrait être vous, en fait, actuellement. C'est-à-dire non. Bah, elle pourrait se faire passer pour vous si elle vous connaît très bien. On peut se connaître très bien, mais ne pas avoir du tout les mêmes marqueurs psychologiques. Ouais, ça, c'est parce que vous connaissez pas très bien votre femme, ça. Bah, je connais encore sa date d'anniversaire, donc ça va. Non, c'est impossible d'usurper ce genre d'identité, par contre. Je suis totalement formel. C'est mon travail. Vous êtes sa femme, vous nous mentez. Mais demandez à un expert si vous souhaitez, mais. Moi, de toute façon, c'est tout. Ouais, j'ai bien capté, mais tu vois qu'il commence à s'énerver. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'il y en a. Il y a je sais plus qui voulait être tranquille dans le labo et faire des trucs sans qu'il soit là. Alors j'essaie de l'embrouiller pendant ce temps, mais il suit pas. Je sais pas. J'avais pas d'idée, moi je traînais, c'est tout. Tu croises des mégots un peu partout. J'allais chourer un truc, un peu de. Bon, tant pis, j'arrête de le. Alors du coup. Est-ce qu'il est possible, j'essaye justement de rentrer dans le labo 22 et de sortir un clone tout en cachant le clone que je sors. En fait, j'essaye de refaire exactement la même manipulation que la personne aurait fait. Voir si c'est extrêmement compliqué ou si finalement... T'y arrives pas. Ah ouais, tout simplement. Mais t'y arrives pas. Ah ouais, ok. Je suis pas si exceptionnel que ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu me coupes ma réplique. Ouais, je me casse, les gars. Je suis déçu. Bon, les gars, je viens de tester. C'est absolument impossible. Donc, une nouvelle fois, je vous le dis, soit c'est lui qui nous ment depuis le début. Pendant que tu as calé, parce que je suis quand même beau joueur, tu vois qu'il y a d'autres imperfections et d'autres approximations qui vont pas. Et l'IA... L'IA essaie de pas te répondre, mais au final, elle finit par te le dire. Il y a des camouflages comptables un peu suspects, quoi. Waouh, ça blanchit de l'argent. Qui ont permis l'enrichissement effectivement personnel des Melvaux. Voilà. Beau gosse. Je l'enregistre. J'enregistre ces informations pour plus tard. C'est Dark Annie, en fait, tout ça. Mais... Il va parler à la place de son avocat. C'est un one-shot d'actualité, tu sais. Mais ça concerne des montants exorbitants ou... Ça concerne des belles sommes. Il avait pas besoin de ça pour être riche, quoi, mais ça fait des... Oui, bon. C'est toujours un peu plus, quoi. Voilà. Je vais voir justement... Putain, je sais plus comment il s'appelle. Le mec qui nous parle, et je fais sinon ces histoires d'extorsion, depuis quand des gens essayent de prendre votre argent comme ça? Je bluffe totalement, en fait, pour savoir si l'argent qui est perdu, c'est parce que le mec il se fait racketter discrètement ou s'il comprend pas du tout où je veux en venir. Écoute, tu peux bluffer, tu vas me faire un jet de caractère corpo. Tiens. Ah t'es sûr? C'est pas ouf. Oh, bah, caractère fixeur, mais c'est pas combien vraiment. Non, mais caractère encore plus. Non, en fait, ce sera plus fixeur parce que c'est pas. Ouais, c'est sur du mensonge et tout. Donc, caractère fixeur et ce sera une difficulté à 5. Ouais. Mentir, c'est caractère fixeur, c'est ça. Bon, bah. Tu l'as ta réponse, mon gars. Tu sais, je bégaye. Et parce que. Ouais. Dit, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je ne me fais non, pas du tout. C'était pour voir. Tranquille. Ouais. Putain. Tu notes aucune réaction, genre il reste stoïque. Ouais, bah... Plus calme que quand vous commencez à le titiller là sur l'histoire des clones, quoi. Mais oui, de la merde des quatre. Et putain, bon, bah, écoutez, je pense que vous avez fait le tour de ce que vous deviez voir ici. Alors quelqu'un va me faire. On doit faire un tour de votre. On doit voir votre femme quelque part. Quelqu'un va me faire un jet de sens fixeur, s'il lui plaît. Ouais, bah voilà, personne. Toujours pas moi. J'ai l'impression que depuis qu'on joue, je peux faire aucun G. Enfin, si je fais des G, je vais tout rater. Attends. Attends la course poursuite, bordel. C'est ça. Non, après, tu peux le faire, hein. Ah bah, juste oui, à la fin. Je vais m'en charger, hein. Si vous promis, dès qu'on sort, on rentre dans la voiture. Suivez ce véhicule, même si c'est un véhicule civil. On s'en fout, c'est. Oh là là, c'est naze. Non, ouais, mais si tu fais pas d'effort, toi aussi. Ça suffit. Non, je fais aussi bien que Igor, ça va. Putain. Non, mais en vrai, il est pas si mal ton perso. Hein. Tu peux faire des trucs. N'hésitez pas, même si vous avez pas de talent, ça passe. Ah non, mais hein. Moi je fais sans l'aider, y'a pas de soucis. Hein. Je fais sans l'aider, ça marche. Ouais, moi, pendant toute la discussion, j'ai continué à lui tourner autour. Puis vous avez des points d'énergie aussi à dépenser. Regardez un peu comment il tremblote de la narine. Non, pas du tout pour ça en fait. C'est qu'à un moment donné, t'entends des éclats de voix vers, on va dire, vers l'accueil. Et t'entends même, t'entends plus que des éclats de voix, t'entends un peu de casse comme du matériel qu'on dégrade quoi. Je dégaine. Bagarre. Je tire partout. Bagarre. Non mais je voilà, non, je pointe du menton. Tu as l'IA qui se tourne vers vous. Messieurs, veuillez rester dans cette zone s'il vous plaît. Un incident est en train de se produire. Je l'écoute pas du tout. J'y vais. Ah oui, alors là on accélère là. Oh les gars, vous êtes sûrs? Oui. Bah, il reste là avec. Il se passe quoi à raconter là? Il se passe quoi, James? Je me rapproche avec mon cher ami, on regarde un peu ce qui se passe en fait. Ok, c'est les deux. Ouais, j'aurais pu voir ça avec les caméras, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Tu peux encore, hein? Non, bah ils sont partis, hein. Bonne chance. Bon, bah ils sont partis, bonne chance, tant pis pour les comlinks. Donc là, je reste avec James, c'est ça, dans le labo? Bah, vous faites ce que vous voulez, tu peux faire ce que tu veux. En fait, ça dépend, mais le beau, il va où? Melvaux, il reste là. Ah. Il va alors, je dors à la porte d'entrée, jeter un œil, mais c'est tout quoi, il va pas. James, t'as un visuel? Bon, je vais te dire ça. du coup, j'essaye d'avoir un visuel par les caméras. Bon, fais-moi un petit jet de hack, esprit, bien sûr. Hacker, difficulté 5, mais bon, c'est parce que c'est toi. Ah oh, putain, c'est beau là. Sinon, ça aurait été difficulté 4. T'as pas envie de me raqueter d'un cheval, toi? Non, ça va. Y a pas trop de cheval. Bon, du coup, ça passe. Tu vois en fait, des mecs en fait avec des espèces de, on va dire des battes de baseball, des mecs un peu patibulaires qui sont en train de casser des écrans. Mais c'est des battes de baseball du futur. C'est pas des pareil. Des battes de baseball du futur, voilà. T'as un peu le son aussi. Est-ce que je peux leur transférer tout ce que je chope là? Oui, bien sûr. Ouais. Je le fais. Cargaison. Ils disent qu'ils appartiennent au parti dissimulé, en deux mots. Genre, comme ça. Hop. Putain, c'est les insoumis, c'est les gilets jaunes. Mais laisse mon one shot d'actualité se dérouler tranquillement. Balkany et les gilets jaunes. La sécurité, tu vois que la sécurité est là, mais elle a l'air de les laisser faire, quoi, alors qu'ils sont plus armés qu'eux. Quoi. Quoi ? Ils sont combien en fait ? Ils sont pas très nombreux, ils sont 3-4. Ouh là là. Bah, ça comment ils sont arrivés là déjà ? Bah, ils ont passé la sécurité a priori. Qu'est-ce que vous faites ? Ouais, on y va, oui, mais moi je vais pas m'interposer, hein. je suis pas un flic, mais je veux voir ce qu'ils foutent, quoi. Et vraiment, il y a des agents de sécu présents ? Ouais, il y a des agents de sécu présents. Qui les regardent faire ? Tout à fait. Donc, comment ils réagissent à notre arrivée ? Ouais. Qui ça ? Les. Agents, tout le monde, quoi. Les agents sont un peu surpris, ils vous regardent et ils se mettent un peu entre eux et vous. A priori, tu sens qu'ils ont pas l'air chaud que vous vous en mêliez, a priori. Bon, j'observe un peu la scène avant de... Donc, on a des agents de sécu entre nous et des gens qui viennent péter les trucs à l'intérieur, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc, on a les gilets jaunes et les flics. Ouais, en fait, c'est les black blocs et... Il y a quelqu'un qui filme tout ça, quand même. Bah, les caméras de sécurité, oui. Bah, nous. Il n'y a pas la presse. Et vous ? Non, bah, pourquoi ? C'est vrai. Donc c'est qui est avec tu moi tu vas appeler la presse C'est Igor. Igor. Ouais. T'as Igor et EVA, oui, donc vous, tous les deux. Ouais, et Dash, du coup, t'es où ? T'es resté avec James ? Moi, je reste avec... Non, moi, je suis avec Igor, je suis venu. Ouh là. Ouais, non, mais je parle à Dash, donc... Moi, je reste avec Melvo. Tu sais te battre, hein. Si jamais ton perso, il est aussi bon pour ça. Je lui demande si ça arrive souvent, les manifs à la porte, là. Non, tu vois depuis qu'il est 20 semaines, coup, ouais. Pour le coup, il est pas très à l'aise, mais. Bon, James, on va essayer de savoir pourquoi ils font ça. C'est contre vous ou c'est contre l'entreprise ? Écoutez, moi je vous regarde, les gars. Bonne question. Je vous avoue que je ne sais pas. Mais a priori, je dirais l'entreprise. C'est l'entreprise qui. Pardon. Oui. Pardon. Ouais, excusez-moi. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont en train de défoncer tout ça et qu'est-ce qu'ils font, les gars ? Bah rien, ils les regardent, ils sont attentifs, mais il y a des insultes qui volent et tout. C'est des humains ou des non-humains ? Les gardes ? Il y a de tout. Il y a des robots aussi, enfin des droïdes ? Ouais, il y a des droïdes. Il est possible de hacker le système de sécurité pour les rendre fous ? Attends, mais rajoute pas, tu ferais ça ? Alors, police partout, justice nulle part. Pour le coup, ça va être très dur parce que c'est encore le truc interne, mais ça veut dire déjà que. Ah ouais, putain. C'est pas grave, tu es exceptionnel, fais-le. Mais ce sera le même jet que d'habitude avec un dé pour avec une difficulté à 6 si tu veux le faire. Les gars, vous voulez que je tente un truc sur les. Non, attends, sur les attends. Vas-y. Et donc, bah, vous voyez, finalement, on va faire un peu d'exercice en fait. Ouais. En vrai, ça dure pas très longtemps. Ça dure une ou deux minutes et vous voyez, il commence à ressortir, oui, et ils disent ouais, de toute façon, on va le trouver, cet enculé d'Helmut le Gros. Et au tout venant. Helmut le Gros. Ouais, Dash, tu vas me faire un jet de caractère. Corpo. S'il te plaît. Corpo. C'est pareil, j'ai zéro dans les deux, de toute façon. Bah, du coup, voilà. Je suis un jet de caractère, c'est ça ? C'est ça. C'est difficulté 5 ou pas ? Non, difficulté 3. Non, ça va, je pense à l'eau. Raté. Faut pas que tu lances comme ça. Hein. C'est caca. Hein. Si je lance qu'un seul dé, c'est pas d'échec critique. Puisque c'est pas un double 1. On est d'accord, Edgar, c'est un échec critique. Bien c'est sûr, tout à fait. Un seul dé, échec critique. Putain, mais t'es dans notre équipe, merde. Ouais, moi, j'ai pas sur beaucoup... la tranche, là. J'ai pas beaucoup de caractère. C'est ça, ouais. Donc en fait ils sont en train de tout casser, les gars ils s'interposent pas, ils les laissent faire, c'est ça ? Et ouais, eux ils disent qu'ils veulent la peau de... Helmut le Gros a priori, et puis ils disent ça en repartant quoi. Ils ont pété 2-3 trucs, ils ont mis un coup de pression, ils s'en vont. Et Helmut ça fait aussi acteur X quand même, non ? Non, ça va aussi, arrêtez là. Merci Helmut le Gros. Ah ouais, n'importe quoi. Allez cassez-vous de là. Ah, moi je vais essayer de forcer un avatar avec la moustache. Voilà, parfait. Moi, je veux parler avec ces mecs, donc je les suis s'ils sortent de... Je les aile. Bah, aile-les, je t'en prie. Attendez, là, y a les gardes, ils s'interposent ou pas entre moi et... Non, en vrai, les gardes, ils font a priori pas grand-chose, quoi. Ok, bah non, mais les gars, vous êtes bien énervés là, il se passe quoi? Non, on a pas été payé depuis un moment pour notre protection. On sait pas où est le type quoi. Mais attends, mais il bosse là, le bout le gros? Non, mais t'es qui toi? Bah, et toi? Il réagit. Bah, moi je suis parti dissimulé. Fais-moi un petit jet de caractère fixeur pour le coup. Celui que j'ai raté. Moi je suis à côté de lui, là, je suis avec lui. Hein. Ouais, pas de soucis. Bon, tu peux lui faire un. Tu lui files un. Tu veux l'aider? Tu veux filer lui un plus 1? Oui, je l'aide, si oui. File lui un plus 1. Bon, t'as pas besoin, regarde. Difficulté 4, évidemment. Tu veux relancer? Non? Bah, tu sais que c'est une mafia locale qui s'occupe de protéger certaines entreprises pour les acheminements, mais t'en sais pas plus, quoi. Oui. Ok. Bah, les gars, moi je peux peut-être vous aider, c'est mon taf de retrouver les gens. Ah ouais? Pourquoi ouais. Tu ferais ça? Bah, pour l'argent. Ouais, bah, tu nous intéresses pas, de toute façon, on va s'en occuper nous-mêmes, on règle ça en famille, par chez nous. Et si je vous paye pour de l'info? Non, ça m'intéresse pas. De toute façon, on va aller sur les quais, on va le chercher, c'est le mouc le gros. Mais tu vois qu'il se barre, et puis casse pas trop les couilles, hein. Sinon tu vois qu'il montre ostensiblement son... Ah, t'as ton flingue à la main? Ah ouais, ouais. Ils ont sorti l'heure, du coup, fallait me le dire plus tôt. moi j'ai dégainé, je rigole pas, quoi. Mais ils sont pas... Il est tendu, genre tu les en joues? Ah non, j'avais sorti le flingue. Bah, ils ont sorti leur flingue aussi, quoi. de manière, pas discrète, okay. Quoi, en fait. Donc c'est pas juste des dockers avec des battes, ils ont aussi des flingues. Ah non, ils ont des trucs, ils voulaient juste faire de la casse, mais bon, ils vont pas gâcher des munitions, quoi. Ça marche. Ok, bah je regarde Eva, j'ai un truc à demander en plus, ou... Non, ça me semble bien. Donc en fait, vous voulez simplement vous faire payer, c'est simple que ça. C'est ça. Tout à fait. Ça fait longtemps que vous n'avez pas été payé? Ça fait quelques jours. Enfin, le paiement aurait dû tomber il y a quelques jours. Mais ça vous regarde pas, en fait. Non, mais c'est bien. Non, mais je sais bien que ça ne nous regarde pas, mais ça nous intéresse. Elle est belle, ma copine. Hein. Elle est belle, hein. C'est ma copine. Ouais, passable, quoi. Mais bon... Pas de première bagarre. Il a dit passable, le mec. Initiative. Allez. Bagarre direct. Je l'emplâtre direct. C'est vrai. Après, tu peux faire un test de séduction avant. Un coup de poing dans la gueule. Je vais te séduire, mon cochon. Fais-moi un petit test de... Comment tu t'y prends pour le séduire? SM, direct. Non, je remets mon legging. Ok, bah tu vas me faire un... Putain, moi je sais pas avec quoi faire ça, on va dire caractère... caractère cascadeur, je sais pas. Camelto de l'huile. Oh non. C'est une idée, je sais pas trop... Bah, je sais pas trop, en fait. Je t'avoue que je sais pas quoi le faire. Un caractère me plaît bien, mais je me mets juste en valeur, je dis rien pour le moment. J'ai laissé parler notre cher ami James, et puis je le regardais dans les yeux, c'est tout, quoi. Je fais rien de spécial, quoi. Ce sera caractère. J'ai pas commencé à, toi, y a pas de glace. On peut pas avoir un distributeur de glace à côté en train de manger une glace. si tu veux. pour deux égards. Voilà, pour bien énerver. Voilà. Allez, pour un point, je grille un point d'énergie, je mange une glace. Ok. Bah, pas de soucis, bah, fais-moi un petit caractère cascadeur. T'as plus 2 et c'est une difficulté à 3, donc normalement tu devrais t'en sortir. Caractère cascadeur. Non, une difficulté à 4 quand même. On va pas faire. Allez, 7, c'est bon. Ouais, parfait. Putain. Bah écoute, tu vois qu'il te dit ça, mais il a les yeux qui brillent. Il se pourlèche les babines, tu vois. Genre un peu je prends ma glace, je la mange vraiment bien correctement. Super. Bah tu vois que il dit ouais bah de toute façon faut qu'on file, mais il t'envoie, tu vois, sur ton réseau, enfin sur ton mon Tinder local. Ouais, c'est un peu ça. Il te poque, il t'envoie ses coordonnées, quoi. Ouais. De quoi le joindre et tout. Et dit, bon les gars, on y va et ici. Allez, on s'en va, ouais. Il a la gueule, on peut partir. Et ben voilà, j'ai même pas changé la musique alors que j'ai préparé des trucs. Faire fuck, pas grave. T'as mis la musique depuis le début, j'ai rien entendu. Ouais. Si vous êtes sur Mozilla, vous êtes sur Mozilla, vous entendrez pas. Je sais pas pourquoi ça bug, c'est de la merde, c'est de la chiasse, ce truc. Ah ouais, bah, moi, je suis sur Mozilla et j'entends. Ouais, moi, j'ai fait un feuille à la musique. Ça fait chier, quoi. Moi, j'ai aucune musique depuis le début. Ah merde. Est-ce que t'as pas le son de l'onglet qui est coupé? Non, non, plus, pas y du tout. Il y a une musique sympa en plus. Ouais, ouais, je sais. Je m'emmerde depuis tout à l'heure. Ah, désolé, hein. Écoute, je peux partir, hein, c'est comme ça. Oui. Non, ce que je vous propose. Ah, mais il s'est barré, vraiment, il se fait vraiment chier. Hein. Non, bah, il a fait un F5, je pense. Est-ce que vous avez d'autres trucs à voir ici Moi, je voulais aller voir. Aux gardes, ouais, quand même, rapido. Ils sont... Parce que ouais. ils ont des consignes pour pas intervenir quand ces mecs-là ils pètent des trucs ou. Là, je prends l'écran le plus proche de l'ordi, je le fais tomber. Moi là, je se passe quoi en fait. Oh bah il te saute dessus quoi. Sérieux? Ah oui oui. Ah bah il te saute dessus. Ok bah. Mais qu'est-ce que vous faites n'importe quoi. D'accord. C'est bien les mecs hein. C'est. Peut-être mais ils mettent. Tu vois, là, t'as Alban qui arrive, il dit non, laissez-le. Ouais, laissez-moi, tu vois, regarde, je peux péter ça aussi si je veux. Non, cessez, s'il vous plaît, sinon je vais. Okay, c'est une mafia, on veut pas que. On veut éviter les problèmes. Les ennuis, ouais, d'accord, donc vous laissez péter, quoi. Bah, c'est mieux ça que. Pour éviter qu'il pète, quoi. C'est ça. Ok. Bon, il me saoule, lui. Quelqu'un parle ou... Bon, moi je m'assois, je mange ma deuxième glace et je. Ok. Et tu sextotes avec le gros costaud. Voilà. Bon, Alban, elle est okay. Pas là, ta femme. Non, bah si, elle est au bureau, comme je vous ai dit, mais elle n'est pas dérangeable. Ouais, bah... On va la déranger quand même. Hein. Mais oui, à un moment donné, il va bien falloir avancer. Hein. Ok. Si vous voulez qu'on trouve quelque chose sur votre situation, il va falloir qu'on rencontre votre femme. Hein. Ok, bah écoute, bon, écoutez, attendez deux secondes, je vais voir si elle peut se libérer. Et bah, elle finit par... Elle vous fait attendre, hein, une demi-heure, une heure. Et elle finit par arriver, vous êtes dans un... Ils vous ont fait attendre du coup dans un bureau. On veut la voir séparément de l'autre, là. On ah oui, bah... Chaperon depuis le début, c'est pas... Il arrive, bah, elle arrive toute seule, de toute façon. Hein. Lui, il va bosser, du coup. On peut pas avoir les deux. Ah oui, lui s'en va au moment que sa femme arrive. Oui, oui, c'est ça. Bizarre. C'est comme Clark Kent. Et super. il a enlevé ses lunettes, c'est devenu une meuf. Non, mais il vous l'accompagne, quoi. Il vous la... Mais après, il vous dit vous avez besoin de moi. Et a priori, vous voulez l'avoir tout seul. Quand il se voit, c'est comment les relations c'est, Ah bah, très. Ils sont pas en train de se rouler des gars, si tu veux, mais. Très cordial. Enfin, bien, quoi. Ils ont pas l'air de se faire la gueule, ils ont pas l'air de se faire la guerre, quoi. Si tu veux, fais-moi un jet de caractère. Caractère. J'en sais rien. Caractère corpo. Qui? Toi, tu me poses la question, c'est toi. Twitter. Difficulté 4, évidemment. Toi, avec ta glace, là. Oh, bah, ils ont l'air proches, tu vois. Tu vois qu'ils s'entendent, bien, ils sont en train de discuter. T'entends peut-être une blague filée, d'ailleurs, sur vous. Hein, une blague un peu désobligeante, mais un humour un peu acide. Je vais casser des genoux bientôt. Mais après, moi, je pensais vraiment absolument pas à des genoux, non, mais... Non, non, pas du tout, ils se tutoient, ils sont proches, même physiquement, tu vois, ils ont les coudes qui peuvent se toucher de temps en temps, enfin, ils sont pas à 2 mètres l'un de l'autre, quoi. Mm-hmm. Tu sens qu'il y a encore, si ce n'est des sentiments, au moins beaucoup d'amitié. Je vomis. Et de proximité. Ben moi, t'as vomi. Très bien. Ce que je vous propose, avant de commencer son interrogatoire en règle, parce que je sens que vous allez lui poser plein de questions, eh bien, je vous propose une petite pause bio, pipi boisson. Ok. Je suis un répliquant, je ne sais pas si j'ai besoin. Même dans la vraie vie, dénoncez-le. À toutes. Non, j'existe pas. Et bah, à toutes. C'était imposé. Hein. Ouais, ouais. Eh, barrez-vous. Non, bah je vais en profiter. Servir un petit rhum, hein, il faut ce qu'il faut. Et t'invites pas les copains? Bah si, tiens, prends un verre. Non, c'est bien gentil. Bon, j'avoue que je suis pas trop fan du rhum, je préfère l'ouski, mais... Pas faire ma fine bouche, hein. Ouais, attends, je reviens aussi. Re. Et re. Putain, m'avait laissé tout seul avec Craig. Il est flippant. Comment ça? Craig, il est flippant. Ah, oui, d'accord. Quand personne d'autre écoute, qui écoute, il dit des trucs. Pile quand il y a personne d'autre que moi. Putain, par contre, en one shot, ça va être chaud de résoudre ce truc. Si, mais tout va s'accélérer, tu vas voir. Bagarre, combat, résolution. Hein. J'ai pas vu la fiche de ton perso, en fait. Parce que du coup, je sais pas... Un petit blondinet. C'est un détective. Ouais, d'accord. T'es un peu bourru, tu rentres dans le tas. On se bille en tête, ouais. T'en bats les couilles des conséquences, cool. Oh, t'as plus de tests de fouille. Mais physiquement, il n'y a pas trop, pour l'instant, besoin de... d'agir. Putain, t'as 10 points, mon salaud, d'énergie. Bon, j'en ai déjà claqué... 4 4, ouais. Ouais, ben moi, du coup, il m'en resterait plus qu'un, si j'avais fait comme toi. Donc, Re, normalement, t'aurais dû en avoir 0, si j'avais suivi les règles à la lettre. Ah ouais? Ouais, c'est en fonction des... Ils t'ont pété le perso, quoi. En fait, c'est en fonction des types de persos, genre humain, alpha, réplicant, android, etc. D'accord, et le biosynthétique, lui, c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, t'as plus ou moins d'avantages en fonction de ton corps, plus ou moins d'atouts, ouais, plus bah ou ouais, moins je comprends, trucs, ouais. etc. Et, le réplicant, dire, c'est vraiment un réplicant comme en Blade Runner, c'est pas ouais. C'est ça, ouais. Ok. Salut tout le monde. Re. Bonjour. Re. Je disais, quand il y avait personne d'autre, il y a Craig, il m'a parlé. C'est vrai? Pour de vrai? Non. Ah non, attends, ce serait trop flippant. Non, mais le... Tuez-moi. Êtes-vous seul? Dois-je m'inquiéter? Dois-je couper le truc? Ça aurait été rigolo. Mais ça aurait été un peu flippant aussi. Mais ça, Discord, il le fait tout seul. Quand t'es dans une conf et que t'es tout seul, il te dit, mec, tu fais pitié, je te jarre de la conf. Non, c'est quand tu parles pas. Ouais, mais quand t'es dans une conf tout seul... C'est quoi qu'il mange? Ça a l'air dégueulasse. Un petit yaourt. Joli rouge. Non, joli rouge. Ah ouais, grave, j'ai pas osé dire, mais ça fait peur, son truc, là. Ah, mais vous connaissez pas? Non. Mais c'est tellement bon, mon gars. Pas. Bah franchement, j'ai pas envie de connaître. Ah, hein. Oh, c'est les gâteaux du bled, ça. Ah, j'ai raté un truc, non? Pas ouais, non, c'est... Non, pas... C'est notre Discord où il y a des photos de bouffe. Oh, c'est tellement bon, c'est un truc de ouf. Je crois que c'est un truc genre aux amandes ou je sais pas quoi, il y a des graines de sésame dessus, normalement. C'est tellement bon. C'est du miel avec du sucre, avec du miel, avec du sucre. Ouais, grave. Oui, bah oui, ça c'est avec la base. Hein. Couleur. Le tout frit. Ouais. C'est exactement ça. Bon, vous êtes tous là du coup? On va reprendre. Yep. Parce que le timing, c'est vrai, messieurs. C'est pas grave. Hein. Vous êtes bon, okay, mais... On est là, ouais. Donc vous êtes avec la femme, la fameuse. Ouf. Déjà, faut essayer de retenir Eva, premièrement. Bonjour, messieurs. Ce qu'on veut nous faire croire, en tout cas. C'est ça. Bon, bah, du coup, la théorie du complot, tu sais. On aurait pu se faire un petit topo, non? Dans l'entre-deux. Bah, vas-y, vous pouvez vous faire un topo, on va faire un... Allez. Parce que j'avoue, je suis un peu dans le flux. En connexion privée. Allez-y, faites-vous un topo. Topoifié. Je vous laisse. Que les autres me fassent un topo. C'est toi l'enquêteur. Vous en pensez quoi? L'inspecteur demande un récap. Non, moi, j'ai rien compris à ce que je fais depuis le début. J'ai la disparition d'un clone. Oui. Ah, oh, vas-y, allez-y. Modèle du mec. C'est ça? C'est ça. Et on sait pas pourquoi. C'est-à-dire que mon avis, toutes les informations. Soit il est mort pendant la semaine, les semaines où il était. On peut pas s'en rendre compte, donc il a déjà utilisé un corps. Ouais. Ou alors il a donné le corps à quelqu'un, est-ce qu'on peut utiliser ce corps? C'était la question. Enfin, bon. Avant ça, j'ai une autre question. C'est un clone qui a disparu physiquement ou c'est l'enregistrement du clone qui a disparu du registre des clones? Non, c'est le clone qui a disparu. Ouais. Bah, les deux, du coup. Disparu. Okay. Les deux. Okay. Et en fait, toutes les informations relatives à tout ça ont été trafiquées. Et on est d'accord que là, les bras... Donc, du coup, le corps a disparu et l'information relative au corps, elle, a été falsifiée, effacée ou je ne sais quoi. Le gang, là, ben, j'ai oublié. Le mec caché, là, je sais plus comment il s'appelle. Les insoumis. Les insoumissions. Le manque de respect de vous, putain. Vous chier. Le parti dissimulé. Le parti dissimulé. C'est toi aussi. Le nom est nul aussi. Il a forcé la salpêtrière parce que... parce qu'on n'a pas payé. Parce que la mafia les protège. Enfin, la mafia, c'est pas ce qu'ils foutent. Ouais, mais a priori, c'était quoi? C'était un... Ils étaient payés pour l'escorte de matos. Bah, ouais, le transport des corps. Donc voilà, c'est ça sûrement. Oh, moi j'ai plus l'impression que c'était un one shot. Bah, après, moi les gars, je peux vous dire, de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des comptes qui sont falsifiés. Il y a de l'argent qui circule et des gros montants. Et là, vous me parlez d'une mafia, ça, c'est quand même plutôt chelou. Hein. Ça bicrave des clones. Bah, je sais pas trop si on peut voir les choses comme ça, mais... Et ouais, le je mec, pense que sa femme doit en savoir beaucoup plus que nous tous. Hein. Elle est quand même bizarre. Et puis les gars qui réclamaient un drôle de nom, là, c'était qui voulait payer? Le gros Helmut. On sait pas qui c'est, ça, c'est vrai. Helmut le gros. Oui. Bah, c'est pareil, non? Oui, mais lui, on sait pas qui c'est, lui. Donc en fait, ce mec-là, c'est peut-être lui qui est à l'origine de l'embrouille aussi. Okay. Helmut le gros, c'est le mec à qui on parle. Non, les gens qui, du parc des Insoumis, là, ils sont venus et en fait, ils ont quelqu'un avec qui cette personne qui les a pas payés. Moi, je pensais que Helmut, c'était Helmen. Oh putain. Et non, Alban, c'est pas Helmut. Mais on n'a pas demandé son prénom à Helm. C'est vrai. C'est chelou qu'ils viennent dans ce bâtiment pour choper. Mais c'est qui déjà? Il y a une troisième personne qui apparemment paye la mafia et que là il ne l'a pas payé. C'est ça. Mais... Donc et cette personne-là, pour qu'on s'en occupe. Helmut, c'est le big boss Helmut, de la compagnie. Oui. Donc je pense que ça n'a rien à voir. T'as la mafia, elle va pas venir réclamer des big boss avec trois connards qui ont une botte de baseball pour péter une télé, quoi. Ouais, les gars, l'affaire. Après, ça avait l'air d'être une bizarre. Piqûre de rappel, là, juste pour dire bon. Ouais, ou un leurre. Alors. Petit détail. Le MJ va nous dire des trucs. Alors, non, petit détail qui a peut-être son importance, mais ouais, peut-être pas, que je vous ai dit tout à l'heure concernant recrudescence d'activité, etc. Hausse de, ouais, vous m'avez de parlé de. Voilà, vous avez le. Vous vouliez parler aussi, je vous rappelle un peu, vous vouliez parler à la meuf, vous vouliez parler à. Ah putain, mais en fait, il y a une troisième personne qui a les droits sur la société. Alors, laisse-le parler. Robert, vous vouliez parler à sa meuf, à Robert Atman, du coup, le mec dont je vous ai parlé au début. Ouais. Putain, attends, je sais plus qui c'est lui. C'est le patron de la boîte. C'est le patron de la boîte. Le patron de la boîte pour lequel travaille. C'est ça. Mais Alban. C'est ça. Vous avez du coup la mafia qui est venue ici et qui parlait de protection pour des cargaisons, etc. Cette même mafia qui cherche Helmut le Gros. D'accord. Et vous avez des disparitions de clones. Voilà. Et Luca Hernandez qui est le directeur de projet qu'il a engagé très récemment. Oui, tout à fait. Heureusement qu'elle est là, Eva, en fait. Elle n'a pas qu'un gros cul, quoi. Igor, Eva. J'ai juste noté, c'est tout. Voilà, non, comme ça, on fait le point est fait, et comme ça, si vous avez besoin... Donc maintenant, il faut qu'on tire des conclusions, c'est ça? Maintenant, ouais, bah en fait, la femme se tape ça, le gros boss. C'est le boulot du détective. Et voilà. Tiens, Igor, allez, débrouille-toi. Putain. Attends, comment il fait de Colombo? Bah, il s'endort déjà. Question. Ah non, ça c'est nous quand on regarde. Il demande à sa femme. Parce qu'avec ma femme, il t'endort quand il l'a trouvé. Au moment de passer la porte. Une dernière question. Bah, je sais pas, non, j'ai pas envie là. Alors attendez, parce que je sais pas quelle question poser à madame. Hein. Si, sur son alibi. Et pourquoi il y a ses habits à poil partout? Ce serait pas mal ça déjà. Ouais, grave. On commence par ça. Bonjour, madame. Pourquoi vous étiez à poil, là? What? Ouais. Ça, c'est que cette odeur. Faites renifler mon copain, là. Waf, waf. Bon, j'ai trouvé que ça, mais... Trouvez mieux, mais... Bah non, mais déjà... Elle est là en face de nous? Si, on a une question. Qu'est-ce qu'elle a à gagner? Est-ce que son... Hein? Ah, donc là, ça y est, on est devant elle, là. On est devant elle, là? Non, bah non, moi, je parle pas à elle. Je vous pose la question à vous. Ah, qu'est-ce qu'elle a gagné? Ça a coupé. Non, je pense donc, que c'est... Qu'est-ce qu'elle a gagné, elle? Ah, pardon. Parce qu'elle a pas trop d'intérêt. Ah, on va lui poser une question, on verra la tête qu'elle fait. Sauf si elle a magouillé dans son dos, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont magouillé tous les deux, mais je sais pas. Bah, lui, ça a l'air d'être une bonne quiche, hein. de réplicant. C'est un boulet, il s'est fait tuer. Ouais, sauf qu'il avait l'air quand même bien gêné quand on lui a parlé de ce clone sorti là. Il est plein de coq en plus, donc il doit faire n'importe quoi lui. Bah, tous les coups, sa femme se tape le big patron de la société et puis ça explique tout quoi. Ou sa femme se tape le clone. Wow. Pourquoi? Wow. Ah ouais, c'est vraiment perché quoi. Ah, les riches, hein. C'est plus quoi faire. Ouais, ils ont des goûts. Okay. Particulier, ça y est, c'est Christian Grey et dans ce corps. Donc la question qu'on peut lui poser, donc, ça serait quoi? Ça serait. On peut lui poser les mêmes questions pour voir comment elle répond. Si elle s'entend bien déjà avec lui, tout ça, tout va bien. Est-ce qu'elle n'essaierait pas de l'avoir avec les confiance vidéos, au les vidéosurveillance, qu'elle qu'attende de faire croire qu'elle était dessus. Je sais pas. Moi j'ai essayé, je suis pas bon pour ça, les gars. Mais t'as quand même modifié les vidéos, on lui montre qu'elle est dessus. Il y avait une autre personne qui était avec lui en train de boire un verre. Je suis pas sûr ça. C'est vrai qu'il y avait plusieurs verres. Bon, allons-y. Ah ben déjà, on peut savoir si c'était peut-être elle qui était présente avant. Oui. Parce que si c'est pas elle qui était présente, il y avait quelqu'un qui était là, qui était en train de boire un coup avec lui. Oui, puis c'est pas con, combien de verres? Dans ses sous-vêtements à elle. 12. Dans sa voilà. Wow. Un vrai gangbang. Putain, c'était le gros Helmut, je jure. Bah justement, s'il y avait 3 verres ou 4 verres... Putain, faudrait que je renomme mes persos la prochaine fois, sérieux. Ah oui, t'as commencé avec Alban, t'es mal barré, hein. Bon, je fais mauvais flic. Du coup, on n'a pas, pas l'info pour combien il y avait de verres. Non, enfin, deux, si, t'avais deux verres. Deux, c'est tout, ouais. Oui, il y avait deux verres. Ah, ok, donc ouais, d'un coup, c'était le troll. Ok. Donc, James, à toi de jouer. C'est pas James, c'est Igor, à toi. C'est Igor, l'inspecteur. Oui. Du coup, on passe avec la femme, c'est ça? Ouais. Fin du briefing, très bien. Je suis pas prêt. Ouais, bonjour, messieurs, que puis-je faire pour vous? J'essaye discrètement d'aller à côté d'elle. Pourquoi faire? Pour sentir l'odeur. Quel enfer. Mais quelle horreur. Pour voir si c'est l'odeur des sous-vêtements. C'est la même odeur, c'est la même odeur, fais pas chier. Quoi. Genre le mec la sniffe. Monsieur? Il veut sentir sa plus bas. Elle a l'air un peu dérangée. Donne-moi les nouveaux. Bonjour. Excusez pour le dérange, tout ça, quoi. Non, mais pas de soucis. Mes condoléances, hein. Bah, merci. On a pas eu le temps de faire l'enterrement, mais... Ouais. Meilleure réplique de la soirée. Bon, retirez-vous dans la nuit. Il sort son petit calepin. Bah ouais, exactement. Moi, je suis encore à l'écrit. J'ai pas ta réplique, quoi. Oh, putain. J'ai mon crayon de papier. Oui. C'est vrai, faut écouter là. Voilà. Et donc, vas-y. Ah bah donc voilà, juste où étiez-vous dans la nuit Eh bien, j'étais ici, supposé de votre mari. J'étais ici au travail. Ici, vous voulez dire, vous pouvez le prouver ça. Ça a été, c'est enregistré, il y a votre trace quelque part. Oui, tout à fait. Tout à fait, très bien. Votre point de vue, vous, sur l'événement, vous avez des suspicions de. Alors, James, à parté, c'est pas le cas. Tu sais qu'elle était pas là au moment où t'as fait tes checks, elle était plus là. Elle était partie avant. D'accord, ok, merci pour l'info. Voilà, je vous fais les rappels parce que je sens que. Oui. Excuse-moi. Du coup, en privé, directement. Mais moi, je pose des questions, puis je pense que mes potes ils relèvent les incohérences. Vas-y, Igor. Excuse-moi, parce que je. Vous voyez une raison pour laquelle votre mari aurait pu se suicider, parce qu'autant lui, il a un trou de 6 semaines, autant vous devez vous souvenir de l'ensemble de votre vie conjugale. Tout allait très bien, vraiment. L'entreprise n'a jamais aussi bien fonctionné. Notre vie de couple aussi. On est plutôt donc très compatibles. Que vous nourrissez les mêmes soupçons quant à potentiel meurtre. Je pense que c'est pas, en tout cas, c'est pas une erreur que d'y songer, oui. Ok. C'est l'herbe songée qui vous fait du mal? Non, du tout. Non. On a eu accès à la RA de la pièce post le drame. Oui. Il y avait des petites affaires à vous. Vous avez quelque chose à nous en dire? Mes sous-vêtements? Ouais. Bah, wow. Oui, évidemment, avec mon mari, on s'est amusé un peu plus tôt dans la journée. D'accord. Bon. Et c'était torride. Elle te fait un petit clin d'œil, Igor. Je vous avais bien dit qu'il pouvait s'étrier ça par terre. Hein. Mais c'est chelou que directement elle parle de ça, quoi. Bah, elle est fière. Elle est haute. Bon, en tout cas, c'est la seule chose quoi. Qu'elle a oublié de supprimer sur l'enregistrement. Hein? Dani? Ok. Bon, j'attends un backup, je tends l'oreille. En arrière, voir si quelqu'un d'autre a un truc à me s'assurer. Ouais, du coup, elle t'a menti, elle était plus du tout sur les lieux. Au moment des faits. Bah, vous nous avez menti. C'est du cash, tu vois. Concernant quoi? Bah, mon collègue, là, il est à. Balance pas, je te parle en privé. Ah, si, je balance. Bonjour. Bah, on a une trace. Attends, de quoi? De sa non-présence ou de sa présence? C'est sa ça, qu'elle n'était pas sur les lieux au moment du crime. Bah, ouais. Elle n'était pas au laboratoire, quoi. Au laboratoire, ouais. Vous étiez pas au labo? Si, je travaillais ce soir-là. J'ai travaillé jusqu'à 22h. Bon, ouais. On a les images, madame. Bon, vous y étiez pas. Vous étiez où? Qui veut... Fais voir, là. Allez, fais voir la caméra. Jamie, lâche ma tête. Montre-lui. Vous étiez dans quelle pièce ce soir-là de ce labo? On les a toutes dans envie. Voilà. Là, vous n'y êtes pas. Là, vous n'y êtes pas. Là, vous n'y êtes pas. Ah oui, vous parlez à cette heure-là. Vous parlez à cette heure-là. Ouais, non, voilà, je suis parti vers 22h. Ah. Et j'avais des courses à faire. Des courses à faire, oui. Ouh. Vous faites des courses. Quart de course. Eh bien, je suis allé m'acheter des habits, je crois. Oui, des habits. Bon. Je craquais un rouage de coups de répliquant. Je me retourne. C'est le relais à un bon flic en fait. Tu vois, parce que moi je fais le mauvais flic, mais il faut qu'il y ait un bon flic qui prenne le relais à un moment. Quoi. Qui veut faire le bon flic? Parce qu'a priori. Bah, je me retourne au pif vers. Et va, fais-lui du gringue. Elle est en train de nous remplir le cerveau sur donc le soir de l'assassinat potentiel de son mari. Je parle à haute voix. Son alibi est fluctuant. Est-ce que je peux essayer de hacker son bureau? Fais-moi un petit jet de caractère fixeur, Igor, et fais-moi un jet de. Bon, c'est pas un bureau, mais oui, tu peux hacker ce qu'elle a sur elle, donc c'est plutôt son. On va dire l'équivalent de son téléphone. Putain. Fais-moi un. Difficulté 4. Fais-moi un jet de hacker esprit. Hacker esprit, ok. Vas-y, je reclaque 4 points là, je peux. Hein. 3 pour relancer. Ah non, oui, t'as pas de critique, donc 3. 3. Du coup, il ne te reste plus que 3. Bon, bah, je relance le 8 parce que la balèque, du coup. Heureusement qu'il y avait le 7. Moi, j'ai encore rien relancé. Vas-y, relance, du coup. Okay, je relance. Ouais. Relance pas. Il y a des problèmes après. Qu'est-ce que tu cherches sur son. Vas-y, t'as encore un truc. Ah, relance. J'ai mon D6. Ouais, tu relances tout en fait. Quand tu relances, tu lances les deux. Okay. Son relevé de puce bancaire. Pour voir où elle était, où est-ce qu'elle aurait acheté quelque chose, ce qu'elle aurait fait le jour. Effectivement, elle a acheté des trucs, mais elle a surtout été dans un café. Quant à toi, du coup, Igor, tu notes en fait que, effectivement, elle te cache quelque chose, mais tu as pas l'impression que, enfin, tu as l'impression qu'elle est honnête sur le fait, tu as l'impression qu'elle est honnête sur le fait de pas être, de pas être sur les lieux du crime, quoi. Et du coup, est-ce que je peux choper les messages qui ont été envoyés sur le téléphone et tout? Les conversations, les... Parce que du coup, si j'ai réussi à savoir ça, c'est que je suis sur le téléphone. Ouais, tout à fait. Ou même le café où elle était, elle a peut-être ouais, des caméras. Ouais, vraiment savoir tout ce qui a été acheté, en fait. T'as l'adresse du café, tu sais ce qui a été donc acheté. Ça, on le note. Il y a eu plusieurs verres qui ont été achetés. C'est, quand je dis café, c'est bar. Enfin, oui, café-bar, ouais. Et au niveau des messages, déjà, j'ai oublié. Lilma, je crois. Ouais. Je te transmets toutes les informations que j'ai en te disant par contre, tranquille, hein, lui dis pas que je sais tout, ça c'est gênant sinon. D'accord. Bon, il y a James là qui me dit. Parfait. Moi j'ai fait du conjugal pour grailler, quoi. J'ai suivi de la femme qui trompe pendant des années. Dites-nous s'il y a un truc à cacher, au moins qu'on arrête de penser que vous avez potentiellement tué votre mari, quoi. Sans contre-fou que vous avez. Restez discret, mais oui, effectivement, j'ai un amant. J'enregistre tout audio. audio, vidéo, j'enregistre tout, mon gars, balèque. Ok. Il s'appelle pas Helmut, par hasard, je dis ça. Le mec, il prend les cartes, c'est pas qu'il joue avec, c'est qu'il les met toutes quatre sur table. Ah, tiens. Non, non, Hellman. Absolument pas. Non plus. Non, non, c'est... Ah, même pas le patron. Lucas. Non, non plus. Non, mais pas le courtier. Non, bah, du coup, c'est quelqu'un en dehors de la société. Du coup, donnez-nous le nom. Bah, elle vous file un nom. Il est pas fait pareil. Elle vous file un nom. On s'en fout. Il s'appelle Thomas... Thomas... Lucas. Thomas Clark. Ah, ou alors, ça, non, mais bon. Non, elle s'appelle, Jenna. Jenna... Ah, pas mal. Jenna Rock, voilà. Allez, Eva, à toi de jouer. Ah, ça m'intéresse, Jenna. Après, c'est pas rare, en fait, la sexualité est très libérée. Oui. Il y a des changements de sexe, pas de soucis. J'ai pas l'impression que ce soit, du coup, elle a pas envie de divorcer, de refaire sa vie. Non, non, elle me dit non, tant que, franchement, ça nous va comme ça, avec... Bon, bah, donc lui, il a le droit, lui aussi. Bah oui, je sais même qu'il a une maîtresse, il a une petite pièce discrète ici, pour la recevoir. D'accord. Poucave-tout. Ok. Et qu'est-ce qu'il aurait pu faire pendant ces... Pendant... Il n'y a eu aucun comportement particulier pendant ces 6 mois Non, il a eu 6 semaines, j'imagine. 6 semaines, ouais. Ouais. Non, il a eu une période de stress il y a plus ou moins un mois, on va dire, avec l'arrivée des commandes. Mais après les premières difficultés, il s'en est sorti. Il s'en est plutôt très bien sorti. C'était surprenant. Je pensais même qu'il allait devoir... Il a pas eu besoin d'embaucher quelqu'un, a priori. Chose qu'il a dû faire là en se réenveloppant. Il se dédouble, vous croyez? Attends, je parlais à mes potes. Faire 2 fois le taf. Non, mais d'ailleurs... Bonne question. Après, c'était peut-être une partie du jambonnaire à plusieurs. Hein. Il pourra vous indiquer, je pense, même la pièce secrète, il y a juste sûrement pas pensé. Voir, il s'en souvient, enfin, je sais pas, depuis quand elle est là, peut-être que... Il a laissé sa maîtresse dedans, enfermée. Non, mais peut-être que... peut-être, que fait... peut-être que sa sauvegarde est même pas au courant, je sais pas. Oui, et vous, ça vous dérange pas, en fait. Hein. Et je regarde si elle ment ou si elle se fait envoyer. Elle te dit non... Notre couple est très heureux, on s'entend encore très bien, tant que ça se sait pas et que ça fait pas la une des journaux. Franchement, au bout de tellement de temps passé ensemble, il y a aucun risque. Ça aurait pas d'intérêt de se cacher ça. D'accord. Okay. Enfin, de se limiter à une seule personne. Enfin, je vous laisse imaginer que 150 ans avec la même personne, ça doit plus être très très passionnant. Hein. Oui, moi, au bout de même de 10 ans, j'en ai marre. Hein. Ouais, moi, 2 ans, ça me fatigue. Même de 10 heures, hein. Ah, les gars. Allô, yes. Le romantisme. C'est ça, le romantisme. Le romantisme, le fameux romantisme. Ok. Bon, alors, est-ce qu'on la cuisine sur autre chose? Je sais pas, j'ai pas l'impression, du coup. Elle a l'air, elle a l'air plutôt ouverte. Hein. Depuis maintenant qu'elle a... Donc vous pouvez lui poser des questions, elle a pas l'air d'être impatiente ni rien. Oui, elle est ouverte. C'est les montages financiers, quoi, après. Plus savoir si... Bah, et puis peut-être la pièce, quoi. Mais bon, ça après... Bon, ouais. Mais... Non, mais on a appris au moins une information, c'est que voilà, la maîtresse, quoi. Essayez de voir pour le clone. Ouais, c'est qui, Helmut? C'est le patron. Non. Helmut, c'est le gros. Non, je demande à... C'est qui, Helmut, le gros? Par rapport à vous? Par rapport à l'entreprise? Connais absolument pas. Tu peux me faire un jet de caractère fixeur si tu veux voir si elle ment. Mais... Bien sûr. Moi aussi, j'essaie de voir si elle ment. J'ai plus de 2 en. Difficulté de 3. Bon, attends, je relance. Tu vas faire 1. 7. 7, voilà. Parfait. Bah, tu vois qu'elle est complètement honnête. Elle en sait rien, quoi. D'accord. Ça, le nom lui parle même pas, quoi. Et les autres, les dissimulés, là? Non plus. Non, si elle connaît, elle sait que c'est une organisation plutôt illégale et mafieuse, mais c'est tout. Elle bosse sur quoi d'ailleurs, elle exactement? Elle a à peu près la même chose que son mari, juste elle fait des modèles différents, quoi. Imagine que c'est des designers qui créent des modèles, quoi. Mais ça veut dire que la mafia qui travaille dans le transport ou dans le convoi de je sais pas quoi, ils travaillent avec l'un et pas avec l'autre, alors que les deux font le même job dans la même, quoi. Ouais, non, après, tu peux lui poser des questions là sur son job, hein, si tu veux, mais... Non, j'y connais rien. C'est juste que ça me paraît bizarre que la mafia sa coquine avec l'un et pas... Et justement, ouais, dans la base de données, j'essaye de choper tout ce qui se rapproche de Helmut, Vraiment pour voir s'il y a quelque chose qui ressort. Au pire, on va rappeler Oko, là, vu qu'il est flic, peut-être qu'il connaît. Non le gros. Ouais, c'est pas faux. Ok. Vous voulez faire... Je sais pas, bon, on fait les deux en même temps, au pire. Ok. Du coup... le gros. Ok. Du coup, on lui dit qu'il faut pas qu'elle quitte la ville. Oh, bah, vous dites, de toute façon, j'ai pas besoin de partir, mais oui. Non, mais ils disent tout ça. D'accord. Non, mais pas... enfin, ils disent tout ça, ne quittez pas la ville. Ça y est, je suis perdu, moi. J'ai pas compris. Je comprends. C'est un vif. Oui, après, vous pouviez lui poser d'autres questions. Moi, je voulais juste faire ça en même temps, quoi. Et du coup, est-ce que vous voulez que je vous amène à sa petite garçonnière ou oui, c'est ici. Oui, oui. Non, pas prévu. Ah bah, oui, moi, je veux bien, ouais. Je suis James. Voir ça, oui. Tu as quel niveau de Alban, mon chéri, viens avec moi. Je vais leur montrer. Après, elle baisse le ton et elle lui dit ta pièce secrète. Donc là, lui, il a l'air surpris, tu vois. Enfin, vous voyez. Ouais, fais-nous voir ta collection de trucs là. Et effectivement, hop. Oh merde, il y a un visuel. Oui, ah, c'est pas prêt, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. On va sortir un cadavre. Non, y a une... Balop. What? Et en fait, c'est derrière une petite cloison, tu vois, genre vraiment le truc a été un peu rajouté. Mais c'est là-dedans qu'il culbute, mais non, c'est pas prêt. C'est pas... Sur les plantes là? Ah ouais. Ah ouais, c'est bloc. T'as, en fait, t'as ah, ça, en t'as un lit de camp, en fait, plus, quoi. Dans le coin où a été pris la photo, t'as un lit de camp et t'as de quoi, quoi. Enfin, genre, non, je pense qu'on est tous déçus. Ah ouais, vraiment. Putain, ah ouais, ça sert à quoi d'avoir autant de pognon pour un truc tout pété comme ça, quoi. Donc ça, c'est pour faire de la plantation de... Et pourquoi vous faites pousser des orchidées? C'est quoi le rapport? C'est... j'adore les fleurs. C'est parce que j'avais pas d'autre visuel, vous êtes chiant. Il y a une pièce secrète, il y a pas des masses de trucs, quoi. Et j'adore les fleurs. J'ai même pas vu qu'il y ait des orchidées. Ah ouais, ce qui me choque, c'est les vieux PC tout pétés, là. Ah, moi, c'est les restes suspects au sol. Par terre, ouais. C'est chelou. Putain, j'avoue. Putain, mais en fait, j'avais pas trop le choix, quoi. Il y avait pas des masses de... Je voulais un truc un peu sombre et tout. Ouais, bah en fait, vous voyez, effectivement, la pièce est plutôt sombre. Il y a de quoi travailler, un bureau avec un PC dernier cri. Vous voyez, dans un coin, un lit de camp avec une table de chevet. Un lit de camp, quoi. Enfin, ouais, un lit, pas un lit de camp, mais un lit basique, quoi. Loin de son 2 mètres sur 2 qu'il a chez lui, par exemple. C'est là-dedans qu'il amène ses conquêtes. Merde, putain. Ah! Oula. Ah, j'ai changé de page et ça m'a lancé une musique trop forte. Il est parti. Bagarre. Je reviens, excusez-moi, messieurs. Hop. Du coup, si vous voulez chercher. On pourrait avoir la RA aussi ici? Non. Ça n'a pas été l'enregistrement. Ah, mais non. S'il y est revenu depuis. Et effectivement, depuis en plus, les c'est hors de tous les. T'as pas envie de ressentir ce que le sol a ressenti, mon gars, vu la gueule du truc. Non, merde. Non, et puis effectivement, c'est hors caméra, enfin, il n'y a rien qui surveille cette pièce, qui est assez étrange. Alban, vous avez eu l'usage de cette pièce depuis 6 semaines Non, je vous avoue que je ne savais pas qu'elle était. Ok, non, donc potentiellement, on a une pièce précédente sa perte de mémoire. Oui. Bon, on va fouiller. Et vous faites des travaux souvent ici pour oublier les pièces? Ben. Non, mais il a un trou de 6 semaines. Ouais, mais ça veut dire que la pièce, elle a 26 semaines, quoi. Ouais. Ça pousse pas si vite, les orchidées. Hein. Ouais, les pièces non plus. Hein. C'est génétiquement modifié et ça a été fait très discrètement, peut-être en une nuit avec beaucoup d'argent, parce que c'est technologique, voilà. Ah ouais. C'est le TGCT, voilà. La magie, tout ça. Je vais reparler à madame, du coup. Ok. Non mais cette pièce, parce qu'elle nous, elle avait presque envie de nous la montrer, donc je sais pas. Est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir un canal privé en fait, c'était entre surtout, les... C'était surtout a priori, c'était surtout pour vous dire que le fait qu'elle était infidèle, c'était pas que dans un sens, quoi. Ah oui, d'accord, c'était, elle a le droit, parce que lui aussi, il fait ça là, quoi. Et c'est il ça. Y a une salle hors des surveillances, dans la maison. Dans la maison ou dans le labo? Celle-ci, là? Ouais, c'est le labo, ça. Elle est dans le labo. Oh, et est-ce que cette pièce a accès au système de sécurité du labo? C'est-à-dire ? Est-ce que cette pièce pourrait potentiellement désactiver toutes les caméras, comme par hasard au moment où il faut, désactiver le système de sécurité, choper un clone, etc. Est-ce qu'il a accès à tout ? Tu vas me faire ton jet de... au bout d'un moment, je vais finir par rater, quoi. Et ceux qui veulent... Non, c'est exceptionnel. Ceux qui veulent chercher, c'est un jet de sens et... Et fixeur. Bon. Difficulté 4 pour tout. Oui, on est le 8. C'est pour tout. Tu veux le relancer ? Non, c'est bon. C'est sûr ? Ouais, c'est bon. Et Igor, il a fait 6. Ok, très bien. Alors, a priori, oui, il aurait pu, ça aurait pu couper. Il a une commande d'accès, il a un panneau de contrôle, je sais pas trop comment dire, sur le PC. Et est-ce que je peux choper les logs ? Ça va être plus compliqué, ça, mais okay. Tu peux essayer. Tu vas me faire la même avec une difficulté à 6. Mon petit Igor, toi qui as fait... Du coup, t'as fait combien ? T'as fait 6, c'est ça, hein ? Nique ta mère. Vas-y, je balance les 4 points d'énergie. Ah non, bah, je tombe coup, tu fais... L'ordi crame, quoi. Ouais, c'est... Oh. Ah. C'est pas moi. Tu balances ton énergie ? Je balance les 4, okay. Ouais. J'en ai plus qu'un. Je peux relancer les deux ? Vas-y, oui, tu lances les deux de toute façon hein, quand tu relances. T'as 2d8 toi. Ok, ben 6. Hein. Ouais, mais il a que ça dans lequel il est doué. Oui, vraiment. C'est moi, c'est à moi. Bah, tu y arrives effectivement à trouver le mot de passe et tout ça, et accéder au truc. C'était pas très compliqué, c'était sa date de naissance et celle de sa femme. Voilà. Super, génial. du coup, je peux avoir les logs des dernières commandes qui ont été faites le jour du meurtre, suicide, voir ce qui a été demandé à l'ordinateur, les commandes, etc. Quoi. Tu peux regarder, mais tu vas juste apercevoir qu'en fait, tout a été réinitialisé. Quoi. L'Ictaras. N'est-ce pas ? Super. Hein ? Respectueusement. Bon, bah les gars, possiblement ça s'est passé ici. Hein. Bon, je farfouille, moi. Il faut dire. Du coup, toi, pendant que tu cherches, tu trouves en fait que t'es pas caché nécessairement, mais dans les tables de chevet, etc., sur le bureau, tu trouves des trucs qui retiennent ton attention et qui retiennent notamment l'attention de Alban aussi. Tu vois du thé, mais du thé véritable, sachant qu'à peu près tout est synthétique, vous l'aurez compris. Hein, j'essaie de. Ouais. Son thé à lui véritable, quoi, le thé qu'il préfère. Des livres qu'il souhaitait lire, des films en RA qu'il aime vivre, mais aussi deux choses qui là vont retenir ton attention. Tu vas trouver une liste de commandes et de contrats de sécurité douteux et une liste de commandes qui est longue comme le bras, quoi. Alors, on parle de commandes de clones, enfin de... De clones, enfin de clones, de pièces, pièces de rechange pour ce genre de truc. Tout ce qui est lié à son taf, en fait. Ça a l'air d'être son activité officielle, mais dans une quantité un peu dure à... Voilà. Et avec ça, lié à ça, t'as en fait un message vocal de Robert Atman, donc son supérieur hiérarchique, qui est très peu satisfait de son résultat et du traitement des commandes et qui date du coup d'il y a environ il y a 6 semaines, quoi, globalement, à peu près. Il est très peu satisfait des commandes illégales ? Bah, du fait que les délais sont pas tenus et qu'il a pas l'air d'écouler les commandes assez rapidement, quoi. Mais attends. Ouais. Oui, il avait la pression, il a vu la pression à un moment donné, il était pas bien, donc. C'est ça. Voilà. Ouais, j'ai trouvé une image pour la pièce là qui m'a. Au pire, on s'en fout, non ? Je sais pas. Attends, vous avez... petite question. Lui, il est entre guillemets choqué, mais elle réagit comment ? Elle aussi. Après, ça dépend à quoi. Mais moi, j'ai pas compris ce qui est choquant à ce qu'il ait trouvé son thé et ses trucs. Enfin, il s'en souvient pas. C'est ça qui le choque, c'est de. En privé, est-ce qui en fait ça serait pas véritablement un suicide et il aurait essayé de maquiller lui-même quelque chose. Attends, moi je... Ouais. Ah mais si c'est ça, on perd 10 000 crédits. Faut mieux qu'on trouve un meurtrier. Oui mais non, mais justement, le truc c'est qu'il est au courant de rien. Peut-être qu'il a lui-même effacé sa sauvegarde avec sa femme. Peut-être que tout ça c'est un plan qu'ils ont fait eux et ça expliquerait énormément de choses. Je vous dis, pour hacker tout ça ici les gars, c'est un enfer. Hein. Et là, le fait qu'il soit choqué que tout ce qu'il a vu, c'est exactement, enfin, c'est son truc, enfin, je sais pas. Attendez, mais moi, j'ai un problème, c'est que j'ai pas compris ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire, j'ai trouvé une liste de commandes illégales. Non, légales. Légales. En fait, c'est ce qui était dans les choux. beaucoup. Il était dans les choux. Il était dans les choux, voilà. Contrairement à tout ce qu'il nous a dit que tout allait bien. C'est ça, mais voilà. Okay, et avec des contrats de sécurité. Donc, les contrats de sécurité douteux. Donc ça, c'est légal, pourrait... en fait. Ça, non. Ça pourrait... Non, ça, ça ressemble à un truc pas très légal. Avec les la mafia, quoi, en gros. Voilà. C'est ça. À demi-mot. Mais il a fuité tout ça, mais ça arrangeait avec la mafia, en fait. Putain, en fait, mais pour je peux les... pas lui mettre un coup de pression, il s'en souvient pas. Ben justement, c'est ça le truc qui est bizarre. En fait, moi, exactement, il se rappelle plus de ce qu'il a fait parce qu'il sait qu'il est allé trop loin. Genre ça, c'est la couverture parfaite pour pas... Ok, j'essaye de voir si sur les serveurs de la société, il n'y a pas une sauvegarde qui a été faite il n'y a pas longtemps. Hein, de quoi? Juste avant l'assassinat, j'essaye de voir s'ils ont... En fait, genre, ils auraient fait une sauvegarde en interne de sa mémoire actuelle avant de se supprimer, quoi. Non. Non. Bon, du coup, non. Non. Ok, cool. Attends, moi, j'ai envie de casser la bouche à quelqu'un, mais je sais pas qui, parce qu'ils savent pas. Bah, frappe. Frappe, on te regarde. Mais là, tu peux peut-être avoir envie de le secouer, éventuellement, moi, pour secoue, toi mais... qui... Oui, je tente. Oui, moi, je suis impulsif. Écoute, je lui mets sous le nez ce que je viens de... Bon, je le prends par le col, là. Je le pousse jusqu'au mur, là. Eh oh ! Tu vois sa femme qui réagit, lui qui est un peu choqué, tu vois. Je chope Eva et je la mets devant la femme. Hein ? Ouais, en mode attention. J'y mets un coup de boule. À la femme. Ouais, James. De toute façon, on a fermé la porte, on est tout seul dans cette petite pièce. Ah oui, on est entre nous. Pas tant quoi, il reste une heure, allez, on a une heure pour les dérouiller. Wow. 10 000 crédits, allez. Ouais, bah voilà, j'enlève ma clope du coin de mon bec et je lui rapproche dangereusement de son globe oculaire. Ah oui, mais non, c'est méchant, ça. Qu'est-ce que vous faites? Non, non, non, non. Allemand. Racontez les bobards, allez. Mais non, je vous raconte pas de bobards. Oui, alors je croyais que... Déjà, la pièce, alors, avec les orchidées, on n'y croit pas, donc... Laissez-moi tranquille, je vous Sors nous les attirales en cuir et tout, là, et les gens sont un peu plus, quoi. C'était prosaïque, je pensais que les affaires allaient bien, là, je trouve des trucs, ça, tu nous mens, en fait, aussi. Mais non, non, non, absolument alors, pas. Tu te mens à toi-même. Là, peut-être. Tu sais lire comme moi, là, c'est marqué, quoi, là, t'es dans les choux au niveau de... Oui, oui, j'étais dans les choux, mais je vous jure, là, si on regarde, toutes les commandes sont honorées. J'ai regaléré un peu là depuis que je me suis avec mon directeur, avec le directeur de projet, ça marche nickel. Mais la mafia, c'est juste, ils regardent les papiers, qu'ils reconnaissent pas d'ailleurs nécessairement. C'est juste des contrats d'acheminement en fait. Ils font de la protection de convois quoi, pour aller vers Ceres et Nova York. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils acheminent? Des cargos avec des... C'est de la prostitution, matos, toi, d'accord. Avec du matos, oui, mais c'est tout à fait légal. C'est juste comme une assurance, si vous voulez que ça arrive bien. J'imagine, comme ça que je le vois, en tout cas. Parce que là, vous vous en rappelez vachement bien, quand même. Non, je ne me rappelle pas, mais je déduis. Excusez-moi, mais on n'est pas tous aussi débiles que vous. Moi, j'ai un cerveau, donc je sais pas... Coup de boule. Ouais. Bagarre. Alors moi, j'ai conscience de mes limites, je suis un peu limité. Donc ça, mais par contre, quand on me le rappelle... Tu le mets une droite? Ouais, ou alors je le brûle avec la clope, j'en sais rien. Donne-moi une droite, s'il te plaît. Ça moi, je sors mon katana. Oui, quoi? Moi, je ferme la porte. Il se prend sa droite, il se recroqueville. Mais vous savez que c'est moi qui vous paye, c'est moi qui vous fais travailler, là, faut arrêter. Non, mais moi, j'allume la RAM. La vérité, moi. Oula, attends, bah j'arrête tout, alors. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'allume l'enregistrement RAM, on se le gardera. Ah oui. Bah pour le deuxième meurtre, comme ça on en aura un. Bon écoute, je veux bien croire que tu te souviennes pas de tout, mais au moins pour ton business illégal, là t'es encore au fait quoi. Mais non, je vous jure. Alors, et la meuf a dit rien depuis tout à l'heure. Bah elle est choquée quoi, vous êtes en train de malmener son mari, elle essaie de vous arrêter, mais bon elle est... Elle peut pas, il y a le katana. C'est ça. Il y a une femme qui a sorti un gros couteau devant elle, donc forcément... Tu bouges pas Lima, non... Oh, y a pas moyen de faire une phase à la Ghost in the Shell. Je prends un câble, je le branche dans le crâne et hop. Non, mais attends. Non. Moi, je suis encore dans. J'attends encore une info, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est dans les choux. Donc. Mais non, il est dans. A priori, il est dans les vapes, mais non, mais je vois pas. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui m'aidait à. Enfin, le seul truc, c'est que je pense qu'il y a quelqu'un qui était là clandestinement et qui m'aidait à accomplir les commandes, mais c'est tout. Petite question. C'est qui? C'est légal de se dédoubler? Bah, dans le monde, c'est pas genre se faire trois clones de nous-mêmes pour faire une tâche, c'est légal ou pas? Les forks, c'est un peu compliqué, les clones, c'est un peu compliqué. C'est pas très bien vu. Puis ça dépend pourquoi faire, quoi. En vrai, t'engages des gens, ça... Non, mais c'est illégal ce qu'il a fait, t'inquiète si pas. Si vous deviez le faire, vous le feriez maintenant ou pas? Ben non, j'ai pris mon directeur de projet qui m'aide et qui m'a aidé à sortir la tête de l'eau là après les quelques jours, mais c'est tout. Mais est-ce que comment vous serez capable de le faire? Vous étiez au bout du bout. On peut le convoquer là. J'en sais rien, je suis pas au bout du bout. Enfin, c'est compliqué. Vous allez voir, il y a une clope, un katana, vous êtes bien. Ah, vous allez m'en venir. Évidemment, si vous me demandez de le faire, oui, je le ferai, mais parce que je crains pour ma sécurité. Appelez Lucas Hernandez là. Mais c'est bon, on a trouvé. C'est votre clone qui vous a doublé, qui vous a buté. Vous pensez que je me suis fait un clone? Oui, et qu'il et qu'il a voulu devenir number. Et qu'il vous s'en est pris contre vous. D'accord. Non, mais je donc, sais pas. Ça fera 10 000 crédits x 5. Par contre, vous pouvez pas être. Je pousse un peu les gens. Je fais excusez-moi, je soulève son t-shirt pour avoir le numéro de série du mec. Il te l'a déjà donné. Hein. Oui, mais je vérifie. Je vérifie si c'est le même et si c'est bon. C'est là, on parle pas au clone. Non, mais on peut avoir. On peut convoquer Lucas Hernandez. Vous pouvez, oui, y a pas de souci. Mais qu'est-ce que vous avez lui demandé? Parce que lui, il est là depuis 2 jours, quoi. Ah, 2 jours en plus. Il a embauché à son retour. Excuse-moi. Est-ce que les clones sont traçables? Vous n'avez pas un équivalent plus GPS? Non. Il peut, mais pas le sien, quoi. Clairement, il est riche, il n'a pas envie de se faire tracer. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est sur les numéros de série, si genre ça faisait 73, 62, et l'autre ça faisait 74, oui, Tu vois, si les numéros se suivent. Concomitant, ouais. Et bien justement, je prends les deux numéros qui sont autour du numéro qui manque, oui. Pour voir lequel manque, et je vérifie si le corps qu'on est en train de vérifier, c'est le même ou pas. Et quel numéro de série, s'il s'en rapproche ou s'il s'en éloigne énormément, pour voir s'il n'y a pas eu d'autres clones. Ça, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ils sont côte à côte. Donc là, il est dans le clone d'avant, celui qui s'est fait voler. Ouais, c'est ça. Après. Non, il est dans le clone... Il manque un, c'est compliqué. On va dire que... Ouais. Tu avais... En fait, là, c'est le corps qui est en face de nous. C'est le corps qui est après le clone qui a disparu. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est le dernier, quoi, on va dire. Ok, voilà. Ben, ça, c'est intéressant. Mais vous y croyez pas, la théorie du clone qui tue son maître? Non, sauf que là, il est dans le corps. Attends. Mais la femme est peut-être au courant, du coup. Ça commence à devenir compliqué. Hein. Peut-être que la femme, elle se tape le clone. Peut-être que la femme, elle aussi, c'est un clone qui s'est tué. Il y avait un truc que je voulais faire. Je voulais, moi, contacter... Le flic, ouais. Oko pour savoir, pour savoir un peu plus sur... Et demande-lui le numéro de série du corps. Sur Helmut le Gros. Au passage. Sur Helmut le Gros ? Ouais, ça me parle. C'est un gros bras assez connu à Cooperstorm, ouais. Ouais. Mais dans ta petite enquête, là, t'as pas trouvé qu'il avait un quelconque lien avec notre Alban? Je crois qu'ils ont. Ils ont bossé ensemble, ouais, à une époque, ouais. Ah. Bah, d'ailleurs, quand t'as dit Helmut le Gros, parce que vous avez jamais prononcé le mot Helmut le Gros devant Alban, il a tiqué. Il dit c'est un ami. Ouais, c'est un ami à moi, ouais, c'est un ami de longue date. Helmut, c'est un ami du flic? Non. De Alban. Ah, d'accord. Oui. Et tes amis, ils te mettent des coups de pression hein, parce que tu leur dois de l'argent? Non. Non. En fait, alors, t'es efface. Ouais. Bon, j'en ai vraiment. Bon, attends, je raccroche, je le remets en position contre le mur, je leur allume une clope, je lui retire la clope dessus, et je le remets à côté de l'œil. Il y a 10 minutes. Oui. Dans ton entrée de la boule. Oui. Il y a des gars qui bossent. Oui. Ah non, putain, ils cherchaient le mot. Ouais, pardon, vas-y, je le repose par terre. Tu vois qu'il craque. J'éteins et je rallume une clope. Ouais, je suis trompé, excuse-moi. Ça m'arrive. Donc, ils cherchaient Helmut. Ouais. Ah oui, moi j'ai bugué, j'ai cru qu'Helmut c'était le chef des. Ouais, j'ai bien compris, ouais. Insoumis. Mais personne ne me rattrape là, parmi mes copains. Bah non, t'es tellement bien lancé. Ouais, bah je m'assis sur la petite chaise là qu'on voit à côté du. Ouais, mais là on a un peu. 5 minutes. Vous voyez Igor qui se met la tête entre les mains et qui a l'air d'avoir de réfléchir extrêmement fort. Je préférais les enquêtes conjugales en vrai. Dis-je à voix basse. Du coup, vous voulez faire quoi, Eva? Je range mon katana, du coup. Merci pour elle. Tu vois qu'elle a un soupir de soulagement. Mais vous savez que vous êtes complètement malade, hein. Ça va, hein. Mon mari est une victime dans cette affaire, je vous le rappelle. Oui, mais quand on baise devant des orchidées, c'est déjà pas clean. Mais a priori, il baisait pas, c'était quelqu'un travaillait ici. Mm-hmm. Bon, attends, ça y est. Tout ce qu'on sait, les gars, c'est que... Excusez-moi, il me fallait un petit tour. Ah. Donc, voilà. Helmut, c'est ton ami. Oui. Ouais, ok. Et ces mecs-là, ils le cherchaient. Oui, oui. Voilà, ok. Ces mecs-là, ils payent pas les flics. En ce moment, il est où, là, Helmut, là? Mais j'en sais rien. Oui, mais c'est ton ami, il a un moyen de le contacter. Oui, je dois pouvoir le contacter, oui. Il y a des gens qui cherchent Helmut, mais ils viennent chez toi, tu vois. Oui. Donc, c'est bizarre, ça, quand même. Oui. Donc, appelle-le. Maintenant. Je vais essayer. Oui, bah, il essaye de l'appeler. J'arrive pas à le voir. J'ai plus de feu. Quelqu'un du feu. Ouais, tiens, vas-y. C'est quoi son métier à Helmut en vrai? Ouais, grave. Il est consultant en sécurité. Un peu comme vous en fait. Il fait un peu de tout. Mmh. Il est embauché depuis combien de temps lui? C'est un pote, donc c'est particulier. Il hésite à répondre, quoi. Il n'est pas vraiment embauché. Je l'appelle quand j'ai besoin, mais... Il hésite encore à répondre. Non, mais... Je vais ressortir mon katana. En fait, il veut pas vous répondre, mais justement, il n'a pas de bonne réponse à vous donner là-dessus. Mmh. Et il répond pas au téléphone. Non. Il y a un point où il crèche. On peut le trouver. Il est dans un quartier, oui. Il est vers... ouais, il a un quartier de prédilection. Bon, on va le chercher, alors. Allez. Attendez, hein, parce que là, on a une piste, on s'y accroche, mais... mais je veux monter dans un véhicule de... Les gars, on est d'accord, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que tout leur système de sécurité, il est complètement dingue. Par contre, il y a une chose qui pourrait vraiment permettre de passer outre, c'est tout le système ADN et de reconnaissance de... Mais tu vas trop loin. De le quiche. Voilà, clone, donc le clone, c'est exactement la même chose, en fait. Il peut absolument tout faire, le clone. Maintenant, on cherche un fameux Helmut, mais en effet, le clone, il n'est pas forcément occupé par la personne qui devrait l'occuper. Putain. Donc, j'ai pas compris. Moi, le seul truc qui me fait bloquer, c'est que la femme ne connaît pas Helmut. Soit elle a vraiment, mais absolument rien à voir avec l'histoire, ce que je trouve assez étrange, soit elle aussi, elle a subi un lavage de cerveau, je sais pas. J'avais laissé Oko en attente, hein, de toute façon. Allô? Allô? Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Igor? Est-ce que tu peux nous localiser, Helmut? Directement, mais je sais dans quel quartier il... Non, mais il opère, plus, ou comment? C'est un mec. Et alors, tu crois qu'on a la localisation de tous les criminels? Sinon, je saurais où t'es exactement, là. Eh ben, je suis où, là? Regarde. J'en sais rien. J'en sais rien. Dans ton cul. Bon, alors. Oh, il raccroche direct. Okay. Bon. Alban. Oui. On en était où? Prédiction d'Helmut, s'il te plaît. Bah, il vous donne le nom du quartier. Il dit, bah, c'est dans la ville basse. Super. Bon, on y va, on reviendra. On les enferme dans le penthouse? Non. Ouais, quand même. Je veux dire, c'est quand même pas gentil. Non, ils sont chez eux. Ok. Moi, c'est pas que des clopes que je fume, hein. C'est pour ça que ça... Tu vas pouvoir conduire. Yes, enfin. En plus, la musique a son ambiance, là. Ouais, fait exprès. Très bien. On va monter un peu le son, d'ailleurs. J'ai plus la musique, moi. Non, mais c'est une bonne idée ou pas? Parce que moi, je sais pas. Hein. Bah, c'est la meilleure piste qu'on ait, là. Donc, oui, on a rien à faire, là. Parce que je vois pas comment on peut retrouver le clone, quoi. On est vraiment pas compétents, les gars. Ah, si, attends. Le transfert de la pile dans un clone, ça se fait où? Ici. Il y a... Pas con. Quoi. Où ça, ici, on peut aller voir? Pas con du tout. Parce que s'ils ont chargé le clone avec quelqu'un, ils ont fait ici trouver quelque chose. S'ils ont... Alors, je ne comprends pas tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Nous, emmène-nous. Vas-y, bah, ils t'emmènent là où se font les trucs. Alban, tu peux nous éclairer. Si quelqu'un a pris un clone vous concernant, qu'est-ce qu'il peut en faire? Bah, tout. Tout en fait, oui, c'est moi quoi. Mais, oui, mais c'est toi, parce qu'il n'a pas la sauvegarde. Donc il peut se mettre dans ton corps et. Bah si, il peut avoir la sauvegarde en fait. C'est tout l'intérêt de la sauvegarde, c'est que. Elle peut être dédoublée, quoi. Mais donc, dans le corps, il peut y donc avoir en fait, soit... appelle un fork. En fait, c'est ce qu'on appelle un fork. C'est une copie qui soit complète, soit partielle de la personne. C'est une bifurcation. Ouais. C'est soit donc un en fait, fork. Il peut y avoir un vrai clone qui est actif en même temps que vous. C'est ça ? C'est ça. Tout à fait. C'est lui le meurtrier. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, ça n'a aucun intérêt de le tuer, sachant qu'il n'y a rien. Il aurait tout fait pour qu'il ne revienne pas en butant tous les autres clones ou autres. Mm-hmm. Pour rester le nouveau Alban sans que personne le sache. Mais là, donc, vu qu'il a pu se remettre, c'est que c'est vraiment un fork. Mais du coup, s'il est assez intelligent, il doit être à un endroit où il doit pas être opéré tant que l'autre est là. Parce que sinon, il sera à deux endroits en même temps. Il n'y a pas en ville des détecteurs faciaux ou une connerie comme mieux, ça. Mieux, Alban, il a participé à ça. C'est Alban qui a chargé l'esprit dans le clone et qui a créé le fork. Et le clone, le sachant, a tué Alban pour qu'il oublie qu'il y avait eu un fork. Ouais. Par contre, tu peux le brûler là. J'ai l'impression que tu m'écoutes pas, Eva. Non, j'ai tout à fait compris. Le James, là, tu le brûles, là, le Alban qu'on a en face, comme ça, quand on le voit, il a toujours la brûlure, on sait que c'est lui. Mais c'est méchant. Moi, je fais. Pas grave. Moi, je fais, moi, direct. Oui, ouais, voilà, mais on lui dit. Mais non, mais écoutez-moi, c'est juste comme ça, au moins. Attends, je vais marquer. Il se met un coup de marqueur sur. Il vous dit, alors j'en mets un là, et là. Et il se met des coups de marqueur un peu partout. Marqueur ? Non, mais non. Oui. Si. Non, il faut au moins une petite incision. Si vous touchez, je vous éclate. Non, si vous marquez, je vous éclate. Non, alors laisse-nous signer, comme ça serait une signature de notre main. Ouais. Eh bien, vas-y, signe-moi. Ouais. Il non, est très signe, gêné. On signe tous les quatre. Je dessine. Oh putain, mais quel... Ou alors on lui coupe les cheveux bizarrement, j'en sais rien, mais on fait un truc pour qu'on le reconnaisse. On fait une signature avec notre écriture, c'est bon, on en donc fait on va récapituler 5 minutes. Donc en fait, le corps, il a été dupliqué par le clone, donc il est actif et c'est lui qui l'a tué. C'est ça. Enfin, c'est ça. Votre théorie, quoi. Ouais. Et Alban a participé à créer le fork, mais le fork étant malin, vu que c'est Alban, il s'est dit si je le tue, il va oublier que j'existe, et comme ça, je suis tranquille, je continue. Alors que le clone, il existait juste pour, à mon avis, une période temporaire. Pour le temps de passer le rush. De travail, quoi. Ouais. Ouais, le temps de passer le rush, et puis c'était prévu qu'au bout d'un mois, il le désactive ou je sais pas quoi. Bon. Le clone, le sachant, il a fait tout son truc. Ouais. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de creuser Helmut alors ? Non. Mais quelle bille on a pour localiser ce clone ? Est-ce que justement, je peux avoir accès aux caméras de surveillance de la ville avec une détection faciale ou une connerie comme ça ? Attends, avant, il faudrait regarder la salle de remplissage de clones avec une pile dans les 30 ou 60 En fait, il y a encore... Attends, laisse parler Dash, s'il te plaît, que moi je comprenne. On charge, on regarde les caméras de surveillance là où ils chargent les piles dans les clones sur les 30 ou 60 derniers jours. Soit on va voir qu'il crée un fork, soit il va manquer un morceau et on dira qu'il a créé un fork mais qu'il a enlevé les preuves. À toi, okay. James. Bah, c'est un peu ce qui se passe depuis le début, en fait. Ouais, mais on n'a pas regardé sur 60 jours là où il crée un clone. Bon, bah allez. Hein. Parce qu'il l'a créé il y a longtemps, son clone, normalement. Là, il y a entre 6 semaines et... Bah, durant le rush qu'il a pris dans la gueule, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, tu vas me faire un jet de... hacker plus esprit, difficulté 6, s'il te plaît. Et celui-là, tu le rates pas. Je lui donne mes points d'énergie pour qu'il réussisse. Non, ça ne marche pas. Il les dépense les siens s'il veut. Non, mais ton idée, elle est trop bonne pour que je rate. Voilà. C'est dommage, hein. Si, avec... Ouais, c'est raté. Pas pour un point plus un. Ouais, bah non, c'est... Non, en plus, elle est déclarée avant, en plus, pour ça. Ah, putain. Et le plus simple que j'ai, c'est uniquement pour détruire ou quoi. Je lui sers un verre de whisky, comme ça, il reprend les points d'énergie. Ça marche pas. Et non, bon, je me tape sa femme. De... C'est un petit moment de détente, ça. Formidable, moi. Ah oui, on va se faire une petite partout, vous avez l'IMA, comme ça, au moins, ça va retaper tout le monde. Elle est pas d'accord, vous êtes beaucoup trop vulgaire, bande de sourasses. Voilà. Alors j'ai mieux. Je demande à Alban de faire ce que... Non mais là ça va être mécanique, je vous fais pas refaire des jets à l'infini pour que vous finissiez par réussir en fait. Non mais c'est Alban. Alban c'est son truc s'il veut réussir à... Oui, bah, il y arrive pas. Ah il y arrive pas, d'accord. Ben, en tout cas il trouve qu'il n'y a pas d'incohérence quoi. Ok, d'accord, ça, ouais, ça me suffit donc. Oui. Mais ça... par contre c'est pas con d'aller dans la salle des clones pour voir justement si... il est bel et bien manquant ou s'il n'est pas en stand-by attendant un certain temps. Mais ça vous l'avez déjà fait ? Oui, vous avez déjà vérifié la salle des clones tout à l'heure. Ouais. Non, mais là, il fallait juste voir s'il avait activé un... A priori, c'est pas le cas. Bon, bah moi, j'ai donné tout ce que j'avais à vous. Bon, moi, vous vouliez retrouver... Non, oh, j'en sais rien. Je sais même plus ce que si, si, bah, moi j'ai que ça. Oui, Lucas Hernandez, on va aller le voir. Ah, allez. Ah non, pas moi j'étais sur Helmut. Mais non, c'était l'autre, Helmut. Helmut, ouais. Moi je veux savoir ce qui sortait, ce qui protégeait. Enfin non, attends. Pourquoi y a-t-il payé des gars? Et surtout, pourquoi il les a pas payés aussi? Ok. Vous prenez Alban avec vous ou pas? Non, mais ah, en vrai, j'en sais rien. Oui, il peut venir à vivre, comme ça, on ne se fait pas doubler, quoi. C'est ça, vous l'avez marqué, mais vous auriez pu le garder avec vous, quoi. Oui, bon, vas-y. Ok. Bah, du et sa femme, on la laisse là comme ça. Bah, oui, comme ça, oui, elle est connue. Elle retourne bosser, quoi. Ah ouais, elle est connue. Bonne journée. Dans le labo de la femme, il n'y a pas un endroit pour créer des forks aussi? Je lâche pas l'affaire. Ouais, non. Grave. Non, a priori, je vérifie, mais non. Elle design, et en fait, les forks. Non, leurs clones, ouais. En fait, leurs clones sont au même endroit, comme je vous ai dit, dans le secteur 23, je crois. Ah oui, 22. Elle fait des pièces détachées, quoi. Elle fait des pièces détachées, elle fait aussi les corps, hein, mais c'est des corps, c'est pas des forks. Les forks, c'est vraiment une copie, donc ça demande un. Ça demande un matos particulier, quoi, on va dire. Okay. C'est pas leur cœur de métier, normalement. Ils l'ont, eux, pour leur truc à eux, parce que c'est offert par la société, on va dire, mais c'est tout. Toc. Et bon, faut que je trouve une prise pour me brancher, j'ai plus d'énergie. Effectivement. Tu peux te brancher après dans ta voiture, éventuellement. D'ailleurs... pendant que tu conduis. En même... voiture. On va tomber à plat de batterie. Ok. À quoi ressemble ton véhicule, dis-moi? C'est un véhicule de place. Ah. Racing, dis donc. C'est une moto volante avec un sidecar. Mais pourquoi? Parfait. Parfait. Bon, allez, bonne journée. Non, il y a quelqu'un qui a un van. Moi, j'en ai un. Tu vois les vans Volkswagen? Oui. Bah, pareil. Putain, okay. J'ai le même. Très bien. Mais à la mode Tortue Ninja, quoi. Ok, ah, je vois. Voilà. L'agence touriste. Très bien. Tortue Ninja. Bon, bah du coup, Dash, tu vas commencer par me faire un petit jet de sens cascadeur, s'il te plaît. Pour savoir si tu te prends un pot d'eau. Non. Pour savoir si j'arrive à démarrer. Mais... Où est-ce que j'ai rangé les clés? Difficulté 4, s'il te plaît. Bon, il y a un mini-bar dans ton machin ou quoi? Connecté direct. Il y a tout ce que tu veux. Il y a même le GPS qui parle. C'est vachement moderne. Avec la voix de Dark Vador. Ça fait 6. Non. écoute, en fait, tu remarques assez vite, vous sortez du complexe du laboratoire, vous vous dirigez du coup vers le quartier un peu craignos, et tu remarques assez vite que vous êtes suivi par deux voitures, en fait. Ok. Enfin, deux véhicules. C'est un véhicule terrestre, hein, qu'on a. Oui, oui. Okay. Oui, oui. Je m'arrête. Ok. Ah putain, attends, je suis pas prêt. Préviens-nous. Vous voyez, du coup, vous voyez Dash qui s'arrête en plein milieu de. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? La spécialité, c'était de semer les gens, de faire des trucs. Non, on est suivi. Putain. Depuis quand ? Qu'on est parti. Eva dégaine. Ça fait quoi derrière ? Je suis vous connais. Il s'arrête aussi ? Oui, il s'arrête, ouais. On regarde à bonne distance. Petit. Mais ils essaient même pas d'être discrets aussi, ils essaient quand même. Ils sont à bonne distance, mais bon, il les a repérés, donc je veux pas. Ouais, ouais. Tu peux faire un truc, James, ou pas? On va les amener dans un endroit. Par rapport à leur bagnole. En fait, non, non, mais est-ce que James, il sait faire un truc par rapport à leur bagnole? Est-ce que c'est des voitures connectées en Wi-Fi? En fait, tout est connecté. Hein. J'ai pas mieux que les lance-roquettes, moi, donc. c'est pas mal, non? Mais on peut les amener dans un coin qui nous est favorable et on les confronte. Ouais, au dernier bagnole, moment, je coupe le contact des voitures, au pire. T'aimes bien, et après, on démarre. Ah, vous voulez pas aller les questionner? Bah si, mais avant que tu coupes le contact. Ouais. Et après je démarre et je vais les voir. Enfin, je fais demi-tour et je vais les voir. Enfin, je dis ouais, je vais voir ce que je peux faire, quoi. Si, t'es exceptionnel. T'es 4, bon. Je doute de moi depuis quelques temps. Là, t'as raté un jet, c'est pas non plus... Ouais, non, mais tu vois. Un malentendu est vite arrivé. Hein. Ça passe. Ah, tu vois, t'arrives à couper le... Tu sais quoi, t'arrives à couper le... Putain, vous m'en demandez beaucoup, les gars. Le contact, okay. Tranquillement. Et bah. Qu'est-ce que tu fais? Putain, la course-poursuite, elle a pas trop de gueule, quoi. Je démarre sur le chapeau de roue, je fais demi-tour et on fonce vers eux. Le but, c'est d'arriver très vite sur eux, quoi. Non. Oh putain, je mets la ceinture. Ok. Bah, en fait, au moment où tu redémarres, où tu fonces sur eux, tu vois qu'ils galèrent à redémarrer, mais qu'ils finissent par redémarrer, à faire une embardée. James. J'y suis pour rien, j'ai perdu le contact. Et tu vois que, eh bien, il arrive à, ils repartent en trombe en fait. Donc ils sont face à nous là, on est face à face. Pour nous fuir. Ben, ils sont en train de, ouais, c'est ça. On va dire que vous êtes croisés, ou vous êtes sur le point de vous croiser, sauf si vous voulez faire autre chose. Ah bah si on est sur le point de se croiser, je cartonne. Hein. Ouah, attends, putain. J'avais dit j'ai mis la ceinture. En dedans, en face à face du coup, c'est non, ça. Non, pas en face à face, de côté. Enfin, okay. Quand on se croise, je break à gauche. Très bien. Du coup, tu vas me faire un petit jet d'agilité cascadeur. Et tu vas me faire une difficulté à 5 là-dessus. On bosse souvent ensemble, vous avez l'habitude que les courses poursuites, c'est pas conventionnel. Hein. Ouais, mais là, c'est bon hein, quand même. Oui, c'est comme ça que ouais, j'ai perdu la moitié de mon visage la dernière fois, donc je m'en souviens. Ah, c'est voilà. C'est quoi, t'as dit quoi avec la difficulté ? J'ai dit 5. Moi, c'est bon alors. Ouais. Tu arrives à esquiver un et à rentrer dans un autre en fait, qui du coup fait une embardée. Et au moment où tu fais, au moment où bon, vous êtes tous bien secoués, je pense. Oui. Vous arrivez du coup à redémarrer. Tu veux faire quoi du coup après, Dash ? Ben moi, je veux les arrêter vu que je sais pas hacker. Vu que je sais pas hacker, j'arrête leur voiture autrement. Et moi, je les mets en joue avec les flingues, ouais. Okay, après, sinon, je racle contre un mur. Bah, ok, vas-y. Bah, il doit bien y avoir un truc qui permet de mettre une voiture hors de nuire dans mon minivan, non ? Est-ce qu'on peut avoir des petits détails sur les deux véhicules et les occupants potentiels là ? Ouais, pas de soucis. En les deux véhicules, il y a trois personnes par véhicule. En fait, t'as deux personnes devant, une personne derrière dans chaque. Et c'est des véhicules assez basiques, on va dire, des espèces de SUV du futur. Mais genre tactique noir ou c'est genre des véhicules non pas civils. Tactique mais genre vraiment ouais non civil mais assez imposante tu vois. Ok. Il n'y a pas de mitrailleuse postée derrière avec un mec debout dessus par exemple. Non, il n'y a pas de mitrailleuse postée derrière. Mais tu vois que effectivement au moment de l'impact t'as un mec qui commençait à ouvrir sa fenêtre et tu vois vous voyez sans équivoque des armes à feu quoi. Ok. Tout à fait. Je ne sais pas quelle arme j'ai sur mon. Moi je tire. Hein. Sur un moment donné, ouais. pas une arme qui fait pas une mitrailleuse, plutôt un truc qui explose un peu et, okay. Et ça part dessus quoi. Mais que okay, ça très explose bien. Un peu, pas qui explose beaucoup. Okay, très d'accord, bien. On tire, on sait pas qui c'est. Hein. C'est pas grave, on veut qu'ils s'arrêtent. Ils ont commencé à sortir leur flingue. Donc. Ils ont commencé à sortir leur flingue. Ouais. Du coup, juste au moment où vous êtes en train de commencer à vous sortir vos flingues et à penser à tirer, sur tous vos réseaux, vous êtes inondé de mèmes, ça vous gêne pas plus que ça, mais vous voyez qu'ils essaient de vous déconcentrer avec vos bah, j'essaye de faire quelque chose du coup. Bah, non mais ça marche pas. Et surtout en fait vous voyez des donnez-nous Alban, donnez-nous Alban 2, etc. etc. quoi. D'accord. Et je peux rien faire sur et ça. Et du coup, alors, attends, tu pose, peux, mais ça a pas de... Alban 2 Alban, pardon. Ah putain, j'ai eu peur. Alban bis. Ils ont des pneus ou... On a dit Alban 2, hein, non Oui, j'ai entendu Alban 2. Peut-être. Pour plus de 50 000 crédits, ça vaut le coup, non ? Est-ce qu'on peut tirer sur les pneus ou alors, ils ont des voitures oui. à pneus ou... okay. Oui, mais non, ben, oui, tu peux. D'ailleurs, Edgaras, t'as toi, tu m'as dit que tu commençais à leur tirer dessus depuis une demi-heure à peu près. Donc tu peux leur tirer dessus. Non, mais est-ce que la voiture a des pneus ? Est-ce que je peux l'immobiliser en visant les pneus ? Bon, c'est ce tu que peux. Je fais alors. Okay. C'est quoi la difficulté alors ? Difficulté 5, qui sont mouvement quand même. 6. Donc c'est sans. Alors toi, c'est. Alors attends, solo. Toi, c'est Eva. Est-ce que tu as un bonus sur. Avec tes atouts ? Non. C'est sans okay. solo. Oula. Ok. Ah non, j'ai eu peur, c'était le jeu d'abord. Ok, bah, tu fais ton jet de dégâts, du coup, tu tires avec quoi ton. Ta Tensai ou ton. Ouais, mon Tensai, oui. Ok, bah tu me fais un D12 plus 1. Un D12 plus 1. T'as le mode automatique, hein, t'as vu ? Ça te ouais. met un moins 2 au tir. Bon, putain, Eva, elle rigole 0. Ok, bah tu. Wow. Donc tu fais 12 de dégâts en fait. Et as-tu un pneu ? Effectivement, t'as un pneu qui éclate. T'as un pneu qui éclate. Tu vois le véhicule qui commence à partir un peu en freestyle. Tu as des tirs en riposte, mais qui sont du coup qui sont loin de la voiture, étant donné que le mec a pas le total contrôle de son véhicule. Dash, c'est à toi, du coup. Tu m'as dit que tu voulais tirer avec ton véhicule. Pareil, mec, une roquette. Putain. Ok, et bien du coup, pareil, ça va être du coup. Mais là, tu as tué plus qu'un pneu, là. Pour tirer, c'est sens plus solo. Sens plus solo, ah, je suis fort. Ouais. Bah oui, c'est. En vrai, ton personnage, il sait faire des trucs. Bon, très bien. Fais-moi ton jet de dégâts pour. Attends, bah... genre. Ah, pardon. Ça fait... ça... C'est vert, pardon, pardon, pardon, pardon, t'as raison. Okay. 11. Donc, 11, donc t'as une, un avantage. Et j'ai donc... aucune idée des dégâts parce que je sais même pas quelle arme j'ai. Ah putain, oui, c'est vrai que je t'avais laissé. Il y a écrit blindage, arme turbo. Aïe. Donc j'ai des armes avec un S. Je vais te dire ça, excuse-moi. Sinon, je fais pareil, je lance 2D12. Hein. Non, non, c'est ouais. Pas, peut-être pas ça. T'as dit que c'était le van des Tortues Ninja, normalement, il lance des plaques d'égout, hein, dans mon souvenir. Super. J'ai pas vu, mais en fait, j'ai un drone. Ouais, j'ai... t'as un drone, en fait, t'as plein de trucs. Hein, mais... J'ai deux drones, mais je t'ai pas lu jusqu'en bas de la page. Ouais. J'ai deux drones. J'y peux pas grand-chose. Hein. Le drone, il a des mini-canons qui font un D8 déjà. Donc là, ouais. J'ai un gros van. Tu feras pas les deux, mais oui. Non, mais il fait... et c'est un des gros canons, donc c'est déjà ah, oui, un D8. Oui, oui. Enfin, un D12, je pense. Je vérifie, mais normalement, c'est ça. T'allais dire, que t'aurais pu faire mumuse avec ton drone depuis le début. Fais un D12, Coco. Un D12, Coco. Ok. Tu visais le véhicule qui était déjà endommagé ou pas ? Je visais le coffre derrière, enfin le truc. Ok, bah, t'as le coffre qui explose, le véhicule se soulève, va quasiment tu vois, se retourner, t'as l'avant qui est quasiment parallèle au sol. Et puis finalement, il retombe lourdement. Okay. Et ben maintenant, on accélère, on met plein gaz. Mais on est toujours. Interroger ces gens-là. On est toujours à quai, là ? À quai ? Moi, je suis en mouvement, hein. Je me suis pas arrêté. Il roule, en fait, hein, depuis tout à l'heure. Hein. Oui, mais non, mais t'as bien dit qu'on était inondé d'eux-mêmes. Oui, alors j'ai dit qu'il n'y avait pas d'influence, en fait. J'ai juste, je vous ai fait passer le message, mais ça n'a pas réussi à vous perturber. Ok. Donc, il y a une incompréhension. Ouais, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, dis-moi, James. Qu'est-ce que tu mais c'est bon, du coup, c'est bon. Ok, Igor. Bah, si on est en mouvement, là, il y a encore une voiture qui est en apte. Il y a encore une poursuivre et une voiture, donc celle qui a la roue. Si tu veux, il y a des sacs à vomi sur le côté. C'est ça. Non, non, écoute, je vais participer à la fusillade. Oui, oui. Bah, si elle est derrière nous, j'ouvre la porte arrière. Du coup, c'est sans solo et difficulté 4, toujours. Hein. Quel véhicule sens. Tu vis celle qui a la... Alors, tu vis celle qui a le pneu éclaté ou tu vis celle qui roule plus parce que elle a pris une roquette. Le pneu éclaté, je vise au niveau du pilote, quoi. Ok, d'accord, très bien. C'est pour mieux l'interroger. Inspecteur. Du coup, c'est sens. Voilà. Plus... C'est sens plus. C'est l'inspecteur de ton relance, cœur. Relance. Oui, je suis obligé. Tu relances ou pas? Ouais. Ah bah oui, là t'as fait des dégâts, t'as tort. Voilà. Oui. 7, 15, du coup ça on va. Est sur deux avantages, c'est ça hein Ouais, mais moi j'ai mon arme fétiche. Très bien. Eh bien ah, moi aussi j'ai une arme fétiche d'ailleurs, ça sert à quoi? C'est, t'as une arme, donc par exemple ton arme de poing, là, sûrement, et eh bien t'as un plus 1 ouais. Quand tu tires avec. D'accord. Du coup tu tirais avec ton Militarm Angel Fire, j'imagine? C'est tout à fait ça. En fait c'est même pas, c'est pas un flingue toi, c'est juste tu sors ton bras est un... Mon bras. C'est un bras canon, quoi. T'es venu de nulle part, cobra. C'est ça putain, cobra, quoi. Donc, comme il a deux avantages, là, tu peux décider un peu de ce qui va se passer. Bah, tu me dis, du coup... Bah, je visais la tête du conducteur. Waouh. Fais-moi les dégâts. C'est donc, du coup, D6 plus 1. Mais ça va être décevant, les dégâts, je pense. En toute simplicité, je veux viser la tête. Donc, 5 de dégâts. Le mec, bah, tu vois, en fait, tu as la moitié du... Entre les deux yeux. Tu vois la moitié du crâne qui part, mais c'est un androïde. Du coup, tu vois des étincelles, surtout. Des étincelles, ok. Et tu vois que, en fait, ça, le van part dans tous les sens, quoi. Quand même, ok. Bah, je hurle à Dash, peut-être, de s'arrêter. Vu que les deux véhicules sont hors d'état de nous poursuivre. Et puis, ils vont jouer. James, du coup, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, moi je suis en PLS, moi c'est une pleine phase d'action, je sais pas trop quoi faire. Tu peux faire des choses, normalement t'as un flingue, hein, si je dis pas trop. Ouais, bien sûr, mais bon, il y a les roquettes et les canons de la mort, là, je les laisse faire, là, je suis. C'est pas mon. On arrive au niveau des infos qui peuvent. Parce que bon, on est en train de faire un énorme feu d'artifice au milieu de la route, là. Brouille les caméras, j'en sais rien, un truc. De la sécurité. Ouais, j'utilise le brouilleur d'identité pour pas qu'on soit reconnu au pire. Ça va être ouais, c'est pour toi en fait ça, mais c'est ouais, c'est unique. Personnel. Après tu peux par contre attaquer aux caméras et faire en sorte qu'elles filment plus quoi. Ouais vas-y. Tu ouais, prends ouais. Ton pistolet. Non. Fais-moi un jet de sens plus hack. Ok. difficulté 5, parce que vous êtes en mouvement, il y a pas mal de trucs. Tu relances ou pas? Ouais, vas-y, ouais. Vas-y, let's go. C'est bien, foiré mes petits. Hop, t'as un point de... Ok, bah tu arrives sans problème, tu vois toutes les caméras se tournent en fait dans des sens différents. Ok. Ok, eh bien c'est à eux, ils vont peut-être tirer un peu quand même. Pas déconner, non. Hein. Ils ont pris cher leur mère. Ils sont plus que 5 du coup. Je vous rassure, à côté de armes et tambour, il y a écrit blindage sur le cœur. N'ayez crainte. Tout moisi le G. C'est ça. Alors, on a un qui fait 4 quand même. Hop. Du coup, ça va être les dégâts de lui. Ah, j'ai pas vu, j'ai plus 2 en pilotage pour les manettes. C'est ça. Faut juste m'affiche peut-être. Ouais, c'est possible. Tu sens, tu sens un de tes pneus qui a pris un shtar dash pendant que tu roules. T'entends un shtunk et tu sens, il roule encore, hein, ça, mais ça caote un peu quoi. Putain. On va tout défendre là. C'est pas facile. Ils ont volé notre technique. C'est ça. Ils ont copié, ils se sont dit putain, ils sont pas mal efficaces. Copieur. Ok, donc lui fait 4, donc il va refaire des dégâts aussi. Oh, putain, ils tapent pas mal. Hein. Ils veulent pas faire comme nous et tirer sur les passagers plutôt que tirer sur le. Bah, écoute, en fait, là, tu vois, en fait, t'as. T'as une balle qui effectivement en fait tape dans le pare-brise arrière, non, dans la vitre arrière, c'est pas un pare-brise du coup, qui tape dans la vitre arrière. Tu entends une fêlure et tu te doutes que peut-être au prochain coup, ça risque de sauter quoi. Alors ouvrez les portes derrière, comme ça ils tireront pas dans les vitres. Ah oui. Hop. Non. Que des épaules près les gars. Tu as ton rétro qui saute, le comment dire, tu sens que ton van chéri commence okay, à... Ok, bah je gueule. Bon c'est bon, fumez-les, on arrête. Tant pis pour l'interrogatoire. Il en reste un si je dis pas de bêtises. 1, 4, c'est ça. C'est chiant de... J'aurais dû mettre des... Ok, bon. Ils sont 5 quand même. Ouais. Mais ils prennent... Ouf. Et lui, bah pareil, t'as ton antenne du toit qui saute, quoi. Je peux pas essayer d'hacker leur système de visée? Ils sont culés quoi. Là, ils visent avec les yeux, donc a priori pas trop. Ah ouais, merde, putain, ils ont des vrais yeux les cons. Je veux hacker les yeux. Après, tu pourrais éventuellement. Ils ont peut-être des puces de tir quoi, je sais pas. Eh bien, c'est à vous. Et là, ils sont tous en train de se plus ou moins sortir et ils commencent à vous canarder quoi. On est dégâts. Tu... Ouais, mais on est 3 contre 5. Vraiment. Que fais-tu d'âge du coup? Bah, si j'en ai qui sont à portée de roquette, je balance. Faut que tu fasses demi-tour, mais tu peux me faire une manœuvre pour ça. Ils sont tous derrière? Bah du coup tu les as dépassés, t'es parti en... Ouais, ça marche. Bah, en bah tour, manœuvre frein à main et double roquette alors. Waouh. Tu vas me faire un petit cascadeur agilité. Waouh. Difficulté, difficulté 5 parce que c'est pas quand très t'as bien. Le pilote qui fait un frein à main pour sortir un roquette, waouh. Bravo. Ah ouais. Attends, si je fais 8 à cascadeur... T'améliores les trucs à chaque fois, les macros, tu bosses dessus depuis tout à l'heure. Donc 9. Ah non, c'est le même depuis le début. Hein. Ah non, c'est le même depuis le début. J'avais pas tout... Donc 9 en agilité. Ah non, bah non, 11 puisque j'ai plus de manœuvres. C'est ça, tout à fait. J'ai une difficulté à 5. Tu as... Ok, décris-moi comment ça se passe. Quelle manière. Et bah, comme j'ai dit, c'est frein à main. Une fois que je suis là-bas et que j'ai fait demi-tour, je m'arrête, je ne redémarre pas. Ok. Et vu que ça a freiné pile correctement, je suis en face et double roquette. Ok, très bien. On va pouvoir interroger personne. Fais-moi un jet de sens solo, s'il te plaît. Difficulté 4. Attends, je vais juste mettre... Je regarde quand... Attends, je voudrais pouvoir ressortir le speech du réplique. Je voudrais pas mourir avec moi. Vas-y. Je me prends un plus 1. Ok. C'est quoi, c'est sens solo? Sens solo pour tirer, ouais. Sens solo pour tirer à chaque fois, de toute façon. Yes. Yes! Bah, attends, je prends les 4 dernières énergies et je relance. T'as besoin non, les 3 derniers. Les 3. Et là, j'avais dépensé 2, c'est ça? T'avais dépensé. Plus 1, c'est 2. Ouais, je sais plus, mec. Plus 1, c'est. Non, plus 2. Hein? T'as plus 1 là. Non, tu relances. Là, tu relances si, juste. Bah, je sais pas ce que j'ai dépensé 2 pour faire plus 1. Donc c'est mort et en même temps, je dépense 3 pour. Enfin, les 5. Ah, t'avais dépensé 2 pour faire plus 1, d'accord, ok. Ouais. Oui, ok. Allez, on relance. J'ai pas entendu. Allez. Yes! Yeah, wow. Bon, fais-moi les dégâts de ton. Fais-moi les roquettes qui sont grippées là. Non, non, elles sont pas grippées, non. Putain, ça va. Bah si, ça va, ça va péter, je sais pas où quoi. Je fais quoi en dégâts? Fais-moi les dégâts de tes roquettes que t'as fait tout à l'heure. C'était un dé de fer. Bon, en même temps, c'est un one shot, hein. Oui, ça va. Je suis déçu de ouf, quoi. Après, j'avais dit double roquette, hein. Je peux lancer deux roquettes si tu veux. Tu peux, hein. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Moi, je sais. En fait, vous. Alors, vous allez tous me prendre 4 de dégâts. Donc, c'est des dégâts, comme on a expliqué, c'est des dégâts de stress au début. Ouais. En fait, au moment où tes roquettes sont parties, t'as des mecs d'en face qui ont commencé à sortir leurs armes et à arroser, et les roquettes étaient à mi-chemin, on va dire, et ont explosé. Vous avez pris du souffle, quoi. Et vous êtes tous plus ou moins. J'ai encore perdu un pare-brise, quoi. Vous êtes tous plus ou moins soufflés, et effectivement, tu as les vides de ton van qui ont fini Je tiens à vous dire, tuez-les parce que le prochain coup, je fais bélier. Hein. Bah on sort, ouais, en tout cas. On sort, là, on peut le faire. Eva, dis-moi, vas-y, raconte-moi ce que tu fais. Ah, je sors très vite de la voiture et puis je cours sur les. Enfin, je tire sur les autres qui sont sur nos opposants, là. Ok, vas-y, je t'en prie. J'essaie plus de les blesser que de les tuer. Ok, bah vas-y, de toute façon, on s'arrangera. Ok, tu arrives à en blesser un, vas-y, fais-moi ton jet de dégâts. 8. Ok, bon, y en a un que tu éclates en fait. Tu vises bien la jambe, mais la jambe part. tu sais qu'il va, il va pas passer, il va pas rester longtemps en vie, quoi. Faut vite l'interroger. Igor. Pareil, je m'exfiltre du véhicule, je progresse aussi vite que possible en direction des deux autres et je fais feu. Fais feu de tout bois. De tout bois. Bon. De tout bras. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. Et oui. Moi, c'était Sens et solo. Et n'oublie pas que tu as un petit plus 1 du coup, étant donné que c'est une arme fétiche. Mais il intervient. Ouais. Tu t'es pas obligé de le mettre, mais il faut y penser, quoi. Ouais. Là, tu fais 4 par exemple. Putain de la merde. Ah, il a raté. Ah non, tu fais 4 du coup, avec le plus 1. C'est mieux que double. Si je dis pas de bêtises, hein, Edgar. Oui, oui. Oui, c'est ça. Je sais pas. Ouais, donc là, t'es à 4, et donc du coup, tu peux me faire tes dégâts. Donc D6 plus ou D8, D6 plus 1. Ou alors, tu peux décider de mettre la moitié des dégâts, si tu veux, du dé, sans les jeter. Ouais, mais c'est pas drôle. Oui, c'est pas drôle. Attends, il y a la musique qui va avec. D6 plus 1, voilà. Donc 7 de dégâts. Waouh. Pareil, ta cible explose, littéralement. Et tu vois que les autres commencent à s'enfuir, en fait, à pied. Genre, ils commencent à bouger. James, qu'est-ce que tu fais? Bah, je sors le flingue et j'aide les collègues. Ok, très bien. Vous voyez, il en reste 3 plutôt en forme. Et il commence à s'enfuir. Hein. On va essayer de l'attraper, non? Coup, James va leur tirer dessus déjà. La puce de tir shooter alpha, là, ouais, ça sert à quoi? Ça te fait un plus 1. Ok, donc ça va être avec quoi pour utiliser le sans Cobra Pistol? Sans solo, ok. Donc t'as 4, donc 5 du coup. Ouais, en fait, donc ça passe. T'as un double ouais, 3. Ouais, c'est plus 1 et avec l'arme c'est plus 1 de. Enfin, donc le, ça passe la et puce. Du coup tu peux me faire les dégâts. Et je crois que ton arme okay. est C'est 8. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est un D8, ouais. Ouais. Ah mince. Ah mais c'est parce que moi je veux pas tuer moi. T'en as un, tu le blesses. Tu le blesses bien. Où d'ailleurs, dis-moi où tu le blesses. C'est bien, James. Au niveau des côtes. Ok. Pour l'empêcher de fuir. Au niveau des organes vitaux cachés sous les côtes. Très bien. Vous voyez qu'ils commencent à tirer derrière eux, et puis finalement, en fait, ils voient que vous êtes sur leurs talons. Ils mettent les bras en l'air. S'il vous plaît. Et ils se rendent, quoi. Je remets le contact, je fais bélier. Mais on était devant, du coup, c'est nous, on se prend la première rangée de voiture, direct. Fais-moi juste un jet de... Ben, le même jet que manœuvre... Agilité, je sais pas quoi, non. Et cascadeur. Agilité, cascadeur. On va voir s'ils arrivent à esquiver. Oh, ça va faire mal, ça. Oh là là, c'est... Aïe, aïe, ça ne fait que 6. J'ai fait 6, moi. Non, tu fais 4. Mais non, manœuvre, ça fait 6. Non, tu fais 4, t'additionnes pas en fait. Et oui, ouais, j'ai plus 2 en manœuvre. Ah, t'as plus 2, pardon. Ah oui, beau gosse. Ok, donc il y en a un qui a pas réussi à esquiver. Donc il y en a un, tu lui éclates sa mère. Il y en a un autre, tu lui éclates son père. Oh, le bruit, ça doit être sympa. Oh, ah, bah tu les exploses tous, quoi. Tu les exploses tous, quoi. En chantant, c'est comme une boule de flipper. Je suis comme une boule de flipper. Ouais, en fait, il n'y en a plus qu'un vivant, c'est ça ? Celui qui est blessé gravement et qui est en train de se faire. Il a mal aux côtes. Eva, tu le tues pas. Bon, bah, et du coup, il agonise. Et bien, nous le chargeons dans notre van. Il va pas. Vous allez pas le poigner. Peut-être poser des questions avant, hein. On va peut-être le soigner. Vous pouvez pas, vous allez pas pouvoir le charger. Vous savez que là, si vous bougez, il est mort, quoi. Il décède, ok. Alors, qui sait soigner les gens ? Bon, on a plein de produits là, dans cette époque, non ? Il n'y a pas des flingues, des seringues, je sais pas quoi. Bon, j'ai Walou. J'ai un taser. Moi non plus. Eh ben, je grille. Non, mais je grille un point d'énergie, j'en ai. Moi, ouais. J'ai un taser pour défibriller un truc, là. Tu me fais okay. Un petit jet d'agilité agilité solo, on va dire que ça va servir à réparer aussi à tuer, ça. Ça me plaît bien. Tu veux un jet d'agilité ? Agilité solo, ouais. Pour voir comment tu t'en débrouilles pour... Il va vouloir lui réparer la jambe, il va lui ouvrir la gorge. Fais-moi, voilà. Fais-moi un petit D4 pour voir comment tu le... Parfait. Très bien. Tu arrives à le stabiliser pour l'instant, quoi. Bien joué. Mais tu sais qu'il a plus longtemps à vivre. Du coup, vos questions, faut vous dépêcher. Qui es-tu ? James, à toi de jouer. C'est quoi, moi ? Bah, James, oui. C'est pas moi, le détective ? qui es-tu ? Non, le détective, c'est qui déjà ? Oui. C'est Igor. Igor, allez, Igor. Je te laisse faire. Angoisse, attendez, j'étais pas prêt, moi. Non, moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt, c'est pas grave. Qui es-tu ? Vas-y. J'ai des questions très importantes, moi. Qui va payer l'assurance de mon van, tout ça. Je suis Boris. Boris ? Et voilà, c'est la faute des Russes, j'avais dit. Pourquoi tu nous suis ? Réponds vite. Récupérer Alban. D'accord, qui t'envoie ? C'est Helmut. C'est qui Helmut ? Le gros. C'est vraiment son nom, en fait. Ouais, Helmut le gros. Oui, c'est un mec. Et pourquoi vous voulez le chercher ? Parce qu'on doit... Dis pas que t'es obligé, hein. Oh, la phase des films toute pétée. Je me casse. T'es quand même une meilleure mort que... Non, on saura même pas quelle est leur assurance pour mon van, quoi. Non, mais tu gères ça avec... Ah ouais, ça frappe là où ça fait mal direct. Pardon, il y a Helmut qui veut récupérer... Alban. Mais nous, on le détenait pas de force, là, on est d'accord. Non. Il a dit... Bah, parce que... Alors, le premier message, c'est donnez-nous Alban, quoi. Genre, et puis, on va vous buter, ou on va le buter, je sais pas. Dans les mêmes, quoi. Donc, Helmut est avec l'autre clone, on est d'accord. Oui, ou c'est lui, ouais. L'autre clone. Ah non, il se serait pas appelé Helmut le Gros, c'est ridicule. Si tu te donnes un nom, tu t'appelles pas Helmut le Gros. C'est un clone dégénéré, bah ça va. Allez. Bon. Bon, du coup, vous faites quoi ? Oui, c'est pas tout ça, mais. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on va chercher Alban, on va voir Alban. On change la roue déjà. Ouais, bah, ils sont tranquilles, hein, t'as des drones qui peuvent se faire ça nickel. Mais tu peux me faire. Attends, non, je suis salaud. Oh, le salaud. Je suis salaud. Fais-moi un jet de tech et d'agilité avec. Pour savoir si la roue n'a pas été percée durant la roue de secours, durant l'assaut. Alors, yeah, tech, ça marche bien. Alors, tech, c'est raté, mais reste agilité. Ouais. Allez. Bon, c'est nickel. T'y arrives. Ta roue est comme neuve, voire même mieux. Ok, bah, je répare tout le camion alors, comme ça. T'as pas le matos, t'as pas le time. Vous allez voir où ? Ouais, Alban, il sait où c'est, Helmut ? Vous avez dit que tu savais où il habitait ? On connaît le quartier, ouais. On va y aller, de toute façon, au pire, il devra livrer Alban s'il paye plus cher que. Il y a quelqu'un qui a un attribut rat des villes, si je ne dis pas de bêtises. Oui, au hasard, James. Oui. J'ai plus de hôtesse de ragot et de connaissance de la rue. Ça, c'est beau, ça, non ? Bah ouais. Tu vas me faire un petit caractère fixeur, s'il te plaît. Caractère fixeur ? Ah ouais. T4. Ok. Okay. Je suis sur un bel écran blanc, moi. Ah bon? Ouais, moi, nous aussi. Ah oui, c'est normal, ouais. C'est normal. Ok, donc 6. Parfait. Et tu peux même le relancer, si tu veux. Ça serait bien qu'on trouve le loot. Grave. Okay. Ça fait 3. Non, ça fait double... Ça fait échec critique. Ça fait échec critique. Ah. C'est pour ça que j'avais... Le scénario est terminé. Parfait. Mais c'est lui, il m'a dit relance. je suis con, moi. Tu as des points d'énergie ou pas? Tu sais, moi... Ah bah moi, ouais, hein. J'ai bon, Alban, on est désolé. J'ai dépensé 5 énergies pour faire un clé. Non, mais on est désolé, rien du tout, j'ai plein de preuves. Si, voilà, je balance tout aux médias, tu donnes 20 millions, et puis voilà. Allez, non, c'est bon. Pas de soucis, en fait. Ne t'inquiète pas, vous allez le trouver. Vous allez le trouver, le copain. Mais c'est lui qui va nous trouver. Tintintin. Non, non. On est d'accord que notre Alban, je sais pas lequel on a entre les mains, mais on l'a mis au jus. Enfin, moi, je l'ai mis au jus, en tout cas. Il y a son pseudo-pote qui essaye de le choper, là. Ouais. Et qui est probablement, du coup, avec son clone qui essaie de le mettre à l'envers, quoi. Ouais, et que si... Alban, il vous demande de le laisser là, il veut rentrer chez lui, là. Il est en danger. C'est pas une question, c'est plus en sécurité avec nous. Non, vu ce qu'il a vu. Il vous pose pas la question, il se casse, quoi. Genre, il se bat. Eva, tu peux le rattraper, s'il te plaît? Vise les jambes. Oui. Laissez-moi tranquille. C'est lui qui paye, c'est lui qui paye. Il y a les flics qui commencent à arriver, de toute façon, sur place et tout. Il commence à se barrer, il dit, foutez-moi la paix. Qui, Alban? Oui, Alban. Ah, ouais, avant de partir. Il reste là. Avant de partir. Les coups de taser. Ok. Ah, je m'écoute taser, il s'en va pas. Hein. Oh bah vas-y. Oh, il m'en dalle direct. Hein. Fais-moi un jet du coup. Ah bah tu veux, ouais. Fais solo, ce que tu veux. Solo et force du coup. Solo et force. Voilà. Elle est au sol, Alban. Ping et pas bouger. Mais non, c'est une égalité. Bah quoi? Il a pas un plus 1. Non. Égalité de quoi? Bah, c'est un jet d'opposition. Bah, il se défend, quoi. Il va pas se laisser faire, il a pas envie. Eva, tu me dis. Je recommence. Mais non, mais il faut qu'il se casse. Bah, vous entendez pas son point. Je lui ai 3 points de 2 points, là, d'accord? C'est ça? Ok, facile. Vous commencez à entendre les pimpons et tout de la police. Non, non, non, il s'en va de quoi? Il s'en va de rien du tout. Il veut se barrer, il en a marre de vous. Il y a moyen que je le mette en V. Allez, et voilà, il a perdu. Vas-y, bah, oui. Écoute, il va se défendre encore. Hein, De quoi qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, Alex? Non, non, tu arrives à le taser, quoi, effectivement. Tu ah, oui. À peine, je ne peux pas. Moi, j'ai réussi, j'ai fait 8. Donc ouais, c'est bon, t'as réussi. Ah, nickel. Donc, t'as relancé les dés quand même derrière. Hein. Ah, bah, bien sûr, il se défend, mais il a pas envie, lui, d'être avec vous. Et là, vous avez les flics au cul, du coup. Eh bien, c'est très bien, on s'en va avec Alban et on laisse la voiture. Et... Fais-moi un jet de manœuvre, du coup. Comment ça, on laisse la voiture? Non, il s'en va, on monte dans la voiture avec toi, tu vas nous les larguer les flics. Vas-y. C'était de la gnognotte pour toi. Heureusement que t'as pensé à réparer le pneu. Tortue ninja. Allez. C'est bien, One Shot qui se finit en prison. Ah, super. Bah, c'est mieux qu'à la morgue. Vas-y, lance ton jet d'âge, s'il te plaît. Jet de quoi? Bah, toujours agilité. Ah, de voiture? Et cascade. Jet de voiture. Jet de voiture. 8. Bon, t'arrives à aller semer sans trop de problèmes. Et vous finissez par aller le quartier qu'on vous a donné pour... Tout. C'est le final. Ouais. Cliffhanger. Hop. Amevec. Si on trouve pas le deuxième clone qui a tout commandité, je serais super déçu. Ouais, j'espère que vous avez un tout peu de temps. C'est pas pour très long, hein, mais... C'est Alban qui prendra tout. Hop. Donc, normalement, vous avez des trucs qui sont apparus sur votre page. Ouais. Ok. Eh bien, du Oula, coup, attends, vous êtes ça reçu, fait peur, ça. Vous êtes reçu par, eh bien, en fait, vous arrivez du coup dans un espèce de, What un espèce de quartier. Elle moute le gros, putain. C'est pour ça, le gros. En fait, c'est ça. Et du coup, en mais fait. Mais moi, j'ai rien, wesh. Si bon, bah, au milieu. Si dézoome et rezoome. Bon. Ah, trouve-le dans le blanc. Là-haut. C'est ça. Ouais, c'est bon. J'ai dézoomé comme apport. Ouais, c'est bon. Du coup, en fait, au moment où tu demandais dans la rue un peu sur les réseaux où tu pouvais trouver James le Gros, non, mais Helmut le Gros, James, tu as des gorilles au sens littéral qui vous ont dit que Helmut était prêt à vous recevoir dans sa bio. Je ne prends pas en V1, lui. Hein. Et donc, en fait, vous êtes reçu. On vous fouille, on vous retire. Est-ce qu'on prend le bain avec nous? C'est on le planque pas quelque part. Non, on l'emmène. Ouais, bah non, mais parce que non, c'est trop tard, les gars. Vous me l'avez pris avec vous. Vous gardez. Oui, mais... Il y a eu un échec critique. On l'emmène. Un échec critique, il me serve. D'accord, ok. On est vraiment des boulets, quand même. Non, j'ai essayé de vous... Bon, j'ai essayé de vous sauver les fesses, tant pis pour vous. D'accord, ok. Vous avez voulu le taser, vous l'avez tasé, voilà. Il est... Oui, mais l'objectif, c'était pas de l'amener au mec qui le cherchait. Mais oui les gars, il a fait une recherche de... Il a fait une recherche dans la rue, il s'est foiré critiquement de manière... Non, ouais, on l'emmène, carrément. D'accord, ok, ça va, allez. Tu veux dire qu'à la limite, quand on est arrivé, ils sont autour de nous, il est là devant nous. Quand on est arrivé, on s'est dit... En fait, t'as trop fait de PTBA, toi. En lui livrant, quoi. Attends, c'est parce que moi, il y a 4 jours, j'ai fait une recherche pour savoir où il pourrait être. Pourquoi il y a 4 jours? C'était il y a 10 minutes. Il y a 5 minutes, même pas. C'était ton dernier jet, là. Oui, voilà, ouais, t'as fait un échec critique. Ok, d'accord. Je vous casse la gueule. Non, tombe sur lui, c'est ça. Okay. Vous tombez sur lui, en fait. Voilà, c'est ça. On tombe sur lui, merde. On le cherche, mais on tombe directement sur lui avec Alban dans la voiture. On est d'accord. Mission accomplie. 10 000 crédits, s'il te plaît. Et donc, Alban finit par vous recevoir. Helmut finit par vous recevoir. Bon, j'ai un truc à vous dire. Helmut, c'est pas le clone de Alban. Ou alors, c'est un clone bien raté. Hein. Bien vu la bug. Et donc, il vous fait rentrer dans sa pièce. Elle est belle. Hein. Vous me cherchiez les grenades? Ça y est, ça tourne. Oui. Ouais, tu tombes bien en fait. Hein. J'ai pas amené mes bananes avec moi, mais. Waouh! Wow. Wow. Je laisse Eva devant. Ouais, pareil. Alban, je lui mets le flingue sur le katana. Il a le katana sur la gorge. Mais non, mais Alban, il le voulait. Mais je savais que. Peut-être qu'il le veut vivant, j'en sais rien. Non, je le voulais mort en fait. Mais bon, vu que vous êtes là. Tant mieux. Alors, tu nous payes combien pour qu'on le tue? Et je vous paye pas, vous êtes là. Au pire, je vous descends avec lui, comme ça, ce sera gratuit, non? Ça va pas le faire, ça va te coûter cher. Bref. Qu'est-ce que vous faites avec Alban, en fait? Vous faites quoi? Même question, pourquoi tu veux Alban? Parce que l'histoire est un peu compliquée. On a notre temps. C'est vrai? Oui. Bon. Temps de recharger mon flingue. C'est pas le vrai. Ouais, non, restez debout. C'est pas le vrai Alban que vous avez. Bah ça, on sait déjà. Mais il a gratté le numéro de série. Ouais. Mais qu'est-ce que vous savez du coup sur cet Alban-là? Bah, sur l'histoire des Albans du coup. Bah, c'est un fork. Je sais tout. Je lui raconte toute ma théorie. Sur là, c'est. Alors, du coup, ta théorie, si je dis pas de bêtises, dis-moi, à un moment, si je me trompe, dis-moi. Il a fait un fork pour céder parce qu'il galérait dans son taf. Ouais, il comptait le désactiver et en se disant que puisqu'il n'y avait pas de sauvegarde, il allait oublier qu'il avait fait un fork et après il s'est barré. Ok, et voilà. En fait, c'est l'inverse. Pas mal, mais pas loin. Mais pas mal. C'est juste que la désactivation n'était pas prévue et que un détail l'a empêché de... Enfin, il voulait pas partager l'Ilma. Beaucoup trop fort. Mais hop, il vous dit le principal intéressé vous expliquera ça mieux que lui. Laissez-moi la sauvegarde. Et pourquoi faire? Parce que je vous le demande gentiment. Si j'ai demandé gentiment, pourquoi faire? On sera quand même payé. Oui, vous serez payé, vous avez résolu l'enquête, non? Bon, allez, les gars, en privé, je dis, les gars, vous prenez pas la tête, avec tout ce que j'ai sur eux, il y a moyen qu'on ait beaucoup plus que 10 000, hein. Oui, mais si on ressort vivant. Oui, oh bah, tout de suite, hein. Alors, mais il est où, le vrai Alban, en fait? Eh bien, il est pas très loin, les gars. Il s'est fait virer de chez lui, et il a commandité Helmut, son vieux copain, pour récupérer la copie. Il vous amène, du coup, dans le bar qui est attenant à sa piole, quoi, globalement. Dans le quartier là, que normalement vous êtes sur une nouvelle page, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, oui. Il vous fait rentrer dans le bar avec lui, donc tout le monde ferme sa gueule quand il rentre. Et en fait, vous voyez le. il vous fait avancer dans le bar, il faut aller jusqu'au fond et après il faut que je change de couche et que je fasse un truc. Et vous voyez du coup cette piole là donc qui est complètement dégueulasse quoi. Et hop, et donc Alban, mais pas du tout dans cet état là en fait. Et sans, arrivez, du coup, et sans les signatures. Sans les signatures, tout à fait. Et du coup, en fait, vous arrivez face à ce Alban-là qui est complètement dans un état déplorable, quoi. Genre, vous voyez qu'il est bourré de cachetons. Vous n'avez pas l'impression qu'il ait dormi puis mangé ou mangé depuis plusieurs jours. Et quand il vous voit, en fait, quand vous entrez, il est en train de faire les 100 pas en enchaînant les clopes et tout. Et il se retourne vers vous, il pointe un flingue, en fait, les yeux un peu fous quand vous rentrez dans la pièce. Il dit, vous êtes le parti dissimulé, c'est ça ? Vous m'emmènerez pas, hein. Ah, mais nous, on est avec le gorille, nous. Ouais, grave. Et vous voyez, effectivement, vous voyez... T'inquiète, Pélo, on bosse pour toi. Helmut qui passe, t'inquiète pas, Helmut, tout va bien, calme-toi. Non, non, non, t'es avec eux. Vous êtes là, vous avez un message, c'est ça ? Vous m'aurez pas. De toute façon, vous pourrez pas m'emmener. Attention, il y a plus de sauvegarde. Et il y a plus de clones. Il y a toujours des sauvegardes. J'ai toujours des sauvegardes. Il est où le nôtre d'Alban ? On l'a traîné ou il est dans son corps ? Que quelqu'un fasse un sens fixeur, s'il vous plaît. C'est moi. Difficulté. Laissez-moi passer. Tiens. Ouf, oui, ça c'est bon. Tiens, ferme-la. Tu veux relancer un ou pas ? Tu veux relancer les deux ? Relance le 6. Oui, je relance le 6. Oh, c'est pas drôle. Putain, il peut relancer les deux. 9. Du coup, t'es à 9, tu peux relancer ton 8, du coup. Relance le 8. 14, parfait. Donc, tu vois que il finit par... tu vois le même tic nerveux, tu vois. À renifler souvent, à se frotter les narines et tout. Comment tu le calmes ? Comment tu le fais que baisser son arme et tout ? Dis-moi. Attends. Attends, parce que tu m'as dit, là je l'ai percé à jour, il a l'air ultra stress. Mais il a le même tic que tu avais déjà noté avant, en fait. Moi je veux le rassurer en lui montrant qu'on a l'autre, quoi. On range nos armes. Oui, déjà, ça c'est sûr. Non, mais il est psychotique là. On fait tu voulais montrer l'autre Alban, c'est ça ? Bah, genre, qu'on ouais, livre. Bah, enfin, c'est bon, il est hors de danger. Il se calme, effectivement, il se calme direct. Il fait ouf. Eh bien, les gars, vous m'avez rendu un fier service. Il commence à pointer son arme dessus. Vous faites quelque chose là ? Non, moi j'ai compris. Je m'en écarte et je le laisse au sol. Est-ce que... Non, c'est pas possible de choper sa sauvegarde le plus rapidement possible et le discrètement, c'est impossible. Non, c'est pas possible. Sa sauvegarde, il faudrait que tu retires sa pile, en fait. Même avec des points d'énergie ? Même avec des points d'énergie. En fait, il faut un matos ultra spécialisé. Ouais, ok. Mais si on lui coupe la tête, t'es bon ? Non, mais c'est là où il veut tirer, lui. Ouais, c'est là où il veut tirer, en fait. Écoute, moi, ça me va, en gros, ce qui se passe. Attends, ouais. Avant. C'est le clone qui nous a embauchés pour 50 000 crédits. Oui. Rien, c'est tout. Je voulais lui dire. À moi ? Non, Alban. Alban. Non, Alban, il est en train de lui dire qu'on a été embauché pour 50 000 crédits. Mais nous, on bosse pour Alban, donc de toute façon. On bosse pour le clone. Ah, mais s'il a un petit peu d'honneur, il l'a su. Ouais, mais il a l'air complètement... Le marché, nous a dit qu'il nous paierait. Bon, on verra. Je sais pas. Même si on lui coupe la tête avec des points d'énergie, qu'on essaie de... On peut pas essayer de récupérer le truc, hein, c'est pas possible. En fait, c'est là qu'il va tirer, quoi. Son objectif... Ouais, il a envie de lui cramer la sauvegarde, justement. Ouais, tu retires la tête, il va se douter qu'il y a un truc qui va pas, quoi, et il va pas tirer dedans. Et il va pas être content. Bon, bah, vas-y, on lui laisse. Il y a intérêt à ce que ça soit... faire autre chose, hein. Mais, ah oui, ah si. Si, on fait dire un truc. On met les deux à poil, on regarde les numéros de série. Ah oui, carrément. Tu vas pas vouloir se mettre à poil, mais... Pourquoi ? Bah, on veut juste voir les numéros de série de chacun. Gentiment. Bah écoute, du coup... Parce que normalement... Je le calme en lui prouvant normalement, qu'on a l'autre. Tu l'as calmé, donc... En fait, qu'il avait raison, quoi. Celui qu'on vient de trouver devrait avoir, normalement, le... Le code barre. Le clone qui a disparu. Oui, mais du coup, ça voudrait dire que lui, c'est le faux. Ça veut dire que... Ou alors, c'est le vrai, mais il s'est enfui. Avec un clone ? Pourquoi il se serait enfui avec un clone ? Bah il se serait fait empoisonner avant ? Non, eh bien, vous avez réussi à le calmer, et a priori, vous n'avez pas... Bon, on le laisse tirer. Hein. Ah, vous le laissez tirer ? Vous êtes... J'ai l'impression. Ouais, moi, Pour moi, celui qui va se faire tuer, c'est le vrai, mais bon. Oui. Bah, moi, j'ai un doute, ouais. Moi, j'avoue que je m'en fous tant qu'on. Mais j'aurais bien aimé couper la. Non, mais si tu me dis qu'on peut rien faire, qu'on peut mais pas. Mais si, on peut faire des trucs. Mais est-ce que je suis en train de dire. Donc moi, j'ai à ce moment-là, avant qu'il fasse, qu'il tire, je lui coupe la tête avec mon katana. Non, mais ça n'a pas de sens en fait. Ça, pour le coup, je trouve que ça n'a pas de sens. Parce D'accord, que c'est là qu'il veut tirer. Après, ce que tu peux faire, c'est désamorcer la situation, lui dire de t'expliquer avant, lui casser la gueule pour pas qu'il. Mais si tu coupes la tête du truc, il va juste tirer dans la tête et. Et pendant ce temps, est-ce que je peux récupérer les infos de sa sauvegarde? Non, c'est mort, hein, ouais. Bon, moi, voilà. On peut pas vérifier le numéro de série quand même? La manière de le calmer, c'était de trouver qu'on a amené l'autre. Ouais, c'est ça. Vous l'avez calmé, donc en vrai, il va pas. Moi, je m'interpose quand je vois qu'il brade son flingue. Je lui dis, t'inquiète, c'est nous qui l'avons tasé. Ouais. Il est hors d'état de te nuire. Baisse ton pantalon. Le seul Alban existant à l'heure actuelle, et ça restera le cas. Mais juste, explique-nous, quoi. Montre-nous ton tatouage. Ouais. Bon, vous l'aviez calmé, heureusement. Hein, sinon, il aurait déjà tiré depuis 10 minutes. Mais il met son flingue à côté de son corps. Il dit, ouais, posez-le là. Bon, je vous explique. Le vrai Alban, c'est moi. Ça, on verra. Il montre le t-shirt et effectivement, c'est le numéro de série du vrai Alban, quoi. Ça veut dire quoi, du numéro de série du vrai Alban? Bah, du Alban numéro 1. Le plus 1, quoi, vieux. Genre, celui qui est. Ah, mais en fait, celui qui est mort, c'est le clone qui a été. C'est extrait. Okay. C'est le deuxième clone. Et ça, vous n'avez pas du tout vérifié sur le. Ouais, je suis en train de me dire qu'on n'a pas vérifié. Comme ouais, moi je me suis dit. Ouais. Et donc, il vous explique en fait. Il vous dit, bah en fait, voilà, il y a un mois, on a eu un afflux de commandes. J'ai pas réussi à gérer, mais bon, vous avez peut-être remarqué que bon, moi, je suis plutôt quelqu'un d'orgueilleux et de tatillon. Du coup, j'ai voulu faire face à la situation moi-même. Mais je nageais vraiment et mon boss était vraiment pas content. J'ai triché, quoi, je me suis forqué. Sauf que, en fait, est arrivé le jour J où on avait bien réussi à absorber toutes les commandes. Et du coup, j'ai fêté ça avec Lilma. Sauf que j'ai voulu fêter ça avec mon fork aussi. On avait quand même bien bossé. Du coup, je l'ai invité à la maison. C'est pour ça que tout était coupé. Je voulais que personne le sache et le voie. Et en fait, on est devenu un peu dingue tous les deux en voyant les sous-vêtements. On a pété un câble. Moi, je me suis rendu compte que je pouvais pas partager, même avec moi-même. Et en fait, on s'est battu. J'ai sorti mon flingue. Et... Pourtant, c'est con, elle vous trompe. Et je l'ai buté. Mais tant que je le savais pas, ça m'allait très bien. Sauf que. C'est pas la même chose de savoir que la personne qui est en face de vous baise votre femme, même si, bon, vous, j'imagine que pas trop, quoi, mais... Bref. Attends, donc tu l'as buté, et il y a une sauvegarde qui a été réactivée, t'as pas pu l'empêcher, c'est ça. Non, ça, c'est automatique. Et j'avais pas prévu de tuer mon clone, donc j'avais pas prévu de désactiver la sauvegarde. Mais du coup, j'ai dû... Je me suis appuyé sur le fait que, ben, le fork que j'avais fait, c'était avec un de mes clones. Jusqu'à vous me suivez. Et oui, du coup, j'avais complètement effacé des tablettes, le fait que je m'étais forqué, quoi. Donc, il n'y avait pas de clone qui était sorti. Du coup, celui qui était là, eh bien, il avait un numéro de série différent. Ok. Dur. Mais je pensais pas que, je pensais pas que ma sauvegarde engagerait des enquêteurs, quoi. Mm-hmm. Et ouais, surtout que 50 000 crédits, quoi. Mais parce que j'étais honteux, que j'ai tué quelqu'un. Ça aurait posé des questions. Ça veut dire que ta femme, elle a assisté au meurtre? Absolument pas. Elle était au courant de rien. Mais vous êtes nul, vous aviez qu'à le retuer une deuxième fois. Qui ça? Bah, le clone. Bah, il vient de le faire. Enfin, non, mais il vous savez, est-ce que vous imaginez ce que ça fait de se tuer soi-même ou pas? Non, d'ailleurs, on peut. Pour une petite ristourne. Non, je suis pas assez riche. Puis surtout, je veux te. Si, bah si, moi j'ai plein de. En fait. Je suis un droïde. Et donc Helmut là-dedans dans tout ça, c'est un ami de longue date et c'est lui qui m'a donc caché ici et je l'avais chargé de tuer ma sauvegarde pour que je puisse reprendre tranquillement et discrètement ma vie, quoi. Et vous voulez le payer combien? Ça vous regarde pas? Bah si, on va vous demander la somme. Parce que on vient de vous livrer, c'est vrai là. Mais vu que votre clone il était assez radin sur 50 000, je pense qu'on va être radin. En vérité, ça vous dit pas d'avoir des corps tout neufs? Bah, à vrai dire, le mien, il est super bon. Il rigole un peu, tu vois. Bon, c'est vrai que ça doit coûter sûrement beaucoup plus cher, mais oui, oui, moi je suis chaud. Enfin, après, je suis un réplicant. Je sais pas si ça se clone, mais. Oh bah, sans problème. Hein. Merde, oui, c'est moins cher. Je me fais avoir. Oui, non, moi, je peux vous avoir des cosses d'extrêmement bonne qualité. Non, par contre, un super camion. Si tu veux. L'argent, en fait. Ouais, on voit les sous. Hein. Non, un camion. Et puis, on peut être amené à bosser si Helmut il est chaud. Vous voulez pas qu'on se prenne un camping-car ? Vous serez mieux à l'arrière. Que dans le van. J'ai un van aussi, en fait. Et donc, du coup, je compte tuer la sauvegarde quand même. Et là, il se lève. Oui, vas-y maintenant. Il se lève et il le plombe, quoi. Ok, très bien. Une balle dans la pile. Je croyais que ça faisait mal de se tuer de soi-même. Moi, j'allais proposer mon flingue, mais. Non, parce qu'au final, vous en arrivez à vous tuer vous-même. Ouais, encore. Trop de peine. J'ai plus le choix. Et j'ai une question, mais il va se re-sauvegarder, là. Vous avez encore parlé. Hein ? Ah oui, ça va redéclencher un truc. Ça va redéclencher. C'est con comme vos pieds, en fait. Je vais me sauvegarder moi maintenant. Qu'est-ce que tu veux que ça change ? Non, mais est-ce que là, le fait d'avoir buté l'autre, ça redéclenche pas une. Non, parce que, qui c'est qui a remis la pile dans un clone ? C'est les enquêteurs ? C'est automatique, non ? C'est un système automatique d'assurance de skin tétique. Donc là, ça va redétecter. Donc là, chez vous, il y a un clone. Mais bien sûr que non. Vous pensez bien que je me suis assuré que ça ne serait pas détecté. Mais c'est bon, vous cherchez-le pas. Pas grave, virons-nous les 50 000 crédits. Mais comment ça, 50 000 crédits ? On a soif. Mais vous vouliez pas des avantages en nature ? Un nouveau corps et tout ? Si, un grand camion. Enfin, un gros deux. Camion. Putain, mec. J'ai bien noté, mais les autres, parce que. Moi, je veux l'argent, s'il vous plaît. Ouais, moi aussi, je voulais. C'est parce qu'on fait ce qu'on veut après. Moi, j'aime bien mon corps. Envoie la monnaie, mon cher Alban. Et donc, on a. Igor. Non, Igor, il demande de la thune, Eva, il demande de la thune, et James. Pareil. Ok, putain, vous êtes des petits joueurs, très bien. Et... Bah, une sera... copie de ta femme. Il vous pas de soucis, je vous livrerai, enfin je vous ferai un virement pour la thune et vous aurez un camion sous neuf. Et pour combien je vous donne le nom de la personne qui couche avec votre femme ? Oui, c'est ça. Non, pour combien on lui donne pas ? Pour pas qu'il le tue. Wouah ! Oh, ça va trop loin là. Tu vas faire chanter l'amant ? Non, bah, je m'en fous en fait. On a tout filmé, on sait tout. C'est n'importe quoi là. Mec, qui va nous livrer toute sa thune. Non, mais ouais, il est prêt à nous filer plein de trucs, on demande moins que ce qu'il veut faire chanter. Oui, mais c'est parce que nous, on sait que la vie est. Voilà, c'est un purgatoire. Moi, je compte pas vivre éternellement. Titi dans son corps synthétique. Exactement. C'est clair. Ouais, mais moi, tu sais, c'est ça la leçon, hein, c'est que les réplicants sont plus humains que les humains. Waouh. Waouh. Pardon. Petite philosophie à minuit, là, comme ça, là. Fou. Yes. Bon, bah, je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. Bah oui. Hop, attendez, je fais partir Craig. Au revoir, Craig. Au revoir. Adieu. On nous a bien aimé. Adieu, carrément. Ouais.